Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Et ta mère, elle aime sucer des queues ou pas? Bon voilà, allez, on équipe, passe une bonne soirée. Bah, non, ça répond pas à ma question, ça, madame. Bon, tu voulais faire un concours d'orgasme, toi, avant le chéri, je peux te faire cocu face à Erwan? Ouais, je crois que je peux faire bien. Hein. Bon, alors vas-y, Erwan, refais un petit coup, là. Ah oui. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Et oui, bonsoir tout le monde. Ah, déjà le dernier jour, on commence à 20h. Ah, ça va me manquer, ça. Mais vous allez nous manquer aussi pour une semaine, puis la semaine prochaine. On se prend une petite semaine, mais rassurez-vous, on vous laisse pas tout seul. Voilà, on vous laisse pas tout seul. Il y aura les meilleurs moments de l'émission pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter, ceux qui nous découvrent peut-être cette semaine et qui disent putain, j'ai raté tout ça pendant des mois. Ouais. Eh ben, vous allez kiffer la semaine prochaine puisqu'il y aura tout ce que vous avez raté, tous les meilleurs moments. Autant dire que vous allez vous marrer de 23h à 2h. C'est moi qui vous le dis, des dimanches même d'ailleurs, hein, le dimanche de 20h à minuit. Voilà. Puisque cette semaine on a fait l'intérim pendant les vacances. On accueille Marine qui est avec nous. Vous savez, début d'émission, on accueille les nouveaux. Bah oui, on peut pas le faire à la fin de l'émission. On peut pas accueillir les doux à la fin de l'émission puisqu'ils sont trop petits justement. Salut Marine. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va Marine, t'as quel âge toi? Moi j'ai 12 ans. Ah bah une douce alors, oh là là. Ça vient parfait. Alors les doux, donc c'est pour tous les auditeurs qui n'ont pas encore mué. Oui. Ou pour les filles qui ont donc en dessous de 14 ans. C'est 14, ça. 15 grand maximum. Mais pour être un doux officiel, évidemment, il faut passer quelques épreuves avec Polo. Tu connais le principe évidemment, Marine. Oui. Ah bah oui, oui, bah alors vas-y, je te passe Polo là, vas-y. Marine, en tant que général des doux, es-tu présente? Quel général? Oui. Oui, et tu veux te faire adouber? Oui. C'est ça, tu veux faire partie de l'armée des doux? Oui. Mets-toi à genoux, ça rime. Du verbe doubir. C'est bon, t'es à genoux. T'es à genoux? Oui. Marine, première épreuve, insulte-toi mais correctement, bien entendu. Utilise des mots un peu brillants. Mouille-toi mais te mouille pas. Voilà, on y va. Je suis une conne. Encore. Je suis une conne. Encore. Je suis une conne. Maintenant, est-ce que tu as ton téléphone dans la main? Oui, j'ai mon téléphone dans la main. Tape-le-toi sur la tête. D'accord. Encore. Encore. Marine! Oui? Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'armée des doux, je te nomme officiellement, tu es une douce! Bravo! Ouais. Et ben voilà! Bienvenue dans l'armée, Marine! Tu seras la petite fleur qui pourrit en été. Voilà, c'est ton nouveau ça. Nom. Et ben voilà. Voilà, Marine! Merci. Et ben je t'en prie, avec plaisir! Bon, ben gros bisous, Marine! T'écoutes l'émission depuis longtemps ou pas? Oui, j'écoute tous les jours. Bon, ben c'est cool, très bien, parfait. Et tu voulais dire à ce que quoi? Est-ce que je peux passer une dédicace? Ah oui, bah bien sûr, t'as même droit de passer deux dédicaces puisque tu es une douce et que tous les doux ont droit de passer deux messages. Les doux officiels, bien sûr. Vas-y, on t'écoute. Ah merci, c'est cool. Alors, je voudrais passer une dédicace à Arthur Aldeguer parce qu'il me manque beaucoup et à Alexandre. D'accord. Que j'aime. Eh bah très bien. Et tu veux écouter un son en particulier ce soir? Un son? Une musique? Bâtard de Stromae. Bâtard de Stromae, d'accord, ok. Bah alors on va te le caler. Toi, on va le noter, on va le passer tout à l'heure avant la bien fin sûr. De l'émission. Évidemment, évidemment, évidemment. Sinon, t'aimes bien le nouveau Katy Perry? Ah ouais, j'ai fun. Eh bah très bien, on le mettra tout à l'heure aussi avec Burley. Et puis mon son préféré qui passe sur Fun pour l'instant, le nouvel Avicii avec Let Me Down. C'est une tuerie. Ah, j'adore. Ça me donne envie de faire du sport. Moi, ça me donne envie de partir en vacances. Je l'écouterai dans l'avion, tiens. Voilà, on le passera tout à l'heure, le nouveau son d'Avicii qui déchire tout, c'est Lay Me Down. Gros bisous Marine. Bisous. Salut, ciao à toi Marine. Et salut. N'oublie pas de prévenir tes potes, hein, qu'il se passe un truc le soir sur Fun Radio. Hein. Bon, je te fais des bisous, je t'embrasse. Salut Marine, ciao. Bon, salut. Et bah à bientôt. Pour ceux qui justement n'ont pas l'habitude de nous écouter, puisque forcément d'habitude on est là de 23h à 2h du lundi au jeudi et le dimanche de 20h à minuit, il y a Sandro qui répond au téléphone et qui est là comme tous les soirs. Ouais, ça va. Ça va et toi? Ouais. Bon, très bien, et Sandro qui est encore au standard. Oui, j'ai trouvé un nouveau régime. Oh là ouais, là. J'ai entendu apparemment, elle commence une espèce de comment on appelle, de sport, de combat. Oh, je ne peux plus entendre ces trucs de régime. Mais et oh là là. j'en ai marre de moi, j'en peux plus, je me supporte plus. Je ne peux plus son histoire de régime. J'en ai marre. Et dans 3 jours, elle va bouffer du chocolat et puis ça va être reparti. Rappelons pour ceux qui ne connaissent pas que ça fait 10 ans qu'on traîne cette histoire de régime. Exactement. Non, il faut quand même préciser, il ne faut pas être mauvaise langue. Quand je suis en vacances, ça va, je le tiens bien. Donc, je vais m'y mettre, vraiment. C'est les vacances le problème. C'est ça, c'est les vacances le problème. Et soit en vacances plus souvent. Ouais, mais là, ça devient de le chômage et ça ira. Merci. C'est ça. Bon, il y a donc Sandro qui répond au téléphone. Appelez d'ailleurs, appelez-nous, 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a Toff qui appelle des amis. Tu portes tes couilles, tu viens, au lieu de faire la putain derrière un téléphone. Voilà. Ferme-la, tu n'as même pas le droit de parler. Bon, ça, c'est quand on appelle des Corses, évidemment. Et puis, il y a Polo qui monte une armée de doux, hein, comme tous les soirs. Vous avez pu le remarquer d'ailleurs avec justement la petite Mélanie qu'on a eue il y a quelques minutes. Bon, et sinon, on va prendre également notre ami Miko avec nous de Strasbourg. Salut Miko. Salut, comment ça va, Mika? Ça va et toi? Tranquille. Bon, t'appelles de Strasbourg, donc ça veut dire que t'écoutes par internet, puisque malheureusement, nous sommes interdits d'émettre à Strasbourg. C'est un scandale. Alors que donc, ça veut dire que tous les Strasbourgeois n'ont pas le droit d'écouter Fun. Ouais. C'est dingue. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit courrier, si jamais vous voulez qu'on mette une antenne à Strasbourg. Voilà. Parce que bon, tous les endroits où il n'y a pas Fun, c'est pas qu'on veut pas mettre. Hein. Non. C'est parce qu'on ne peut pas mettre. Ce n'est pas du tout la même chose. On est censuré. Voilà. Faites un petit courrier aussi, et ça leur fera plaisir. Bon, alors, bienvenue à toi, du coup, Miko. Donc, à Strasbourg, Merci. Tu vas peut-être repartir avec le dernier bon d'achat de 200 euros. Voilà, dans une centaine de boutiques. Voilà, donc, t'inquiète pas. Bombe, ah, bah oui, il y a de quoi faire. Hein. Alors là, je te le dis direct. Si tu veux faire plaisir à ta meuf, si tu veux te faire plaisir, si tu veux dépenser pour tout n'importe quoi. Bref, t'auras de quoi faire. Pour ça, il faut évidemment que tu balances une colle et il faut surtout qu'aucun auditeur ne trouve la bonne réponse. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, passe à l'antenne et la donne évidemment. Tu perds, il gagne. Si c'est un autre cas, c'est-à-dire il ne décroche pas ou il ne donne pas la bonne réponse, c'est toi qui gagne. Allez, vas-y, fais péter la colle de ce soir. Alors la colle, c'est qu'est-ce qui se vide et qui se remplit en même temps? Alors qu'est-ce qui se vide et se remplit en même temps? Ouais. Qu'est-ce qui se vide et se... Ah, j'ai bien idée, les couilles. Non, c'est pas ça. Je m'en doutais, mais non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça non plus. Polo, une idée toujours? Bah, je dirais bien la bite, mais je pense pas que ce soit ça. Non. Encore moi. Pourtant, il essaye tous les soirs. Un jour, ça viendra. Un jour, ça sera la bonne réponse. Un jour, ça ira. Bon, si vous avez la bonne réponse et que vous voulez repartir avec votre petit chèque de 200 euros, enfin petit, c'est déjà pas mal, hein, chèque de 200 euros de bon d'achat dans plus d'une centaine de boutiques, eh bien, allez-y. Vous répondez à la colle de Miko, que je répète, qu'est-ce qui se vide et se remplit en même temps? Vous envoyez M.I.K.L. suivi de votre réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook. Je vous mets la colle dans quelques secondes sur le Facebook de l'émission. Comme ça, vous allez pouvoir la lire également et y répondre et gratuitement. Et on tire au sort avant 22h. Tu restes avec nous, Miko, et on te récupère quelques fois avant 22h, d'accord? Ok, non. Ça marche. Bon, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir? Moi? Ouais. C'est bon. T'as envie d'écouter quoi? Flipper avec trombone. Et je ne comprends pas ce que tu me dis. Flipper avec trombone. Clipper? Ouais, Flipper. Un flipper avec trombone. Ah, d'accord, parce que avec trombone. Attends, on va essayer de voir si on l'a ici. Dis-moi, Flipper, c'est Flipper, le dauphin là, qui chante? Ouais, exactement, c'est Flipper le dauphin. Et du coup, c'est un morceau, c'est un morceau dance. Avec ça au milieu. Voilà. On va demander à Miko C de nous. Voilà, prochain remix Party Fun. Voilà. Ou alors ça pourrait être limite être ça en fait, regarde. Voilà, t'es là. Voilà. Voilà, c'est ça Flipper. Ouais, vachement. Ah bah voilà, tu vois. Eh, hey, il suffit de demander, nous on n'est pas des cons, hein, on n'est pas des enfoirés, nous. Tu demandes, on te propose en plus, tu le passes et puis y a pas de soucis, hein. Je demande qu'il passe. Bah voilà, très bien. Bon, attends, on a trouvé l'extrait là, attends, bouge pas. Voilà, c'est ça? Ouais, c'est celle-là. Très bien. Un petit Miko C, il a passé par partie fun, je la kiffe. De quoi tu dis? Un petit Miko C, il a passé par partie fun, je la kiffe. Ah oui, ça m'étonnerait pas, bien sûr, évidemment, ouais. Voilà, pour ceux qui découvrent, hein. Et donc, c'est Flipper et trombone. Flipper ici, c'est trombone. Ouais. Non, c'est Flippers. Ah, c'est Flippers. Ouais, Flippers. D'accord, ok. Attends, on va attendre que ça démarre un peu là. Ah, Polo, il adore. Ah, il remue là et tout, il est au top. Ah, ouais, j'adore là. Bon, bah, très bien. Bon, on le mettra tout à l'heure avant la fin de l'émission, du coup, d'accord? Pas de soucis, ça va. Bon, bah, très bien. Bon, on note tout ça là et puis ce sera prévu pour tout à l'heure sans problème avant la fin de l'émission. Bon, à tout à l'heure, Miko. À tout à l'heure, Mika. Allez, ciao à toi. On va prendre également Bérangère avec nous maintenant. On passe Normandie. Salut Bérangère. Oui. Oui. Ah, t'as l'air en meilleure forme qu'hier soir, Bérangère. Oui. Qu'est-ce qu'on y a mis à la Bérangère? Ah, bah je sais pas. C'est qui parle derrière la Bérangère? C'est les petits guéniches de 91. D'accord, ok, mais dans l'absolu, c'est qui Bérangère par rapport à toi? Hein? C'est des copains. Ah, des copains, bah voilà, oh, très bien, parfait. Bon, bah alors impeccable. Bon, Bérangère qu'on avait eu hier soir en fin d'émission, il était un petit peu fatigué évidemment. Et donc, tu nous appelais pourquoi hier soir, Bérangère, là, qu'on remette les choses un petit peu au clair là? Ouais, c'est qui là? C'est qui? Attends, c'est est-ce Mickaël que tu peux laisser le téléphone à Bérangère, s'il te plaît, arrêter de hurler dans le téléphone, Bérangère? Qu'est-ce qui t'amène? Bah, on a parlé déjà hier. Ouais, oui, je sais, mais rappelle-le pour les auditeurs qui n'étaient pas là hier soir à minuit. C'était parce qu'en fait, il m'a fait coucher. Exactement. Donc, en fait, donc ton mec, je répète, parce que. Attends, parce qu'il y a ton pote là, il est un peu relou quand même derrière là. Donc, il y a donc Bérangère qui nous avait appelé parce que, bah, en gros, elle était avec un mec et ce mec, elle s'est rendu compte qu'il avait une double vie. Oui, c'est voilà, ça. Ce oui. qui lui posait forcément un problème. Et là, je peux te dire, Bérangère, qu'il faut pas forcément te plaindre puisqu'il y a plus dans la merde que tout encore. On a eu l'occasion de tomber sur cette info justement. C'est une Anglaise de 36 ans qui a découvert que son mari, Bruce, donc, l'a trompé. Avec sa meilleure amie. Non, 18 personnes différentes. Oh oh, ouais. Ah ouais, même Toff est devenu un ringard à ce niveau-là. Ah ouais, là je peux pas, je peux pas lutter avec lui là. Ah bah ouais, 18 personnes différentes pendant leurs 5 années de mariage seulement. Ah ouais, le mec il rigole pas. Ah ouais, il se met bien quand même. Même moi j'ai pas réussi à ce niveau. Hein. Attends, mais le plus beau c'est que, bah, déjà parce que t'es jamais resté 5 ans avec une meuf, mais c'est surtout que elle a découvert que 6 d'entre elles, 6 des 18 personnes étaient des personnes qu'elle considérait comme les meilleurs amis. Ouais. Et je l'ai toujours dit, se méfier de ses proches et surtout de ses meilleurs amis. C'est ça, mais j'ai mieux, parce que c'est encore pire. Oh là parce là là. Si vous pensez qu'elle l'a quitté pour ça, eh bien pas du tout. Elle a dit, je sais que beaucoup de personnes face à ce genre de situation trouvent qu'il est difficile de pardonner. J'ai complètement pardonné Bruce et j'ai pardonné ses maîtresses. C'est beau. Tu peux le redire parce que je trouve ça magnifique. Non, il y a un moment, c'est vrai que c'est beau, tu peux pardonner. Et puis il y a un moment, c'est aussi de la connerie. C'est un peu de la bêtise, c'est de la stupidité. C'est complètement bête en fait. Il y a 18 hein, quand même. Après 18 erreurs, tu peux te tromper une fois et pardonner, machin. Ça dépend du contexte et de pourquoi, du comment. Mais tu peux une fois pardonner, mais quand même 18 fois, genre, il y a un moment. On peut tromper une fois. Ouais, non, mais il faut quand même pas déconner, tu vois. Venez nous dire déjà vous si vous auriez pardonné, parce qu'il y a un moment, faut pas abuser. Et surtout, est-ce que vous avez déjà découvert que votre copain ou votre copine avait une double vie? Voilà. On en parle. 01 42 48 5000 et pour la Belgique, 02 851 4x0. Et si vous êtes comme elle, n'hésitez pas, envoyez-moi vos coordonnées, hein. Évidemment. Ça m'intéresse. Bah oui, bah, contrairement. On aurait été étonné, tiens. On va prendre Shana également, là, qui voulait réagir par rapport à Bérangère, là, hier soir. T'es là, Shana? Oui, je suis là, oui. Très bien. Ben, on va te prendre dans quelques minutes, Shana. T'aurais pardonné, toi, les 18 fois ou pas? Comment? T'aurais pardonné les 18 fois ou pas? Non, peut-être pas quand même. Ah, quand même. Mais t'as déjà pardonné au moins une fois? Oui, au moins une fois. Oui. Ah, au moins une fois. Bon, ben, tu vas nous expliquer ça dans un instant. On va récupérer Bérangère, on va récupérer Laetitia qui est avec nous également de Nio, là, dans l'Aveyron. Salut à toi, Laetitia. Comment vas-tu? Salut, Shana. Shana, ouais. Shana Paul? C'est drôle, ça. Oh, ça, c'est drôle. Ah. Attends, voilà. Alors, ça va bien Laetitia? Ça va et toi? Bon, ouais, t'aurais pardonné toi 18 fois au mec? Non, je crois pas. Hein. Bon, pour l'instant, on n'en trouve pas des filles qui pardonneraient. Hein. Bon, t'as déjà pardonné au moins une fois ou jamais? Oui, mais il m'arrivait un peu la même erreur, quoi. Bon, alors, attends, reste avec nous, on va en parler. Tu restes là, Laetitia. Les autres, les filles, les garçons, appelez-nous. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On salue également tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent sur le Twitter et le Facebook de l'émission, notamment Léa qui dit désolé, Mickaël, je joue pas ce soir, mais c'est pas grave, Léa, t'es pas obligé de jouer tous les soirs pour le top tweetos, hein, y a pas de problème. Céline qui dit hello, toute la team, désolé pour le retard. Eh ben, ça mérite un coup de pelle, même si tu n'as que 12 minutes de retard. Lydie qui dit pour pardonner autant de tromperies, waouh. Et dame qui dit je trouve pas votre vidéo sur YouTube quand vous êtes en sous-vêtements de Playboy. Bah pourtant c'est pas compliqué, hein. Tape Mickaël officiel sur YouTube, tu t'abonnes à la chaîne et puis tu verras directement la vidéo quand on a reçu la team Playboy. C'était lundi, ils sont venus nous déposer des petits œufs en chocolat et des sous-vêtements Playboy. Et depuis hier, je vous en offre des sous-vêtements Playboy, ils sont magnifiques. Je vous les ai mis sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter également, vous pouvez les voir. Il suffit de demander, faites un like et un partage du post et puis bah il y a des auditeurs qui passeront à l'antenne comme ça et hop là, je leur filerai les sous-vêtements Playboy, il y en a pour filles, il y en a pour garçons, allez les voir, ils sont magnifiques. Et on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit en mode 20h minuit pour la dernière fois ce soir. On revient après Afrojack sur Fun. I'm clumsy, and my head's a mess. Tous les soirs sur Fun Radio. Prenez le contrôle. 02 851 4x0. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio avec plein de messages qui arrivent, hein, comme d'habitude. Il y a Hugo qui dit: je peux avoir mon coup de pelle et un message de bienvenue. Continuez comme ça, vous déchirez, évidemment. Hop là, le coup de pelle et le message de bienvenue. Ferme-la, t'as même pas le droit de parler. Voilà Hugo. Il y a Echo aussi qui envoie son message sur le Twitter. Salut la team, ça fait un bail, je reviens enfin vous écouter. Polo, tu as oublié que j'étais ton bras droit dans l'armée des doux. Bah oui, mais Echo, depuis le temps que t'as quitté le navire, mec, tu as été dégradé. Ah bah oui, t'as été dégradé, là, t'es devenu un petit soldat maintenant. Ouais. Ah bah oui. Il y a Sarah aussi, désolé pour le retard, je viens de rentrer du handball. Eh bah écoute, très bien Sarah, j'espère que t'as gagné au moins. Et Stéphanini qui dit: conne comme je suis, j'en serais capable de pardonner, moi. Ouais, mais bon, et 18 fois, pour ceux qui viennent d'arriver, on est tombé sur une info là, c'est une Britannique qui a pardonné 18 fois à son mari, compris avec en plus 6 fois des meilleurs amis. C'est-à-dire que le mec en 5 ans, il a quand même trompé sa meuf 18 fois, dont 6 fois avec les meilleurs amis de sa meuf. Et 18 fois, la meuf, elle a pardonné. C'est quand même un truc de ouf. Donc venez nous dire si vous avez déjà pardonné, si vous avez déjà été trompé, comme Bérangère, qui sortait avec un mec et elle s'est rendue compte il y a peu qu'il avait une double vie. Qu'il était déjà marié. C'est et que, scandaleux. En fait, c'est elle qui était la maîtresse, alors qu'en fait, elle s'imaginait pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. La pauvre. Ah bah, complètement. Bon, il y a donc Shana qui est avec nous, là, qu'on récupère. T'es là, Shana ? Oui, je suis là, oui. Bon, très bien. Bérangère aussi. Et donc, Bérangère, Shana, 18 ans de Bourges. Qu'est-ce que tu voulais dire à Bérangère, toi, Shana ? Bienvenue. Merci. Bah, moi, en fait, il m'arrivait aussi une coulisse. C'était parti. Attends, tu peux enlever. Je sais pas si t'as le kit main libre ou t'as le haut-parleur, peut-être ? Non, ou le téléphone trop près de la bouche, peut-être, ou alors un mouchoir dans ta bouche. Je sais pas. Non. Bon, alors on va faire avec. Alors vas-y, Jada. C'est qu'en fait, moi, je suis sortie avec un mec pendant 4 mois. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il était en couple avec une fille pendant un an. Non, t'es sortie avec Toff aussi, toi. Non. T'es sortie avec un connard, alors. Ça, alors. Et c'est une fille sur Facebook, donc qui m'avait prévenu. Et moi, bon, je l'ai pas cru. Et c'est après, plus tard, que j'ai appris la vérité, qu'il m'avait bien trompé avec une fille. Et t'as dit quoi alors ? Parce que pour le coup, c'est exactement la même situation que Bérangère, sauf que Bérangère, ça fait un mois, et toi, ça a fait 4 mois, mais... Attends, bon, j'ai voulu reprendre Bérangère, mais comme il y a toujours son pote qui arrête pas de raconter sa life, on comprend rien. Et rappelons que Facebook est devenu vraiment un outil de... Ah, tu ne peux plus être malhonnête. Ah non, tu peux plus tromper ta meuf. Bah si, mais il faut avoir plusieurs Facebook. Non mais même, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec toutes les photos... Mais oui. C'est mort, tu vois, il y a toujours un moment, tu vas te retrouver dans une soirée, il y a un mongol qui va prendre une photo, qui va la poster, toi tu vas te retrouver tout à fait derrière sur Instagram, en train de faire de la merde et paf, parce que évidemment déjà avant t'avais toujours une connaissance qui connaissait la connaissance, mais alors maintenant avec les réseaux sociaux, comment te dire que on a tous des amis en commun, au moins un, tu vois, à un moment ou un autre c'est quelqu'un qui est en commun avec quelqu'un d'autre qui est en commun, enfin il y a toujours un lien, quelque chose à un moment ou un autre. Non, il y a que Polo qui arrive à faire ça. Ouh ouais, et encore. Arrive à faire quoi? qui arrive à ce qu'on ne connaisse pas les gens qu'il connaît. Oui, mais bon. Ouais, mais attention, ça c'est parce que j'ai étudié toutes les stratégies guerrières des Chinois, Sun Tzu, etc. N'importe quoi. Non, mais c'est vraiment plus. N'importe quoi. Bon, et du coup, Shana, toi, qu'est-ce que t'as fait après? Tu l'as viré? Bah, en fait, il m'avait bloqué sur Facebook, donc au début, je l'avais pas vu et je me suis demandé pourquoi. Il attends, il t'a bloqué, c'est-à-dire que vous étiez ensemble et il t'a bloqué sur Facebook? Il m'avait bloqué après. Déjà, c'est louche. 3 mois après, et donc. Je suis partie sur Facebook de mon frère et j'ai vu qu'il était en couple avec une autre fille en même temps. Donc il m'avait trompé moi, sa copine, et il s'est mis avec une autre fille. Ah ouais, déjà c'est hyper louche. Hein. Shana, il s'appelait Paul ou pas ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Shana Paul. Oh putain, t'es relou, tu vas pas me la faire à chaque fois là. Il est relou. Oh là là. Ouais, moi je pensais que t'avais compris. Bah non, mais attends, il l'a déjà fait une fois. Je me dis, c'est bon, il va avoir un minimum. Tu vois, il va faire un peu neuf là. Mais non, mais pas du tout. Attends, il y a Laetitia de Millau également là, dans l'Aveyron là. T'es là, Laetitia ? Oui. Bon, bienvenue Laetitia. Alors, tu voulais donner ton avis toi par rapport à Bérangère et par rapport à Shana, fatalement. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé par rapport à la tromperie ? Ben moi, un peu comme Bérangère, donc ça faisait un mois que j'étais avec un mec. Ouais. Et donc j'ai appris par d'autres personnes qui me trompaient, donc ils menaient une double vie avec une autre fille. Et donc moi, j'ai voulu laisser une chance. Et ça a continué quoi. Donc. Mais j'ai pas compris. Donc t'as voulu essayer quoi ? Ben, j'ai laissé une chance de rester avec lui, parce que j'en ai parlé, chance, du coup. Okay. Donc j'en ai parlé, donc j'ai laissé une chance et il a refait la même. Mais c'est ça, le problème en fait avec les mecs, et je pense qu'avec les meufs c'est pareil, hein, c'est qu'à partir du moment où t'as testé, ça a marché et que la meuf ou le mec a pardonné, t'as plutôt tendance à te dire, oh, si je l'ai fait une fois. Ouais, c'est pour donner un conseil quoi, à Bérangère, que une fois, enfin, on peut donner une chance, mais je pense que deux, c'est... Ouais, oui. Et alors 18, et alors 18, n'en parlons pas. Je pense qu'au-delà de 18, le mec, il sait que de toute façon, il pourra faire ce qu'il veut, et le gars, toujours, je suis, oh, c'est pas grave. Attends, mais 18 fois, c'est quand même une violence. Ah, j'aimerais bien rencontrer une meuf comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. 18 fois, le mec, il l'a trompé, elle revient à chaque fois, c'est un truc de dingue. Franchement, là, c'est irrespectueux. Tu peux faire une erreur, mais là, c'est vraiment, le mec, ah, excusez-moi. Mais c'est pas une erreur. Mais le mec il le fait volontairement. Après 18 fois. Il y a Pierre qui dit, est-ce qu'il y aura encore le concours d'orgasme ce soir et moi j'aurais pas pardonné. Non, on a eu le gagnant hier et la gagnante surtout du concours d'orgasme. Il y a Justine qui dit, pardonnez, pour ça faut vraiment aimer la personne. Moi je pardonnerai pas, c'est trop facile. Continuez comme ça, vous gérez. Alors Justine, je suis d'accord avec toi. Il y a seulement, il peut y avoir des circonstances un petit peu, des circonstances atténuantes. Si effectivement t'es en soirée, t'as picolé, t'as pas réfléchi, etc. Pourquoi pas? Et encore, si ça arrive à la meuf, je ne veux pas qu'elle me le dise. Qu'elle ferme sa gueule, qu'elle vive avec, je ne veux pas le savoir. Tant que je le sais pas, pour moi, ça s'est pas passé, donc c'est parfait. Mais je veux pas, à aucun moment, faut revenir. Ouais, bah écoute, je vais te le dire parce que je vais être honnête. Mais non, t'as déjà été malhonnête. C'est vrai. Alors, reste dans la malhonnêteté, je préfère. Jusqu'au bout. Eh oui, mais non, mais c'est vrai, tant qu'à faire, autant fermer sa gueule. C'est pas la peine de blesser quelqu'un. T'as fait une connerie. À partir du moment où tu te rends compte que t'as fait une connerie, hein, si c'est pour aller tromper ta meuf 15 fois d'affilée, bon, évidemment, c'est pas pareil. Mais si c'est un accident, ferme ta gueule. Et hop, c'est pas grave, on passe à autre chose et tu vis avec. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais merci Shana et Laetitia en tout cas de nous avoir appelés. Merci Michael. Oh oui, Laetitia. Ce serait possible d'avoir des sous-vêtements Playboy. Non, tu veux des sous-vêtements Playboy? Oui, on va t'enfiler un, Laetitia. Merci. Avec plaisir, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup, vous êtes super. Eh ben, je t'en prie Laetitia, salut, à bientôt. Salut. Ciao, bye bye. Bon, et il reste encore des sous-vêtements, notamment pour les mecs, hein, si vous voulez, des boxers Playboy. Si vous voulez les gagner, il y a les photos sur le Facebook de l'émission, il y a des rouges et il y a des noirs. Vous pouvez aller voir. Et puis, bah, si vous voulez, vous nous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On tirera au sort sur le Facebook et puis on prendra des mecs aussi à l'antenne tout à l'heure. On va écouter dans un instant le son de Pitbull. Pitbull avec We Are One. Et si vous voulez écouter des sons, hein, n'hésitez pas à vous demander avec le hashtag Emickel. On avait également demandé le son de Duke Demont aussi là, avec I Got You. Et comme ça, on va se permettre de chiller, comme ça, on va se mettre bien tout à l'heure. Allez, restez sur Fun Radio. Et est-ce que vous avez déjà essayé de refaire une scène de film porno? Non. C'est-à-dire se filmer? Non, refaire une scène. Tu vois une scène dans un film porno et tu te dis à ta meuf ou tu te dis à ton mec, tiens, on va essayer de refaire la même scène. Ah ouais, si, ouais. Voilà. Eh ben, il y a 47% des Français qui ont déjà essayé. Bah, alors, je dis essayer évidemment parce que c'est pas évident de refaire les positions des films, surtout quand il y a plusieurs personnes. Ouais, il y a des scènes, c'est pas possible. Bah, il y a des scènes, c'est pas possible. Donc, Tof, je proposais que tu demandes à tes amis s'ils ont déjà essayé de ce genre de pratique un peu particulière. Avec plaisir, je suis sûr qu'ils vont être contents. Ah bah, il y en a certainement qui vont te répondre ça. Ferme-la, tu as même pas le droit de parler. Voilà. Donc on va les appeler dans quelques minutes. Je compte sur vous pour nous balancer des numéros de téléphone, hein, si jamais vous en avez des numéros de téléphone de gens aussi sympathiques que tous les amis qu'on appelle tous les soirs. N'hésitez pas à envoyer ça sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Autre bonne nouvelle également, ce soir c'est le Canular Day. Ah oui, tous les jeudis soirs. Alors ceux d'habitude on le fait entre 23h et 2h évidemment. Là on va le faire vers 21h le canular ce soir. Donc si vous voulez participer, si vous voulez repartir avec l'appareil photo numérique, il y a donc le canular ce soir. On appelle qui vous voulez, on appelle votre copain, on appelle votre copine, la famille, un ami, votre patron, votre prof. Enfin bref, n'importe qui, on lui fait un canular. C'est open bar, vous arrivez avec le sujet que vous voulez et puis on arrange, on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire. Appelez-nous donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Miko qui est de retour avant de prendre Manuela, Elodie et Jessica. T'es là Miko? Toujours là Mika. Que des meufs ce soir. Ah bon, à part toi Miko, t'es un petit peu la tâche dans l'émission quoi, hein, en termes de filles, tu parles. Bah oui. Écoute, on préfère parler à des filles, c'est normal, tu penses. Hein, n'est-ce pas Miko? Ouais, c'est logique, tu préférerais parler à des filles aussi. Ah bah oui, évidemment, tant qu'à faire. Bon, allez, fais péter la colle, je rappelle qu'il y a toujours 200 euros de bon d'achat à gagner, valable dans une centaine de boutiques en France. Donc vous pouvez jouer sans problème, mais pour ça, il faut répondre à la colle de Miko. Vas-y Miko. Qu'est-ce qui se vide et qui se remplit en même temps? Qu'est-ce qui se vide et se remplit en même temps? On proposait la chasse d'eau. Ah non, alors c'est pas la chasse d'eau, parce que la chasse d'eau, elle se vide d'un coup. Et puis elle se remplit. Ouais, c'est ça. Bah, elle oui, se vide pas en même temps. Voilà. Sauf que là, c'est pas le cas. Bah ouais, on proposait la bouche. Non plus. Bah c'est pas ça non plus, parce que la bouche, elle a... une fois que vous mettez en bouche, vous mâchez, ouais. vous avalez, c'est vide et après vous remplissez. Ouais. Quoi qu'il y a des mecs, il y a des mecs qui mangent. Si t'arrives à faire le, si t'arrives à faire l'inverse, t'as de la chance. Hein. Mais non, mais tu bah si tu gerbes alors. Mais non mais je veux dire, il y a des mecs comme Polo qui ont tellement peur qu'on pique dans leur assiette, qui ont des trucs à ils sont en train de mâcher et pendant qu'ils mâchent, ils remettent encore, tu sais, un peu comme dans le train à l'époque, tu sais, où tu devais mettre le charbon là, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est que c'est une habitude que j'ai pris quand j'étais au lycée où je prenais l'heure pour bouffer. Et j'allais pas à la cantine, c'était tellement dégueulasse. Et on est obligé de speeder. Bah oui, et bon, j'ai pris ça. On proposait une pompe également là sur le Facebook. Non plus. Non plus. Bon bah très bien. Bon bah si vous avez la bonne réponse, allez-y. Bah vous envoyez Mickaël la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. On donne la réponse tout à l'heure avant 22h. 200 euros de bon d'achat à gagner. Ça peut être bien pour les vacances. Ça peut vous permettre d'acheter quoi? Des maillots, des lunettes de soleil. Ça peut vous permettre d'acheter même de la déco pour la maison. J'en sais rien, moi. Des jeux vidéo. Limite, ça peut vous aider pour une console. Hein. Ouais. Ça peut vachement vous aider pour une console, même. T'achèterais quoi, toi, Miko, d'ailleurs? Moi, franchement, une console. Une console. Laquelle? Laquelle tu préfères? PS4, d'accord, ok. Bah PS4, tu devras mettre un peu plus, tu devras mettre un peu de ta poche, mais dans l'absolu, ça paye quand même une grosse partie. Bon, c'est plutôt bon esprit. Bon. Compléter, hein. Bah oui, non, mais c'est ça. Ouais. Bon, bah Miko, reste avec nous. De toute façon, on connaîtra le nom du gagnant tout à l'heure avant 22h. Si vous voulez participer, bah rendez-vous sur MIKL officiel. Tapez ça sur Facebook et puis on se retrouve tous ensemble dessus. On écoute Pitbull et Jennifer Lopez maintenant au cœur d'une heure sans pub avant de faire les appels de Toff. Le son de We Are One sur Fun Radio. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. Et oui, on est sur Fun Radio, il est 20h32. Il y a Blue Riser qui dit: je pourrais avoir un message de bienvenue, je vous écoute tous les soirs. Bah oui, évidemment. Là, t'as même pas le droit de parler. Je t'en mets même un deuxième parce que je l'ai mis tout à l'heure. Tu portes tes couilles, tu viens, au lieu de faire la putain derrière un téléphone. Bah voilà, c'est ça, tu portes tes couilles et tu viens. Il y a Aurélien qui dit: ça fait plaisir de vous retrouver, je vous ai pas encore écouté de la semaine. Ah bah c'est con, on était là de 20h à minuit toute la semaine, Aurélien, là. Bah voilà, bon, on est là jusqu'à minuit, donc profites-en. Il y a également Paolo qui dit: Toff, t'es mon préféré. Non, je déconne, j'ai vu la vidéo Playboy, c'est un film d'horreur, continue ton régime, mec. Ouais, bon alors évidemment, la vidéo Playboy, si vous êtes un doux, n'allez pas la voir, surtout parce que ça peut être dangereux. Oui, c'est sale, c'est sale. Bah voilà, c'est ça, donc moins de 18 ans, vous n'allez pas la voir. Pour les autres, vous pouvez donc aller sur le YouTube, hein, taper MIKL officiel sur la chaîne YouTube de l'émission. Vous allez vous abonner à la chaîne et vous verrez la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Facebook, elle est dessus, hein, facebook.com/MIKL officiel. Presque 6000 pervers déjà. Ah quand même, hein. Ah oui, ça monte, pas mal. Bon, au début, tant qu'on voit les deux, la fille et le garçon de chez Playboy, il n'y a pas de problème. C'est qu'à un moment arrive un truc chaud, quoi. Voilà, j'en dis pas plus, ouais. Mais ça peut vous perturber. Âme sensible, s'abstenir, on va dire. Et Nathan qui dit: Mickaël, je peux avoir un coup de pelle, j'ai 25 minutes de retard. J'ai en quelque sorte supplié ma mère pour vous écouter. Bon, alors Nathan, dis donc, et qu'elle nous appelle ta mère. On va lui expliquer qu'il n'y a aucun problème à écouter l'émission, que c'est une émission de culture. Ouais. Une mission culturelle, ouais. Et que voilà, il n'y a pas de problème, on est là pour aider la jeunesse à apprendre plein de choses. À évoluer. Exactement. Bon, en parlant d'évolution, parlons donc de ce 47% de Français qui ont déjà tenté de refaire des scènes de films porno. À la maison. À la maison, évidemment, en se refilmant, ou même limite sans se filmer, ouais, hein, juste refaire filmer, la c'est scène. Juste, quoi. Ouais, c'est ça, pour essayer de le refaire, quoi. Bon, du coup, t'as décidé d'appeler des gens pour leur demander s'ils ont déjà tenté de refaire des scènes de films porno. Chez eux. Bah, évidemment. Donc, on les appelle grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs en masse, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va, on appelle maintenant le premier. Puis on aura le canular tout à l'heure, hein, donc restez bien sur Fun Radio. Allez. Et ça ne décroche pas, on a de la chance. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà essayé de reproduire des scènes de films porno avec votre mari. Bon, écoutez, commencez pas avec ça, hein, s'il vous plaît. Au revoir. Bah, oui, mais ça répond pas à ma question, ça, madame. Allô? Ah oui, non, bah elle veut pas. Apparemment, elle veut pas entendre parler. Donc, attends, on va rappeler quand même encore un coup, là. Voilà. Allez, on y retourne chez madame, là. Très sympathique, hein. Enfin, là, adorable. Elle a l'air très, très sympathique. Oui, allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, je voulais savoir si avec votre femme, vous aviez déjà essayé de faire comme dans les films porno, monsieur. Écoute-moi, tu sais, tous les soirs, je vais chez ta mère, je me fais sucer, babour et tribord. Malastille, crois-moi, je me régale. Oui, mais ça répond pas à ma... non, ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Mais non, mais ça répond pas à ma question, moi, je te réponds ta question. Maintenant, va te faire enculer et ça ira te promener. Bah oui, mais ça répond pas. Bah, allô? Oh, il est relou! Ça ira te promener! Bah oui! Bon, attends, on rappelle. Allez. Allez. Allez! Ah oui, bah ça mérite d'être rapide, hein, là. Pour le coup, au moins, on n'a pas perdu de temps avec ça. Hein. Bon, oh, eh bah, déçu. Ça, au moins, c'est fait. Bon, eh bah, du coup, on va récupérer, on fera d'autres appels, évidemment, dans une heure. On va prendre Jessica en attendant. Du Val d'Oise, salut Jess. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah oui, tranquille, t'es en forme. Représente le 9-5. Oui, super. Exactement, bah tant mieux. Tout à fait. Eh bah tant mieux, Jessica. Sois donc la bienvenue. Tu voulais parler de tromperie pour... Tu dis pas d'où elle vient? De quoi? De Jouy le Moutier. Et alors, non, mais bah, je sais pas, moi je trouve ça bien d'appeler Jouy le Moutier. Jouy le Moutier. Pour parler de tromperie, moi je trouve ça bien. Ah oui, écoute, elle a vu ta Jouy, c'est énorme. Ouais, bah ouais, très bien. Bon, bah donc t'es à Jouy, quoi. Ouais. Voilà, bah très bien. Écoute, ça arrive même au meilleur, la preuve. Bon, alors, toi, tu voulais réagir par rapport à Bérangère qu'on a eu tout à l'heure. Bérangère, donc, qui nous avait expliqué qu'elle était en couple avec un mec depuis un mois et qu'elle s'est rendue compte, en fait, qu'il avait une double vie depuis plus longtemps déjà avec une autre meuf. Et donc, du coup, bah forcément, elle ne savait pas trop quoi faire. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, Jessica, de tromper ou d'avoir été trompée ou les deux et donc, du coup, de pardonner? J'ai pardonné parce que je me suis fait tromper. En fait, je suis restée 5 ans avec un garçon. Ouais, tu m'as trompé 6 fois. Oh bravo! Ah ouais putain, et 5 ans, 6 fois, c'est quand même. Bon, évidemment, ça reste quand même petit joueur par rapport aux Anglais, puisqu'il est aussi. Ouais. Ils sont restés 5 ans ensemble et le mec l'a quand même trompé 18 fois la meuf. Ouais, non, mais 6 fois, c'est ce que je sais, hein. Le reste, je sais pas. Ah ouais, alors peut-être que c'est 18 aussi. Note les 18 fois, elle le sait, hein. Peut-être qu'il sait plus en fait encore. Peut-être. Hein. On sait pas, ouais, on sait pas. Bon, et donc du coup. En fait, moi, je lui conseille vraiment si elle est sûre qu'il l'a trompé. Enfin, si c'est un mec comme ça, qu'elle laisse tomber. Ouais, bah oui, mais le mec qui a trompé une fois trompera deux fois. Bah oui, mais oui, mais Bérangère. Écoute-moi, oui. Bérangère. Attends, oui. Attends, Bérangère, c'est ce qu'elle dit, Jessica. Effectivement, coupe ta radio derrière, hein, Bérangère. Oui, attends, parce qu'il y a du monde. Bah oui, justement, ouais. Donc, oui. Je disais, donc c'est Jessica plutôt qui disait s'il t'a trompé une fois, il va peut-être le refaire. Donc, à un moment, essaye de trouver quelqu'un d'autre, quoi. C'est que je fais. Ah ouais, bon bah voilà, très bien. Moi c'est tu lui as déjà dit que c'était fini, c'est fini là ou tu es simplement découvert? Je viens de découvrir. Ah d'accord, ok. Bon alors attends, tu voulais dire quoi en plus, Jessica? Il est relou. Qu'est-ce qu'il est relou, ton pote Bérangère. C'est quand même le plus relou de là du monde. Oh là là. J'espère que c'est pas lui ton mec parce que franchement faut vraiment le bâcher alors. Oh là là. Bah du coup je prends plus Bérangère parce qu'à chaque fois il y a l'autre mongol derrière. Oh, oh, oh, oh. Non mais en plus on comprend pas ce qu'il dit. Encore il prendrait le téléphone pour dire bon Mickaël je dois dire un truc. Ouais. Bon bah vas-y dis-le. Mais non il faut qu'il gueule derrière. Oh là là, par pitié. Bon donc Jessica tu disais quoi? Moi il m'a trompé en ma présence. Je lui ai pardonné. À quoi? Quoi? En ta présence? Oui. Mais comment mais ça? Comment c'est possible? Bah le jour de ses 18 ans. Non mais qu'est-ce qu'il a fait? Enfin il t'a trompé, j'ai compris, mais je veux dire, comment ça en ta présence? Bah on était à son anniversaire, il y avait des filles qui étaient du même CFA que nous, et en fait il avait déjà couché avec une fois. Ouais. Et puis bah il a décidé de monter dans sa chambre avec elle. Et moi j'ai pas vu parce que me demande pas pourquoi, j'étais en train d'épiler les sourcils d'un pote à moi. Ah oui bon, on va pas te demander pourquoi parce qu'effectivement ça paraît c'est improbable. C'est quoi ce délire? C'était sous alcool, c'est bon, ça arrive à tout le monde. Oui, oui, bah oui. Bah, dépiler les sourcils, non, en général, quand t'es bourré, tu fais plein de conneries, mais épiler les sourcils du meilleur pote, bon, non, mais pourquoi pas. C'est-à-dire qu'en plus, ça devait être super bien fait. Hein. Ah oui, ah bah oui. Trop bien fait. Et pourtant, c'est pas mon métier. Hein. Ah ouais, bah écoute, en plus, bourré, donc, au connard, bourré, apparemment, on peut faire plein de métiers. Hein. il paraît, voilà. En tout cas. Et bon. Puis, bah, il est monté dans la chambre avec elle. Ouais. Et une demi-heure après, j'ai vu quelqu'un courir dans les escaliers en train de vomir et j'ai vu que c'était lui. Donc moi, gentiment, vu que j'adore la propreté, je vais pour nettoyer, je la vois sortir à moitié déshabillée de la chambre. Ouais, mais peut-être qu'elle était malade aussi. Non, elle était pas malade. C'est peut-être parce qu'il lui avait vomi dessus. Parce que cette jeune fille s'est retrouvée dans ma classe après. Ah d'accord, donc t'as su en fait qu'il avait été voir ailleurs. Oui, j'ai su ça, puis tellement de choses qu'au final, ça sert à rien d'essayer quand ça marche pas, ça marche ouais, pas. Ouais, exactement. Il y a un moment, quand c'est fait, hein. Il faut lâcher l'affaire à un moment, hein. Il faut lâcher l'affaire. On va quand même prendre l'avis d'un mec, à Nico de Perpignan, là, 18 ans. Salut Nico. Salut Nicolas. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah très bien Nico, bah sois le bienvenu déjà. Alors, toi tu voulais réagir par rapport à la tromperie, tu t'es déjà fait tromper, tu as trompé ou comme Bérangère tu t'es rendu compte que ta meuf avait une double vie? Ouais non, moi je me suis surtout bien fait prendre pour un con en fait par une nana en fait. Vas-y raconte. Et bah en fait j'ai rencontré une nana comme ça pendant l'été dernier et tout ça. Et elle me dit, donc elle était là que de passage dans ma région. Ouais. Et elle me dit ouais pourquoi tu viendrais pas dans ma région et tout. Je dis ben ouais pourquoi pas. Donc j'y suis allé et tout, je suis allé, on a été pendant 2-3 mois ensemble et en fait au bout d'un mois j'ai compris qu'elle voulait juste un plan cul en fait d'un soir et qu'elle osait pas me le dire, elle m'a fait monter pour rien quoi. Ah donc, d'accord. J'ai tout perdu à cause de la merde. T'as même pas eu le plan cul? Si si, j'avais mon plan cul régulier, hein, tous les jours j'avais ce que je voulais. Bon bah c'est bien, alors, t'as pas... une info donc j'avais ce que je voulais quoi. Ah ouais, bah ça va alors, bah t'as pas tout perdu. Ouais mais bon. Non même. Mais si t'étais amoureux évidemment c'est relou, mais dans ouais. L'idée t'as pas tout perdu. Non. Mais après voilà, quand il y a eu tromperie, faut lâcher l'affaire. Ouais non mais je suis assez d'accord. C'est vrai que bon encore une fois ça dépend. Ouais, je disais encore une fois ça dépend, mais encore une fois ça dépend quelles sont les circonstances. Mais c'est vrai que une fois qu'il y a déjà eu, une fois qu'il y a déjà eu tromperie, après c'est tendu. Faut voir la circonstance, faut voir. C'est au cas par cas, mais 18 fois comme le l'anglais là, on va pas déconner évidemment. Ah ouais, bon, eh ben... quelqu'un qui trompe une fois, comprend une autre fois. Non, ça non. Une autre fois, non, ça je suis pas d'accord. Ça je suis pas d'accord. C'est comme le mec qui a fait une connerie une fois. Alors le mec il a fait une connerie, il va en taule, bah du coup tu le catalogues, bah le mec il a fait une connerie, il le fera toute sa vie. Bah non mec. Non. Après, non. Si y a quand même une tromperie ou quoi, c'est qu'au bout d'un moment il y a pas eu quelque chose que voilà, il y a quelque chose qui plaît pas ou que qu'elle doit chercher ailleurs. Okay. Oui, mais donc, voilà, mais ça peut être, c'est peut-être pas parce que peut-être que le mec ou la meuf a trompé son copain ou sa copine une fois parce qu'au final ils sont peut-être pas faits pour être ensemble et voilà, ça veut pas dire que la prochaine fois il le refera encore. De quoi Jessica? Un mec à meuf reste un mec à meuf. Quoi qu'il arrive. Non, je suis pas d'accord. Il y a des mecs qui peuvent changer, il y a des meufs qui peuvent changer. Il y a des meufs, regarde, il y a des meufs Sainte-Nitouche qui ont rien fait, puis ça peut devenir, les plus grosses salopes, ou inversement, des meufs qui étaient les grosses salopes quand elles étaient jeunes et qui sont devenues mères de famille respectables. Enfin, tu vois, je veux dire, il faut pas faire de généralité et dire ouais, mais une fois que t'as fait ça reste comme ça. On peut pas dire que les filles ou que les garçons. Bien sûr. Comme ça, des mecs sont comme ça. Moi, je me suis fait avoir par les filles. Et bon, voilà, c'est pas pour autant que je vais être un salaud avec toutes les filles. Là, j'ai trouvé une fille qui est bien, que j'aime, que je suis bien avec elle. Ça, c'est avec ses parents, ça se passe nickel. Bon, bah tant mieux. Voilà, parce que regarde. Jessica, regarde, Toff était quelqu'un de très bien quand je l'ai connu quand il avait 17 ans. Hein. Non, il avait un petit coup de foutu. Non, mais Toff, c'est un cas exceptionnel. Non, justement, c'est-à-dire qu'il était très bien et c'est devenu un sale connard à cause d'une meuf qui s'est foutue de sa gueule. Voilà, mais comme moi, je. Quoi, c'est ça. Voilà, par exemple. Bon bah merci en tout cas Nico et Jessica, vous revenez quand vous voulez tous les deux. Je peux passer une petite dédicace. Okay, merci. Bon bah allez, bah vas-y Nico, à une seule personne, choisis la bonne. Bah une petite dédicace à ma petite femme que j'aime, voilà. Ah bah très bien, qui est certainement avec un autre actuellement. Et si je peux avoir un petit pack fun? Ouais, pas de problème, tu vas gérer ça avec Sandro au standard et on va te filer aussi les sous-vêtements Playboy, Nico. Ah ouais, avec plaisir. Ah bah j'imagine. Bon bah salut Nico, à bientôt, ciao à toi. Ciao. Allez bye bye, on embrasse tout le monde à Perpignan. Restez bien là les autres, on va encore appeler des gens là pour les sous-vêtements Playboy. Continuez à nous rejoindre sur MIKL officiel sur le Facebook de l'émission. Il y a Lorraine aussi qui dit: moi mon ex-copain m'a trompé avec un mec, je crois qu'il n'y a pas pire niveau tromperie. Ça dépend. C'est pas mal, c'est ça pas dépend. Mal. Non mais il y a des gens qui préféreraient, si ma meuf me trompe, je préfère qu'elle me trompe avec une meuf. Ah oui, c'est normal. Dans l'idée, tu vois. Il y a Florian qui dit: trompe un jour, trompe toujours. Ça, je suis pas d'accord. Sophie qui dit: appelez Hollande, c'est un connaisseur de la tromperie. Alors Franck qui dit: pardonnez une fois, puis on a eu une gamine et elle m'a refait deux sales coups, des trucs d'avant que j'ai su après. Et puis Cali aussi, mort de rire, je l'ai vu la vidéo, vu que je suis abonné sur YouTube. Chut, je ne dis rien. C'est la vidéo de Playboy. Bah allez la voir vous je si vous ne l'avez pas encore vue. Ouais, tu parles. Allez la voir vous, mais attention, âme sensible, s'abstenir. Tapez MIKL officiel. C'est la première vidéo sur la chaîne YouTube de l'émission. C'est la chaîne, c'est la vidéo quand on a reçu les charmantes personnes de chez Playboy qui sont venues lundi nous déposer des petits œufs en chocolat et surtout des sous-vêtements Playboy que je vous offre d'ailleurs encore maintenant. Le canular arrive dans quelques minutes sur Fun Radio. Évidemment, ce sera Hugo pour jouer avec nous et puis on écoutera aussi le son de Doug Diamond avec I Got You sur Fun Radio. Vous restez bien là, on est ensemble, c'est Mickaël No Limit, mode 20h minuit sur Fun Radio, on est là jusqu'à minuit. Love in Fun est en vacances. Mickaël No Limit, Mickaël, prend le contrôle de 20h à minuit sur Fun Radio. Préparez-vous à passer des vacances de ouf. Fun Radio. Mickaël nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. On est en direct, il est 20h49. Yerwan qui dit salut Mika, je vous écoute tous les soirs, je vous kiffe. Je peux avoir un message de bienvenue et Tof, t'es trop con, mais je t'appelle quand même. Bon, bah, c'est déjà ça de prix. Ben, Erwan, je vais t'en mettre un petit là avant de se faire le canular dans quelques petites secondes. Alors, qu'est-ce que je peux te mettre je suis là. Espèce d'enculé, va. Voilà, qui était sympathique. Brandon également qui dit Mickaël, au lieu de compter les moutons le soir, je compte les têtes de con, mort de rire. Ah, bah, c'est le but en même temps. Et il y a Gauthier aussi, je vous écoute souvent, vous gérez, mais un message de bienvenue également, s'il vous plaît. Et ben, ouais. Va te faire foutre, connard. Voilà, Gauthier. Et Baptiste aussi, salut, je m'ennuie devant mon DM de maths et mes exos de français, donc je vous écoute. Ah bah c'est bien, puis c'est comme ça qu'ils vont avancer les examens, enfin les exercices, hein. Ça va être pas mal, ça. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Sophie qui dit coucou à toutes et à toutes, attends, c'est quoi ? Lydie, Ornella et coucou à tous et à toutes, Lydie, Ornella et Eric également, l'équipe No Limit. Pas de coup de pelle, ça fait mal à la tête. Oui, mais t'inquiète pas Sophie, hein, toi tu n'en méritais pas de coup de pelle, évidemment. Bon, retour dans quelques minutes de Elodie, de Manuela pour réagir par rapport à la tromperie. Il y aura Yanis également, il y aura Julien, d'où tiens, et puis bah vous, si vous voulez parler avec nous, vous êtes là, vous venez, vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va donc évidemment maintenant, bah, comme promis, se faire le canular, comme je vous ai dit depuis le début de l'émission, tous les jeudis, pour ceux qui nous écoutent d'habitude de 23h à 2h, eh bien on se fait un petit canular, on appelle quelqu'un au... pas au hasard, mais quelqu'un de vos connaissances en l'occurrence, pour lui faire croire tout et n'importe quoi. Plus c'est gros, mieux c'est. Plus c'est gros, plus ça passe. Ah. Voilà. Et donc, il y a soit un bon de 200 euros gagné, soit il y a l'appareil photo numérique qu'on vous offre. Et pour ça, on va jouer maintenant avec Hugo qui est avec nous là. Salut Hugo. Salut Mike. Comment Salut. Ça va et toi? Bah tranquille Hugo, t'appelles de Grand Cuvilly, toi, dans Seine-Maritime. C'est ça. Très bien Hugo, t'as quel âge? 19 ans. 19 ans, impeccable. T'es déjà en vacances là ou pas? Ouais. Voilà. Ah tranquille. C'est quelle zone alors du coup? Parce que moi je m'en sors jamais avec ça. C'est la zone B. Toi t'es zone B, d'accord, ok. Et toi, moi, donc toi t'as démarré lundi là? Enfin mardi en l'occurrence. Non moi je suis au taf, j'ai pris une semaine de vacances, c'est tout. Ah t'es au taf, d'accord, ok, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Mais comme il vient de commencer le taf, il préfère rester sur le rythme scolaire. Ouais ouais, non mais il a raison. Hein. Tu fais quoi dans la vie? Agriculture, d'accord, ok. Ouais. Bon, on va donc appeler pour le canular. Ouais. Et donc on va appeler qui? On va appeler un pote Thomas. D'accord, quel âge il a lui? 17 ans. 17 ans, très bien. Bon, alors on va lui faire croire quoi? Enfin, tu veux lui faire croire quoi plutôt? Que j'ai rencontré une ancienne amie sur Rouen. Ouais. Et qu'elle m'a invité à venir chez elle. D'accord. Donc j'y étais, tout ça. Et puis que, en fait, son copain arrive chez elle et que j'étais pas au courant et qu'il croit qu'on a fait des trucs ensemble, en fait. Et il veut me péter la gueule. D'accord, ah oui, donc très bien. Donc alors on va imaginer le roi. Donc je serai le copain, hein? Ouais. Voilà, Michel, évidemment, bien sous ton rapport, hein, évidemment, légèrement nerveux, mais bien sous ton rapport. Ce qu'il faudrait lui dire à la limite, c'est tu dois pas dire à ton pote que t'as rien fait. Tu dis que t'as commencé, mais que t'as pas fini. C'est genre t'as fait les préliminaires et puis là il est arrivé, c'est la catastrophe. Ce qu'on va dire donc, parce que donc t'es chez la copine là. Ouais. Ok. Donc on va dire que elle est avec un mec depuis quelques semaines. Donc lui il a pas forcément encore les clés, mais par contre il a entendu à travers la porte qu'il y avait un mec, etc. Comme le mec est hyper jaloux, c'est-à-dire moi en l'occurrence, je vais être un peu énervé. Donc toi t'appelles ton pote pour demander un conseil. Tu dis qu'est-ce que je dois faire? L'autre il veut me péter la gueule. Je comprends pas. Évidemment s'il te dit de passer par la fenêtre, tu dis que t'es au troisième étage. Ok. Bon moi évidemment je voudrais te tuer. Je vais insulter tout le monde, etc. etc. Enfin normal j'ai envie de dire. Voilà. D'accord. Ouais. Et je serais venu aussi avec des potes, des gros caïds, hein. Comment on peut t'appeler encore? Tu t'appelles comment d'habitude, Polo? Franck. Franck comment? J'ai oublié. Franck Dufour. Franck Dufour, voilà. Il y aura Franck et Jean-René. Oui, c'est pas mal. J'aime beaucoup Jean-René. Ouais, Jean-René pour Toff, c'est bien, ouais. Ça fait JR. Jean-René du frigo. Jean-René du frigo, si tu veux. Donc, on va l'appeler maintenant. Au plus tu l'énerves, au plus t'as de chances de repartir avec soit l'appareil photo numérique, soit le chèque de 200 euros pour t'acheter un petit peu ce que tu veux. Là, c'est valable dans une centaine de boutiques, tu vas voir. Ça va être la folie totale, dont la Fnac, hein. Si vous voulez vous acheter plein de trucs high-tech, par exemple, c'est possible aussi. On y va. Plus il s'énerve, plus t'as de chances de repartir avec le cadeau. Donc, n'oublie pas d'être en mode un peu terrorisé quand même, hein, d'accord? Ok. Allez, vas-y, on y va. Allez, sois bon, hein. Ouais, je vais être bon, je vais essayer. Moi, j'ai ma porte qui est là. Parfait. Allô? Ouais, Thomas? Ouais. Ouais, c'est Hugo. Ouais, t'es où, là? Ouais, mec, c'est chaud. Quoi? Ouais, j'ai rencontré, une ancienne pote à moi. Espèce d'enculé, ouais, c'est chaud, mec, quoi, y a un mec qui veut me niquer. J'ai rencontré une ancienne pote à moi, tu vois. Et genre là je suis chez elle et tout, puis je savais pas, elle avait un copain. Et genre il est derrière la porte, il veut me niquer, ouais. Ouais. Oh la vérité, ouais. Oh je rigole. Ouvre pas. Ouvre la porte, espèce d'enculé, ou je te défonce. Ouais, ouais, je regarde, vas-y, c'est chaud, oh Thomas, oui. Oh c'est chaud, wesh. Mais t'as mis tout. Oh Thomas, je rigole pas, elle s'est arrêtée de ma mère, je te jure, c'est vrai. Ouvre, je te jure, c'est vrai. Bah passe-moi la meuf pour voir. Hein? Passe-moi la meuf pour voir. Bah vas-y, vas-y. Ouvre la porte, ouvre. Oh Julie, cette putain de porte. Ouvre-la. Ouah, c'est chaud, mais c'est chaud. Allez, ouvre la porte. Oh Thomas, il est en train de se zapper, wesh. C'est où? Je suis à petit cul. C'est où, à petit cul? À côté du bar, pas loin là-bas. Allô là, mais hey, je te jure. Ouvre la porte. Viens, apparemment il a une embrouille, Hugo. Viens, 2 minutes, viens. Oh, vas-y, c'est chaud, les mecs. Oh, j'ai besoin de vous, wesh. Putain de porte. Sur la tête de ma main, je me déplace pas pour rien, Hugo. T'as 2 minutes, ouvre la porte. Mais ouais, c'est chaud, oh, je te jure, tu vas pas te déplacer pour rien, c'est chaud. Allô. Ouvre la porte. Julie, ouvre la porte. Où ça? À côté du bar, ouais, c'est trop chaud, mon pote. Je vais rentrer. Je connais pas vraiment. Bien sûr que je vais rentrer. Je connais pas vraiment, ouais. Je suis à côté du bar, là, on a juste du tabac, ouais. Ton mec, t'es derrière la porte, vous le niquez, ouais. Ouvre la porte. Mais oui, ouais, il est en train de péter les plombs. Arrête, bien, on y va. Allez. Ouais, Jérôme, il veut pas y aller, ouais. Ouais, je suis en train de péter les plombs, wesh. Vas-y, bah, ça arrive. Ouais, mais non, mais raccroche-toi, téléphone. Imagine, il rentre, tu me niques. Eh, hey, qu'est-ce que tu fous avec ma meuf? Espèce d'enculé! Je suis pas là, chérie, je suis pas là! Hey, fous-toi de ma gueule, c'est qui le mec? Je le connais pas! Comment ça, tu le connais pas? Qu'est-ce qu'il fout chez toi? Mais c'est un ami d'un pote, hein, mon cousin. C'est un ami d'un pote, à ton cousin, tu fous vraiment de ma gueule, espèce de colasse! Hé, hey, espèce d'enculé, viens ici, toi, comment tu t'appelles? Enculé, il t'appelle! Ouais, Hugo! Hé, hey, comment tu t'appelles? Ouais, je m'appelle Hugo. Hugo, qu'est-ce que tu fous ici, espèce d'enculé? Bah. C'est un ami à moi, elle m'a proposé de venir. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu fais juste avec ma meuf ici, là? En plus, t'ouvres pas la porte quand je le dis. Mais chérie, je le connais pas, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu fermes ta gueule, t'avais pas un truc à cacher, peut-être, c'est ça? T'es avec qui au téléphone, là? T'es avec qui au téléphone? Viens, t'es avec qui au téléphone? Mais je sais pas, moi, chérie, je comprends rien. Non, mais c'est pas à toi que je pose la question, là. T'es avec qui au téléphone, là, Hugo, là? Chérie, m'a kidnappé. Non, bah, c'est quoi, passe-le-moi, là. Allô? Ouais, c'est qui au téléphone? C'est quelqu'un, pourquoi? Ouais, c'est quelqu'un, et t'as pas de prénom, toi, quelqu'un? Non, j'ai pas de prénom. Tu veux que je te pète la gueule aussi, toi, espèce d'enculé? Bah, viens, mon pote. Ouais, bah, je vais venir, bah, t'as qu'à venir si tu veux, toi. Bah, je suis en pleine forme, là. Je vais d'abord m'occuper d'autres connards, là. Je sais pas qui c'est, je sais pas, c'est ton frère ou ton pote ou je sais pas quoi, là. Déjà, lui, il va prendre cher. Et puis, si tu veux, vous avez qu'à faire la file, là. Moi, je vais tous vous défoncer les uns derrière les autres. Ouais, bah, bouge pas, on va arriver, t'inquiète pas. Ouais, bah, vous allez arriver, ouais, c'est ça. Bah, t'as besoin de venir à plusieurs, t'as peur, c'est ça? Ouais, j'ai pas peur, moi. Je pense bon, en fait, t'es un enculé comme lui, quoi, c'est ça, hein. Ouais. T'es une petite bite. Il veut quoi, lui? Ouais, il veut quoi? Ouais, qu'est-ce que tu fous au téléphone, déjà? C'est chelou, ça. Bah, je fais ce que je veux, t'as un problème. Ouais, j'ai un problème, j'ai un problème. Qu'est-ce que tu fous au téléphone, là? J'arrive, mon pote. Ouais, mais attends, mais t'arrives, tu sais même pas où je suis, là, espèce de con. Et l'autre, il arrive, il sait même pas où on est. Ouais, mais on a un petit cul. On est à petit cul. Et alors? Bah, c'est super. Tu vas trouver directement l'appartement? Ouais, je connais l'adresse. Ah ouais, tu connais, bah très bien, bah alors tu peux arriver, mais par contre, je te préviens, tu peux venir, bah viens avec des potes, hein. Viens avec des potes, parce que déjà avec des potes, je suis pas sûr que tu repartes avec tes deux jambes, t'as compris? T'arrives à parler, disons. Ouais, j'arrive à parler, t'inquiète pas, va. Bon, attends, hé, 2 secondes, je vais m'occuper l'autre con, là, il est en train d'essayer de partir. Hé, espèce d'enculé, va, tu vas pas partir d'ici, là, reste là. Vas-y, Hugo, barre-toi, ouais. Bon, qu'est-ce que t'as fait, là? Je peux pas me barrer, je suis au troisième, comment tu fais, là? Hé, qu'est-ce que t'as fait avec ma meuf, espèce d'enculé? J'ai rien fait. Ouais, c'est ça, calme-toi. C'est ça, t'es juste avec elle. Ouais, arrête, ferme ta gueule, toi. Hé, t'es juste avec elle, y'a rien eu, là, c'est ça. C'était pour te faire un cadeau. J'ai rien fait. Ouais, tu voulais me faire un cadeau de quoi, espèce de salope? Pour Noël, on cherchait un cadeau pour Noël. Oh, comment trop chaud, wesh. Hé, j'en ai rien à foutre, moi, je pète tout ici, j'en ai rien à foutre. Bon, qui c'est qui veut? Tu veux la prendre en pleine gueule? Hé, hey, tu veux prendre le verre en pleine gueule? Tiens, t'en veux encore un autre? T'en veux encore un autre? Oh Thomas, t'es là? Ouais, vas-y, pars-toi. Tiens, vas-y, tiens, prends ça encore. Hé, tu restes là, toi, espèce de petit con, là, tu bouges pas, t'as compris? De toute façon, j'ai fermé la porte, là, espèce de chien. Ouais, c'est de me battre, Thomas, c'est fermé, ouais. Je vais pas sauter du 3ème. Bon, hé, Hugo! C'est ça ton prénom, là, Hugo? Ton prénom de merde, en plus, là. Bon, tu peux dire à l'hôpital de quoi, là? Ferme ta gueule. Arrête ton cinéma avec ton hôpital de merde. Oui, il a quel âge, lui? Qu'est-ce que je fais avec ce connard, là? Il a quel âge? Je le connais pas, oui. Arrête! C'est plutôt un parent, ou il est comment? Il est comment? Ils sont malades, mec. Arrête, ils sont malades. Arrête! Ouais, ils sont malades, Thomas. Je vais me faire attaquer, Thomas. Arrête! Ah, mais c'est l'enculé, lui. Ouah, Thomas, ouais, c'est chaud. Ouais, il va m'éclater, ouais. Bon, ils attaquent des tours, il est comment? Eh, hey, espèce de petit con là, tes potes ils arrivent quand là? Ils arrivent quand la rescousse? T'inquiète. Ah, ils arrivent, t'inquiète, ouais, bah je m'inquiète pas, c'est eux qui devraient être inquiets plutôt, hein. Bon, alors Hugo, fais attention, il est dangereux. Bah non, j'en ai rien à foutre, ferme ta gueule, toi, arrête de dire des conneries là. Tiens, hé. Hey, Hugo, tu préfères quoi, une assiette ou tu préfères un verre en pleine gueule? Aucun des deux. Aucun des deux, bah je vais t'envoyer une assiette, tiens, regarde, hop là. Allez, cette fois-ci, Thomas, j'ai mal viens, visé. Thomas, viens, c'est chaud, et c'est où là? Cette fois-ci, j'ai mal visé, mais ça va bien se finir. Hé, hey, arrête de parler au téléphone ou ça va m'énerver là, t'es avec qui encore? Toujours avec les, avec les connards là? Thomas, t'es où, wesh? Et avec ceux qui se la ramènent? T'es un grand cul, là. Attends, repasse-le-moi, là, repasse-le-moi, là. Allô? Ouais. Bah là, vous êtes toujours pas là, les petits cons, là? Vous avez peur? Tu sais que Hugo, c'est le pote à ta meuf, c'est rien du tout. Ouais, ouais, c'est ça, c'est rien du tout. Bah, comme par hasard, j'arrive, je frappe, j'entends un mec, je continue à frapper, personne m'ouvre avant je sais pas combien de minutes, et tu vas me faire croire qu'il y avait rien. Il avait peur. Mais il avait peur de rien du tout, arrête ton cinéma, ouais, c'est ça, arrête ton. Il avait peur. Eh, tu sais quoi? Eh, attends deux secondes. Eh, Hugo, tu sors pas de là. Attends, bouge pas, j'arrive, je vais dans l'armoire, je vais dans la chambre, arrête, attends. Ouais, oh, Thomas, c'est chaud, mais quoi, j'arrive pas à sortir, ouais, la porte elle est fermée. L'autre il fait 1m80 et. T'inquiète, putain. Alors, qui fait le malin ici? Qui fait le malin, espèce d'enculé? Calme-toi, chérie! Arrête ton cinéma, là! Qui fait le malin ici? Eh, hey, ils viennent encore ou pas, tes mecs, là? Ils viennent encore, tes potes, ou pas ta gueule? Eh, hey, ils viennent encore ou pas, tes enculés de potes, là? Ils viennent ou pas? Ah, Thomas, oui, il vient de me gifler, ouais. Hey, ils viennent ou pas? Hein? Ah, on fait le malin, là? Ah, Thomas, il m'a giflé, ouais. Hein? Du coup, ouais, c'est ça. Je peux pas me faire, ouais, je viens de me mettre une gifle, si tu veux, je fais. Eh, qui fait le malin, là, hein? Arrête! Repose-toi! Arrête! Il est très bien, bah alors? Allô? Qui fait le malin? Oh, il est malade. Oh, Thomas, c'est un... Tu me mets gueule, Hugo, là. Hein? Alors, qui fait le malin? Vous faites un plan à trois, ouais, je bande de bâtards. C'est pas possible. Qui fait le malin? Je vais ressortir ma bombe. Mais oui. Eh, j'en ai rien à foutre. Oh, j'étais trop chaud, mec. Oh, le mec, il est en train de péter les plombs. Tu me laisses dans la merde comme ça. Eh, je l'ai découpé. Eh, je l'ai découpé. On va dire. Oh, tu fais ma gueule, là. Attends, tu on dirait la gueule. Il a buté les deux. Il a buté les deux. Il les a rebutés. Il les a rebutés. C'était vraiment marrant, ça, dis donc. L'enfoiré, j'allais me déplacer pour rien, quand même, enfoiré. Ah, t'aurais pu te déplacer pour sauver ton pote, quand même. Ouais, mais bon, quand même. Bah, quand même. Non, mais ça va, ça va. Bon, Thomas. Ouais. Bon, c'est nickel. C'est vraiment merde, Thomas. Oui, c'est vrai, oui. T'es sur Fun Radio. Bon, attends, hey, t'as vu, hey, même pas tu te déplaces pour venir l'aider, t'es quand même gonflé, toi. C'est pas cool, hein, chaud. Ah putain, l'enfoiré, Hugo. Oh, t'es une salope, Thomas, oui. T'as vu comment tu... il te laisse en plan, là, Hugo? Alors, hey, j'avais sorti... Je croyais pas comme ça, je croyais pas. Hey, Hugo, tu vas vite comprendre que quand t'as ça dans ta gueule, c'est pas une baffe, hein. Parce que tu dis, ah, il m'a giflé, alors que ça faisait trois fois que je te tirais dans le cul. Putain, l'enfoiré. Il a pas compris. Bon, et eh ben alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On offre le cadeau à Thomas ou on te l'offre à toi, Hugo? À moi. Bah, ouais. Pire, les deux, oh, Hugo, le pire, les 200 euros, on les partage à deux. Ah. Vas-y, Hugo, pas de soucis. D'accord, ok, très bien, deal, ok. Par contre, on va devoir envoyer 200 d'un coup, Hugo, donc je fais confiance. Et hey, Thomas, s'il partage pas, tu me rappelles et on le démonte, t'as compris? Et par contre, comment ça se passe pour... Ne vous inquiétez pas. Parfait, comment ça se passe, pourquoi? Après, c'est une petite dédicace. Eh bah vas-y, profite à qui tu veux là, une seule personne, choisis la bonne. Ok, dédicace à mon pote Thomas. Je suis même pas déplacé, merci, hein, c'est un gros salon. Ouais. Ouais, je me suis déplacé, ouais. C'est un mytho, parce que j'avais pas confiance. Je savais que c'était tu un m'as peu... fait kiffer, non mais tu m'as fait kiffer. Bah oui, il savait que, bah oui, avec le feu d'artifice à la fin là. Allez, bon, salut les gars. Salut. Ciao. Voilà, je pense que là c'est bon, hein. Là c'est bon, on a compris, là on a tout pété, tout va bien. Bon, si vous voulez faire un canular, on remet le couvert, hein, semaine prochaine, n'hésitez pas, 01 42 48 5000, vous nous appelez. Et pour la Belgique, le 02 851 4 x 0. Il y a Max qui dit c'est le meilleur des canulars. Pierrick aussi, je vous écoute et je suis mort de rire avec tout le monde qui gueule là-dedans, là. Et, oh putain, on a plus de voix. Hervé aussi, on dirait l'effondrement du World Trade Center. Je crois pas quand même, hein, mais cela dit, c'est un bel effondrement quand même. Eric aussi, du grand n'importe quoi, il y a Wrecking Ball qui dit mort de rire, et Laura aussi, vous me faites trop rire avec le cassage de vaisselle en plus du fusil. Oui, surtout l'autre qui dit, ouais, il m'a mis une claque, alors ouais. trois fois je lui ai mis le pistolet en pleine tronche, là. Il y a Quentin, les effets spéciaux juste énormes, et quand il veut pour venir, et quoi, et quand il veut pour venir avec ses potes, parce que c'est vrai que le mec, son pote est quand même en train de se faire taper sur la gueule, et l'autre il reste au téléphone. Ouais, mais bon, mais non, mais je vais arriver, hein, je vais arriver. Non, mais t'inquiète, je me mets en route, là. Ah ouais, je vais arriver, là, bouge pas, je vais arriver. Michel en mode bad boy ce soir pour Nadia. Et oui, juste énorme le canular pour Philippe et pour Manu également. Et puis Léo Bill qui dit, je vous aime, vous me faites trop marrer. Je peux avoir un message de bienvenue, s'il vous plaît. Bien sûr, évidemment, avec plaisir. Je vais t'en mettre un, je vais te mettre celui-là. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Bon, bah. Voilà, on en fera l'autre des appels, évidemment, tout à l'heure. Restez bien là, on va d'abord récupérer aussi Bérangère, là, qui... Eh ben, s'est rendu compte qu'en fait, elle était la maîtresse du couple, hein, puisqu'elle était avec son mec. Elle s'est rendu compte que le mec avait une double vie et qu'il avait déjà une autre meuf, hein. On va également récupérer Elodie, Manuela, Yanis pour parler de tromperie. On va également prendre Miko avec nous maintenant, là. T'es là, Miko? Ouais, toujours là, Mika. Bon, nickel. Allez, on va jouer maintenant pour peut-être repartir avec les 200 euros en bon d'achat ou l'appareil photo numérique, hein, comme tu veux. Pour ça, il faut que tu poses une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse à la colle, il passe à l'antenne, il donne la réponse, à ce moment-là, il gagne, tu perds. Si la personne qu'on appelle ne décroche pas ou donne la mauvaise réponse, c'est toi qui gagne, d'accord? Ok, ça marche. Allez, bah vas-y, fais péter la colle, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qui se vide et qui se remplit en même temps? Qu'est-ce qui se vide et se remplit en même temps? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez Amy, quelle est la réponse au 64 900 par SMS, au 6322 depuis la Belgique. On proposait une fontaine. Ah ouais, pas con, ouais. C'est pas ça? Non. Un porte-monnaie? Non plus. Une machine à laver? Non plus. Non, bon, bah. Une femme fontaine? Ah, une. Ouais, bah non, parce qu'elle se vide pas et se remplit pas en même temps. Bon, vous envoyez Mickaël et la réponse par SMS ou alors sur le Facebook de l'émission, tapez Mickaël officiel et vous allez tout simplement pouvoir y répondre et lire aussi la colle d'ailleurs, accessoirement. On donne la réponse avant 22h. A tout à l'heure, Miko! À tout à l'heure. Allez, reste avec nous, on répétera encore une fois la colle tout à l'heure. Ah oui, putain, je vous ai mis aussi, il y a quelques secondes, sur le Facebook de l'émission, le premier arbre dansant. À première vue, on dirait une meuf quand même quand on voit l'arbre, non? Allez voir là. Ah oui! T'as vu? En fait, c'est un arbre, et avec les branches, on dirait une meuf qui est en train de danser, tu sais, avec son tissu et tout, énorme. C'est énorme. Allez la voir, partagez-la avec vos potes pour avoir leurs avis, là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette photo? Je viens de vous la mettre sur le Facebook de l'émission, c'est l'arbre dansant. C'est un truc de ouf. Non, ouais, c'est un arbre, t'excites ouais, pas. C'est un arbre. Ouais, mais tu crois que je peux faire mon Francis Lalanne avec ou pas? Tu fais comme tu veux, mais reste calme quand même. Bon, restez sur Fun Radio, on est en direct, mode 20h, minuit, avec Anthony qui dit salut, je peux aussi avoir un message de bienvenue. Et eh ben si tu veux. Bah t'es enculé gros connard. Voilà, on fera d'autres appels tout à l'heure. On va revenir aussi dans quelques minutes avec quoi? Ah bah Doug Diamond, tiens, je l'avais promis. Doug Diamond avec I Got You. Et je vous avais promis aussi le son de Katy Perry. Katy Perry avec Birthday. C'est ce qui arrive sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez. C'est Mickaël No Limit, la dernière de la semaine en mode 20h minuit sur Fun Radio. Et c'est comme ça, bah encore pendant 3h. Profitez-en bien. Pendant que le Doc, Karima et Karen sont en vacances, Mickaël s'occupe de vous tous les soirs de 20h à minuit. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole et les plus gros cadeaux. Mickaël No Limit. Tous les dimanches, 20h à minuit sur Fun Radio. Oui, bah sauf que là, évidemment, on est en semaine, hein, forcément, ouais. Mais on est en tout cas de 20h à minuit. Le dimanche aussi, d'ailleurs, hein, dans l'absolu, de 20h à minuit. Il y a Benjamin qui dit, mec, je suis en retard, tu dis rien, vas-y, fous-moi un coup de pelle et lance Flamatov et un message de bienvenue. Bah l'autre, il veut tout d'un coup, alors ça, c'est pour toi. Voilà, attends, voilà, ça, c'est pour la gueule de Toff. Et ça c'est pour toi aussi. Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barder. Voilà, et il y a également un message de Lorraine qui dit dernière fois que je vous écoute avant mercredi car je pars en voyage en Pologne dimanche là, vous allez grave me manquer mes chéris. Oh Lorraine Bah oui mais en même temps on part aussi en vacances dans l'absolu hein, donc on va vous mettre, alors ça va être bon puisque alors pour ceux qui nous découvrent, parce qu'il y en a plein qui nous découvrent là ce soir qui étaient pas au courant qu'on était là de 23h à 2h parce que c'est tard et qui n'écoutent peut-être pas forcément le dimanche non plus, et bien pour ceux qui nous découvrent et qui vont se dire à partir de la semaine prochaine, eh ben j'écouterai de 23h à 2h, on va vous mettre les meilleurs moments de l'année. Vous allez pouvoir réécouter les meilleurs moments de l'émission, le replay donc de Mickaël de Limite la semaine prochaine entre 23h et 2h sur Fun Radio, donc vous allez être au top. En tout cas j'espère, on fera tout pour, et puis vous pourrez nous suivre aussi hein, en vacances sur Tout Off hein, il sera à suivre là avec des vacances de ouf. Waouh, ça va être trop bien. Ah tous les jours je vous poste une photo tellement ça va être ouf. Ah ça va être génial je crois. Ah ouais non Ouais. Ah, suivez-moi sur Instagram, Twitter, Facebook, vous allez voir, c'est waouh, tous les jours un truc voilà. De dingue. Non mais ça va être la folie. Donc tapez Mickaël officiel pour nous suivre évidemment et donnez-nous votre avis encore sur l'arbre qui danse. T'as vu Elodie toi l'arbre qui danse ou pas? Elodie? Oui. Elodie, ah, t'as vu sur le Facebook l'arbre qui danse? Non, j'ai pas vu. Bon bah alors va voir, t'as une connexion internet là sous la main? Oui, j'ai une connexion internet. Bon bah tapez Mickaël officiel, va voir et puis on en parle juste après Doug Diamond, d'accord? D'accord, y a pas de soucis. Parfait, bah bouge pas et je te reprends juste après aussi Elodie de Brive. Doug Diamond, je l'avais promis, eh ben on se le fait maintenant, tiens, c'est I Got You sur Fun. Alors on s'est mis bien ou pas avec Doug Diamond là? Mais est-ce qu'on a chillé? Est-ce qu'on a chillé? Eh ben tant mieux, bah vas-y, parfait comme ça. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit et pour nous appeler. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Ouais. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, il y a Aria qui dit j'ai adoré le canular, on aurait dit que le quartier avait vraiment explosé, c'était l'apocalypse, pété de rire. Excellent, je vous adore, continuer. Bah merci Aria, Alan également, extra l'arbre qui danse, la danseuse a un beau trou de balle, non tronc de balle. Oh, très bonne vanne. Ah pas mal Alan. Allez la voir à la photo, je l'ai vu comme ça sur Facebook, il y a un pote qui l'avait posté, je me suis dit putain, je l'ai mise direct. C'est un truc de ouf, un arbre, un vrai arbre avec ses branches, tout ça, mais les branches sont mises de manière à ce qu'on a. À première vue, t'as vraiment l'impression que c'est une meuf qui danse ouais. Avec son tutu et tout le bordel quoi. Il y a même la fesse qui est dessinée, ouais, ça ouais, qui ouais, m'a choqué. Non mais tout est là, donc allez voir facebook.com/mickaël officiel. C'est la dernière que je viens de vous mettre là, la dernière photo. Allez voir ça et puis on en parle. Enfin on en parle, il y a pas spécialement de truc à dire hein. Mais allez la voir et puis donnez vos avis. Voilà, je lirai vos messages et vos commentaires. On va terminer avec Bérangère et son plan cul. Enfin c'est pas vraiment plan cul hein. Elle s'est rendue compte donc que son mec avait une double vie et que c'était devenu surtout elle la maîtresse alors qu'elle pensait être l'officiel, ce qui peut forcément perturber quoi. C'est triste. Ah ouais, complètement perturbé. Bon, Bérangère qui est de retour. Elodie également de Corrèze à Brive. T'es là, Elodie? Oui, je suis là. Bon, du coup, t'as vu la photo que j'ai mise là, la photo avec l'arbre? Oui, oui, j'ai vu. Eh, violent quand même, on dirait vraiment une meuf qui chante, qui danse, non? Oui, oui, on dirait vraiment. Ouais. Ah putain, dès que t'arrives dessus, moi, c'est le premier truc, je me suis dit, oh, un truc de dingue. Bon, bah, allez voir et puis on verra. Alors, Elodie, toi, tu voulais réagir par rapport aux gens trompés, puisque c'était par rapport aussi à cette Anglaise qui est restée 5 ans avec son mec et qui est encore avec son mec. Hein, mais en 5 ans, le mec a quand même réussi à tromper 18 fois, dont 6 fois avec les meilleures amies. Ah, oh, c'est violent. C'est ouf. Putain. Alors, toi, qu'est-ce qui s'est passé, Elodie? T'as trompé, tu t'es fait tromper, t'as pardonné, explique-nous. Bah alors je me suis fait tromper, enfin ça faisait un an que j'étais avec mon copain, puis il m'a trompé 5 fois avec ma meilleure amie. Oh, quel 5 fois. Se méfier de ses meilleurs amis, ouais. Et de ses proches, c'est les pires. C'est ça, d'ailleurs bah, Polo, son meilleur ami, c'est toi, il s'en méfie comme de la peste. C'est vrai, hein, ouais. Mais c'est la peste. Meuf, dès que Polo a une meuf, il se méfie parce que oui. Toff est autour. C'est pour ça qu'il nous les présente jamais. Voilà, et pareil pour Toff, dès qu'il a une meuf, il se méfie de Polo parce que ah bah bon, oui, grave. Après ça ah tourne oui. autour, ça tourne autour, ah t'es là un vautour avec une vieille carcasse. Voilà, il tourne. Une vieille voilà. carcasse pourrie, tu sais. Faisandé. Bon, mais Elodie, attends, mais il t'a trompé 5 fois, mais rassure-moi, t'as appris à la fin qu'il t'avait trompé 5 fois de suite. T'as quand même pas appris. Je l'ai appris tout à l'heure, ouais. Ah d'accord, mais t'as pas appris. Enfin, ce que je voulais savoir, c'est qu'en gros, est-ce que tu lui avais quand même pas pardonné 4 fois pour te dire à la 5e, oh bah non, tant pis. Non, pas du tout, non. Ah d'accord, ok. Alors tu l'as appris tout à l'heure, donc c'est du tout frais. Et tu lui as dit quoi? T'as réagi comment? Dis-nous. Je l'ai insulté, je l'ai incendié. Puis là, enfin, il veut venir chez moi. Attends. On va faire une mise en situation. Comment s'appelle ton mec? Toff. Julien, ouais, c'est presque ça. Et imagine que c'est Toff et Julien. Ouais. Et ouais. Voilà. Donc là, il te dit qu'il t'a trompé, voilà. Et non, mais il arrive chez elle parce qu'il y a la porte. Ah oui, c'est ça. La sonnerie. Ah oui. Attends. Alors porte donc. Voilà. Non, bah pardon. C'est peut-être un petit peu. En... Ouais, je suis censé me faire pardonner. Ouais, voilà, pardon. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Hop. C'est parti. Bon, on est dans une voiture, mais c'est pas grave. Ouais. Et donc porte qui s'ouvre. Ouais. Tête de trille. Tête oh ma princesse. Ah oh, mon Roméo. Oh. Et là tu lui annonces le bordel. Pardonnez mon outrecuidance. Oui, bon bah c'est bon, allez vas-y, fais-le en mode normal. Chérie. Allô. Oui. Pourquoi t'as pas le masque? Ah non merde. Non, je suis dans la voiture. Ouais, pourquoi tu feras pour masquer? C'est vrai. Pourquoi tu feras pour masquer? Oh mon cœur. Oui. Voilà, je dois t'annoncer une grande nouvelle. Mais je t'ai trompé. Mais tu sais, quand je lui faisais l'amour, je pensais à toi. Ne t'inquiète pas. Non mais rigole pas, on connaît quelqu'un, c'est le plus gros enculé de la Terre. Ouais. Le mec trompe sa meuf plusieurs fois, mais ouais. Quand sa meuf l'apprend, et qu'est-ce qu'il lui dit? Non mais quand je couchais avec l'autre, je pensais à toi. Et l'autre meuf, qui est encore plus débile que l'autre, visiblement, lui a quand même réussi à lui pardonner. Ouais. Non mais moi j'avais pas usé cette technique, mais hein, je vais y penser un jour. Non mais c'est quand même exceptionnel. Comme quoi plus c'est gros plus ça passe, mais bon. C'est ce que... Mais c'est vrai, enfin je parle pas de sexe, hein, je parle au sens figuré, bien sûr. De situation, plus elle est grosse, plus ça passe. Mais attends, parce que du coup, Elodie, t'as pas parlé à. Bah vas-y. Il faut que tu parles à ton Julien là, qui est représenté par Toff ce soir là. Alors, je suis le scénariste du film, bonjour, je m'appelle Je vais pas donner. Non, j'allais donner le nom d'un mauvais scénariste français, mais je le ferai pas. Car non, je me retiens. Monsieur Dufour. Oui, je suis Monsieur Dufour. C'est un scénariste français. Alors, la jeune fille là. Oui. Tu t'énerves, t'as compris? Bah, il faut que tu réagisses comme t'as réagi tout à l'heure. C'est Julien, il t'a trompé et toi tu t'énerves grave. Ok, voilà. On refait. Julien, Christophe. Est-ce qu'on peut repoudrer Christophe si vous voulez? Parce que il y a rien à faire avec lui. Hein. Bon, on y va, action. Allez, c'est parti. Chérie, mon amour. Qu'est-ce que tu veux? Oui, voilà, en fait, je t'ai trompé. Pardon? Ben, je t'ai trompé avec ta meilleure amie. Parce mais t'es pas enculé. Mais tu sais, j'étais un peu bourré, elle était là. Non, mais ferme ta gueule. Elle avait ma bite dans la main et du coup... Non, mais je peux même pas savoir, ferme ta gueule, dégage de là, qu'est-ce que tu fais? Non, mais pardonne-moi, tu sais bien que je t'aime. Non, y'a pas de pardonne-moi, dégage. Mais si, même quand elle me suçait, c'est à toi que je pensais. Mais ferme ta gueule. Mais non, t'énerve pas ma chérie, ça sert à rien. Mais dégage de là, putain, va la voir, là, me casse pas les couilles. Mais non, tu sais bien que c'est toi que je préfère. S'il vous plaît, j'interviens parce que je suis scénariste français et on est obligé de surveiller notre langage, hein. On peut faire moins vulgaire, s'il vous plaît. Mais c'est là que tu vois que Toff, il doit être comme ça dans la vraie vie. C'est nier comme ça. Bah ouais. Mais oui, je comprends pas, j'ai glissé. Mais oui, c'est pas ma faute. M'amour. Mais oui. Elle était là, elle était ouverte. Mais voilà, c'est ça. Bon, bref, je me suis laissé. Donc, du coup, c'est bon, Toff. Ça, c'est que s'il se fait griller, hein. Parce que sinon, il va jamais aller frapper à la porte de la meuf pour lui dire que je t'ai trompé. Ah, mais bien sûr, évidemment. Bon, et donc, Elodie, donc tu l'as viré. Donc maintenant, les choses sont pliées, ça y est, c'est fait. Oui, mais sauf que là, il va arriver d'ici 20 minutes. Ah bah attends, oh là là. Elodie, alors ce qu'on va faire, Elodie, c'est que tu vas rester dans le standard. Tu vas laisser ton téléphone, tu vas le garder en main ou tu vas le déposer sur un meuble à côté. Et puis nous, on va écouter. Attends, je veux savoir ce qui se passe en live, moi. Ce qu'il va dire, surtout. Alors, est-ce que tu sais à quelle heure il arrive? Je vais noter des trucs. Ouais, est-ce que tu sais à quelle heure il arrive? À tout moment, là, il va arriver là dans pas longtemps, je pense. Bon, alors je te laisse honneur, Elodie. Donc tu restes avec nous. J'espère juste que ça va pas arriver pendant un disque ou pendant la pub. Bon, si c'est pendant un disque, j'arrête le disque, mais si c'est pendant la pub, rien faire. Et donc, dès qu'il arrive, paf, tu nous dis, on te prend direct. On arrête tout, on te prend direct. D'accord, pas de... Bon, donc je te laisse honneur. Donc raconte pas ta vie parce que t'es à l'antenne, hein, Elodie. D'accord, y'a pas de... Bon, alors, reste avec nous, Elodie. Il y a Manuela aussi qui est avec nous là dans l'Essonne. Salut Manuela. Salut. Comment salut, ça va Mika. Ça va et toi? Tranquille, mais attends, tranquille. Dans les sonnes à la porte ou les sonnes au téléphone? C'est drôle ça, dis donc. T'as décidé de remplacer Bouvard ou... Moi je pensais que c'était les sonnes, les cloches, mais ouais, c'est ça. Parce qu'il y a Polo qui voulait faire une nouvelle émission, c'est les gros cons. À la place des grosses têtes, c'est les gros cons. Voilà. Que des gros cons avec autour de la Christophe table. Ah bah bien sûr, évidemment. Que des gros cons autour de la table. Bon, alors Manuela, toi tu voulais réagir aussi par rapport aux mecs trompés, aux meufs trompés, ce que t'as déjà trompé, ce que tu t'es déjà fait tromper. Dis-nous tout et surtout comment tu as réagi. Moi, 15 ans, j'ai pardonné. Attends, est-ce que tu peux parler en face de ton téléphone? Parce que là, on entend super mal. Je suis en face de mon téléphone. Ah, là, ça va mieux. Je ne sais pas si tu as changé un truc, mais d'accord. En tout cas, on t'entend mieux. Oui, donc je voulais dire que moi, j'ai pardonné pendant 15 ans. T'as pardonné pendant 15 ans? C'est-à-dire que pendant 15 ans, tu sais que ton mec t'a trompé et toi, tu es resté? Oui. Ah, mais ça, c'est encore plus ouf. Pourquoi t'as fait ça? Parce parce que j'étais folle amoureuse. Ouais, mais lui, s'il t'a trompé, c'est qu'il était pas super amoureux, hein. Bah non, mais j'étais naïf, et tout simplement. Parce que c'était mon premier amour, voilà. Oui, mais justement, pendant 15 ans, mais t'as appris quand qu'il t'avait trompé ? Attends, 8 mois après le mariage. Oh là là ! Et t'es resté encore 15 années après, sachant qu'il tu savais qu'il te trompait encore ? Ça se fait pas. Ouais. Putain, ouais, mais il te trompait toujours avec la même ? Ouais. Non. Ah bah non, lui il alternait. Ah ouais, donc lui il allait voir un coup à gauche, un coup à droite, quoi, genre des meufs voilà. que vous connaissiez ou quoi ? Bah oui, parce qu'après j'avais fait un repas à la maison, c'était des collègues de boulot, et puis elles étaient toutes green, hein, jusqu'au jour où je suis tombée sur des photos, des mails, tout ça, quoi. Oh, le mec il s'est mis bien. Ah ouais, non mais... Ouais. Même moi j'aurais pas fait aussi bien. Ah ouais, alors, le mec s'est mis bien. J'ai demandé le divorce 4 fois. Ah, 4 fois, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah non monsieur, vous comprenez bien que ça c'est les vacances là, on peut pas acter le divorce, ah bah revenez l'année prochaine. C'est quoi, c'est lui qui voulait pas divorcer? Oui, c'est ça. Enfin bon, en même temps, si tu demandes le divorce, qu'il veuille pas. Oui. Ah non, il faut que le juge soit d'accord. Ouais, non mais attends, mais l'autre il a trompé 150 fois. J'ai galéré pendant 5 ans, parce que lui, il se présentait pas, tout ça. Bah oui. Attends deux secondes Manuela. Elodie? Oui, mais là il est derrière la porte. Parfait. Alors excuse-moi Manuela, 2 secondes. Alors vas-y Elodie, là on t'écoute. Alors là, au cœur de l'info. Essaye de parler fort et garde le téléphone en main, qu'on l'entende bien. D'accord. Vas-y, ouvre-lui. Dis pas que t'as la radio, hein. Non. Allez hop, on va se marrer. Au cœur de l'info. On est inside. Chut. Ça va ? Mais quoi, ça va ? Non mais attendez, on va parler. Non, on va pas parler. C'est politiquement qui ? Ben je suis au téléphone, je suis pas au téléphone. Mais je suis entendu, t'as mis 3 fois ouvert. Et alors, y'a quoi ? Tu m'as trompé et tu crois que je vais comme ça ? T'as pas trompé, c'est à moi, c'est bon. Mais quoi, ça fait un mois, pourquoi tu le dis maintenant alors ? Si ça fait qu'un mois, ça va. Ouais, non mais. Non, y'a pas de temps, mais tu restes là, et tu crois pourquoi t'as fait ça ? Pardon, c'est ma salope. Le mec il retourne la situation. Non mais tu vas te détendre par contre là, parce que là, on te nous pas qu'à faire la salope, hein. Non, tu m'écris, prends ta pétard. Prends ta pétard avec mon meilleur pote, t'aurais pas pu trouver mieux. Oh, avec la meilleure pote. Mais oui, elle l'a dit. Et alors, tu m'as trompé. Ça fait un an, on est ensemble. Arrête de fouilleuse, va. Oh, quel enculé. Non, tu m'as trompé, non, tu vois, tu vas te faire. C'est tout, ça me casse les couilles, tes potes, là, j'en ai marre de recevoir des trucs, là. Mais non, t'as qu'à pas me tromper aussi. C'est marrant, non, c'est les mecs qui lèvent. Ah ouais, tu fais quoi, c'est hors ton téléphone. Non, mais, je vais retourner même toi, je vais retourner même toi. De toute façon, il y a rien, il va pas nous entendre. Mais bon, comment ça, le téléphone, t'as été cassé. C'est bon, je me casse. Non, tu restes là. Mais mec, c'est lui qui l'a trompé, il l'a traite de salope, il est gonflé. C'est barré. Il est parti. Ah ouais, putain, il est content, Elodie. À l'autre, elle a gueulé, elle a plus de voix, mais il est parti. Ah ouais, il est content. Le mec te trompe et il te traite de salope, il est gonflé quand même. Ah, il a bu. Un peu, ouais. Ah ouais, le mec, il est un peu gonflé quand même. Oh, quel âge il a? Parce qu'il a l'air d'avoir une voix plus âgée quand même, non? Il a 18 ans. Ah ouais, d'accord, je lui donnais plus vieux. Ouais. Donc il est venu, vous vous êtes engueulé, puis c'est barré. Voilà, exactement. Tranquille, à la bien. Bon bah écoute, j'ai envie de dire. Tu veux pas qu'on l'appelle pour continuer un peu? Ah ouais, bah ouais, vas-y, ouais. Attends. Ah si, attends, bah je te repasse Sandro, on prend son numéro, alors bouge pas. Ce que je propose. Ce que je te propose. Tu dis ça se fait pas, tu t'es barré comme un connard. Ouais. Alors attends, reste là. Et pourquoi t'appelles en masqué? Ce que je propose, c'est qu'on se mette. Ouais, on va se mettre le son de Katy Perry maintenant. Juste après, on rappelle le gars et on fera les appels de Toff également. Bah restez là, hein, c'est Mickaël No Limit, on est en mode 20h minuit. Il est 21h27 et donc on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. I heard you feeling nothing's going right. Préparez-vous à passer des vacances de ouf sur Fun Radio. Mickaël No Limit. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, et il y a Brandon aussi qui dit: tu faisais ta salope, ouf, il est con le mec quand même. Le mec, au lieu d'essayer d'arranger les choses, il complique tout ce con. Oui, mais c'est vrai. Victor qui dit: ça fait 3 mois que je vous écoute. Je peux avoir un message de bienvenue s'il vous plaît? Je vous adore, love, dédicace à Maël. Bien sûr, Victor, avec plaisir. On va t'en mettre un petit là. Va te faire foutre, connard. Ben voilà. Et puis on va récupérer Elodie là, juste avant Katy Perry. Donc Elodie qui a appris qu'elle s'était faite tromper. Combien de fois tu m'as dit encore, Elodie? J'ai oublié. 5 fois. 5 fois, voilà, c'est ça. Oh, que 5 fois, et c'est rien. Ça a gueulé avec son mec au téléphone tout à l'heure. Et donc là, il est venu en direct et ça a encore gueulé. Et donc du coup il a claqué la porte, il s'est barré. Donc on va le rappeler Elodie, hein. Tu lui dis ouais pourquoi embrouille-le, tu vois, tu le chauffes un peu là, tu dis ouais pourquoi tu me parles comme ça, tu m'as pris pour qui, t'es un connard. Enfin tu vois, bref, tu ouais, normal quoi. Bon t'as l'air de bien savoir gérer donc je m'inquiète pas, on l'appelle. D'accord. Et s'il dit que t'appelles en masqué, tu dis ah ouais je sais pas. Pas grave. Parce que tu veux pas lui donner ton nouveau numéro. Mais tu vas voir. Pourquoi t'appelles en masqué? Allô. Ouais, allô, c'est moi. Oui, si, Elodie. Pourquoi tu t'es cassé comme ça là? Non mais c'est bon, t'es casse-couille là. C'est bon, on peut même pourquoi pas parler. Je suis casse-couille, non mais attends, attends, non, c'est... Non mais attends, c'est... Non, non, laisse-moi parler, c'est toi qui me prends et c'est moi qui casse-couille. Ouais, bah vas-y, attends, mais j'ai pas envie de parler, c'est bon, je sais pas, tu t'es. Non, non, il a pas envie de parler, tu parles quand même, tu te casses comme un voleur là, et t'assumes même pas ce que tu fais. Il est coupable. Mais je me casse comme un voleur, je t'ai dit, je viens, tout ça, je te parle par SMS, je te dis, vas-y, je vais passer, tu réponds à peine. Je sais pas qui tu parles, je reçois plein de messages de partout là, je sais pas, c'est bon, ça me casse les couilles. C'est bon. Mais alors, attends, oh, attends, ça fait un an. Ah, les potes, vous avez tout cassé une délire. 5 fois avec ma meilleure pote, non mais quand même, t'as du culot, je trouvais, même si c'était pas au courant que c'était ma meilleure pote, oh mec, ça fait un an, on est ensemble. Mais voilà, mais je te l'ai dit, je te l'ai avoué et tout ça. Ouais, mais voilà, mais c'est tout, on en reste là. Maintenant, mais tu voulais que ça finisse, vu comment tu m'as parlé et tout par message, tout ça. Parce que tu dis pas à toutes tes potes et tout, là, comment tu me parles. Mais vas-y, mais c'est bon, comment est-ce que tu fais et tout. Bah alors, attends, comment je te parle et... Non, non, mais il y a une différence entre comment je te parle et quand tu me trompes, je suis désolée. Moi, je t'ai pas trompé, hein. Un an, j'aurais pu le faire, je sais pas combien de fois je l'ai pas fait. Ouais, je sortais en boîte, mais alors, je t'ai jamais trompé, moi, je sais ce que non, je fais. Non, mais c'est pas ça, c'est très bien de quoi je parle, c'est très bien de quoi je parle. De quoi, nous, on veut savoir, de quoi ouais, on peut pas parler, de toute façon, t'as toujours raison, tu retournes tout dans la situation, c'est bon. De toute façon, t'es une salope aussi, hein. C'est bon. Tu retournes la trompé, situation, maintenant. Une salope, pour une salope de il est pas mal, il est pas mal. T'es en train de me faire passer une salope parce que t'es avec tes potes, là, c'est ça, tu fais le beau, ça y est. Je suis pas avec mes potes, là, je suis pas avec mes potes. Tu sais, je repars, si tu m'as cassé les couilles, je fais un tour, si tu m'as cassé les couilles, c'est bon, quoi. C'est... Donc, je vois même pas quoi tu arrête de faire beau, arrête de faire beau, putain, je viens, arrête. Tu sais quoi, je vais tester, ça me casse les couilles, là. Ça me casse les couilles. Non, non, tu me laisses pas, non, non, tu me laisses pas, tu raccroches pas, ça va pas faire. Eh, je te jure, moi, je vais débarquer chez toi, tu vas pas comprendre, hein. Mais vas-y, viens, parce que moi, si tu. Mais vas-y, mais t'inquiète, tu sais quoi, dans la soirée, je débarque. Tu sais où je suis là, je suis le truc à le Bergerac, pas très loin. Je suis même pas à 10 minutes là. Tu sais quoi, je reviens, mais on parle tranquille parce que c'est bon. Après, si tu veux qu'on arrête de parler, si tu continues les embrouilles et tout, ça sert à rien. Ça, c'est bon. Ça sert à rien. Les embrouilles, c'est qui qui les a créés les embrouilles? Cri, là. Mais vas-y, ouais, j'aurais dû rien dire. C'est quoi, comme tout à l'heure. C'est quoi, j'aurais dû rien dire. Attends, je suis ta meuf, tu dois me le dire quand tu me trompes. Je suis désolé, moi, je suis jamais trompé. Hein. Tu dois me le dire quand tu me trompes. Ouais, tu m'as jamais trompé, c'est ça. C'est ça. Quoi, c'est ça? Mais ça dépreuve. Mais quoi? Ça dépreuve que t'es trompé au moins? Non mais c'est bon les non mais c'est bon. Non mais non, pardon, on peut pas parler avec toi, de toute façon tu vas dire non, on peut pas parler avec toi, c'est bon. Puis arrête de faire l'hystérique, ça casse les couilles. De quoi l'hystérique? Non mais tu vas te détendre, je sais pas si tu me crois, c'est l'hystérique, mais c'est normal, non, y'a quoi? Mais non, mais on peut pas parler avec toi, je parle avec toi, mais c'est impossible, avec toi. Mais là tu veux parler comment avec toi, là je suis obligé de gueuler. T'es parti, allez hop là. Attends, tu me trompes et je devrais fermer ma gueule, c'est ça? Ouais, c'est ça en gros. En gros c'est ça. Tu dois fermer ta gueule, ouais. Non, mais voilà. Tu m'as pris pour qui? Mais c'est bon, t'es une salope, c'est tout. Hein. Moi, je sais à qui m'en tenir, c'est bon. Wow, je sais à qui m'en tenir. Moi, je suis une salope, mais t'as fait la salope toi aussi à ce moment-là, alors. Hein. Ah ouais, je sais pas, vas-y. Mais tu sais quoi, je vais bientôt te laisser, ça sert à rien, je vais aller voir des collègues, c'est bon, toi, tu me casses les couilles. C'est... Mais moi aussi, vas-y, t'inquiète, va voir tes collègues, j'irai voir les miens. Mais va voir tes collègues, tu fais que ça, de toute façon. Non, mais attends, alors il n'y a pas de soucis. De toute façon, t'étais tellement mauvaise au lit, ma grande, t'étais tellement mauvaise au lit aussi, tu sais, un mec pas satisfait au bout d'un moment, forcément. T'es tellement mauvaise, mais t'en redemandes à chaque fois. J'en redemande à chaque fois, ouais, vas-y. C'est ça que tu sais bien, mais bon, ouais, c'est tout. Avec ta petite bite, là, tu vas faire quoi? Même ma petite bite, ouais, c'est ça, vas-y. Pour le peu de fois que tu l'as vu, tu sais quoi, le peu de fois, à mon avis, c'est pour ça aussi que tu m'as trompé. À mon avis, t'avais tous les jours tes règles, toi, je sais pas. C'est pour ça que tu m'es trompé. Ouais. Mais je remercie, mais je pense, gros, attends, arrête ton délire. Mais pourquoi tu m'appelles en privé, en fait, là? Ah, ben, bah quand même. C'est pas mon portable, je suis d'un pote. Ouais, t'as pas ton portable, tu l'avais dans les mains, tout à l'heure. Arrête de te foutre de ma gueule, ça commence à me casser les couilles. J'ai pas de crédit. Mais t'as pas de crédit, t'es avec qui? Je suis avec Nico et Flo. T'es avec Nico et Flo, ah ouais. Et moi aussi. Avec ces deux branleurs, là, vas-y. C'est avec ces deux gars, là. Mais quoi? Viens leur dire en tout cas comment je parle téléphone. Mais si tu veux j'arrive, vas-y, ça va partir en couille si j'arrive, hein. Mais si tu veux j'arrive. Y'a pas de soucis, viens, t'inquiète pas, on va arriver tous nos couilles. Ah mais ça va partir vite en couille, t'inquiète pas. Oh dis avec ça ouais. Connard, de toute façon on a rien à foutre. Enculé. Ouais mais ferme ta gueule toi, vas-y, ferme ta gueule. Eh, dis-lui ça, connard. T'emmerdes. Vas-y, viens enculé. Eh Oh merde, il a raccroché. Hé, hey, barricade-toi, Elodie, hein, ferme les portes. Je suis avec des collègues. Ah, t'es vraiment avec des potes. Ah, bon, très bien, bah alors c'est parfait, alors impeccable. Des collègues. Ah, mais oui. Non, bah ça va, là. Bon, non, bah très bien. Bon, il va arriver dans 10 minutes alors ? Ouais, ouais, bah il va arriver, ouais. Bon, bah alors c'est parfait. Alors ça nous laisse juste le temps de se faire les appels de Tov, de se mettre la pub et puis PPR, quoi. Tranquille. Bon, bah tu restes avec nous, Elodie. Hein. Ah, allez, bah bouge pas de là Elodie. C'est bon ça, voilà. On est pas mal. Bon bah du coup on va continuer les appels de Tof alors hein. Mais oui, un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Puisqu'on s'est rendu compte que 47% des Français tentaient de refaire les scènes de cul dans les films porno à la maison. Bah oui. Donc du coup on a décidé d'appeler des gens. Bah voilà. On a décidé d'appeler des gens, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@fanradio.fr. Et puis bon, on voit un peu comment ça se passe à la maison hein. Donc on y va, c'est parti, on appelle. Et on récupère Elodie et son mec juste après. On aura aussi un gagnant pour Playboy là, pour les sous-vêtements. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Tu m'habites dans ta bouche, bâtard. Bah, pourquoi vous me dites ça monsieur? Mais ferme ta gueule, fils de pute, là, parle-moi même pas. Oublie ce numéro, qu'est-ce qui t'arrive là? Bah je voulais savoir si vous aviez déjà essayé de reproduire des scènes de films porno avec votre femme. Ah non, pas avec ma femme, mais plutôt avec ta mère. Ah, bah enfin pourquoi vous dites ça monsieur? Ah bah parce que je l'ai monté en l'air, demande-lui. Ah, la sœur qu'elle est en train de boiter, mon petit pauvre. C'est pas gentil, monsieur, ce que vous dites avec ma mère. Oh, ferme ta gueule, gueule de mort, bah, tu commences à me saouler. Bah oui, mais enfin, répondre à ma question. Mais nique ta putain de race, là, mais... Non, mais le mec, je sais pas, il a rien à foutre. Il nique ta mère un peu, non? Bah si vous voulez, mais ça répond pas à ma question. Mais non, mais t'as rien d'autre à faire dans ta vie, je sais pas. Bah non, j'ai que ça à faire. Ouais, bah écoute, retourne te pignoler, là, et puis essaye de trouver une copine, et puis après on en reparlera. D'accord, mais vous voulez pas répondre à ma question, plutôt? Ah non, non, j'ai pas envie de répondre à ta question parce que je te jure, je t'aurai en face de moi, je te mettrai un coup de poing dans ta gueule. Bah monsieur, c'est pas gentil ça. Il me dit quoi? Est-ce que vous avez déjà reproduit des scènes de films porno avec votre femme? Des scènes de films porno avec ma femme. Attends, tiens, je t'ai passé un ami, tu vois. D'accord, avec plaisir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, donc est-ce que vous auriez reproduit des scènes de films porno avec votre femme? Non, jamais. Ah, jamais. J'aimerais bien essayer, par contre, ouais. Ah, vous voudriez essayer? Ah, bah, écoutez. C'est quoi, c'est la radio, hein? Bon. Hein? Non, bah, je dis, c'est bien, si vous avez envie d'essayer, c'est pas mal. Donc, ouais. je vais considérer que vous l'avez pas encore fait, mais que vous avez envie de le faire. Bah, oui, pourquoi pas. Bon, bah, parfait. Eh ben, je vous remercie, monsieur. De rien. Hein, vous embrasserez votre ami parce qu'il est un peu nerveux. Ouais, faut le laisser. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Il était gentil lui hein. Ah, le pote était gentil. Le pote avait l'air plus cool effectivement, oui, c'est un petit peu quand même. Bon, retour avec Elodie dans quelques minutes. On va également récupérer Yanis qui voulait donner son avis par rapport à la tromperie. Et puis bah du coup, alors ce qu'on va faire pour pas rater le début, parce que là avec 10 minutes de temps pour le retour du mec d'Elodie, ça va nous laisser pile poil le temps de se mettre la pub en speed évidemment. On écoutera aussi le son de Dioro avec 5 Hours, la version de Mikosé. Et en parlant de Miko, rien à voir avec Miko C, évidemment, on a toujours la réponse à la colle. Dans quelques minutes sur Fun Radio, restez bien là, on va revenir avec vous toutes et vous tous sur Fun Radio en mode Mickaël No Limit, 20h minuit. Si vous avez choisi Fun, et bah merci à vous. Si vous débarquez par hasard, merci à vous aussi. On est là ce soir jusqu'à minuit. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, évidemment, alors la semaine, là, spécialement, c'est 20h minuit jusqu'à ce soir. On reprendra nos marques la semaine prochaine. Il y a Florian qui dit Tof doivent prendre des notes là, avec le mec là. C'est dans des moments comme ça que je sais pourquoi j'écoute Fun. Bah oui, pourquoi on se marre bien, ouais. Et Camélis qui dit coucou, j'étais allé manger là, je ne vous écoute plus en mangeant parce que la voix de Tof me coupe l'appétit. Oh, mais c'est vrai, je peux comprendre. Bon, je ne dis rien. Elodie? Oui. Il est de retour ou pas? Là, ouais, il est vers chez moi, là, je le vois arriver. Parfait, putain, quel synchro! Oh là là, j'adore! Bon, bah, c'est parfait, alors, bah, écoute, on va attendre qu'il sonne, hein, et puis on récupérera Henri. Oh, attends! Viens, d'abord! Yanis et Miko, qu'est-ce qui se passe là? C'est qui a crié? Non, c'est les potes là. Ah, c'est les potes. Ouais, vous mettez pas sur la gueule, hein! Pas de violence, pas de violence! Ouais. Viens, oh là là, donc là, on s'est lancé. On s'est lancé dans un truc là. Et je, pas mets de violence, je mets une bombe ou pas? C'est ouais, ouais, ouais, vas-y, bon. Balance. Ouais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, mais stop, là, calme-toi! C'est le canular en direct. Ouais. Canular. Mais sans Michel. Tu parles de microbi. Elle touche pas les bords. Là, en fait, t'as les potes qui n'ont rien à voir dans la stair et tu vois que c'est les potes qui sont en train de s'embrouiller alors que. Alors que le mec de Elodie et Elodie disent rien. Vas-y, casse-toi. Non, mais c'est quoi, je prends mes affaires? C'est quoi, je prends mes affaires? Quoi? Non, mais c'est bon, là. Elodie qui veut pas rendre les affaires. Mais prends. Non, elle prendra rien du tout. Ok, c'est mort. Non, mais vas-y. Tu fais rien, c'est bon. Calmez-vous. L'info en direct. Ah ouais, là, on est en live. En direct de Brive dans le 19. Non, ça sert quoi? Mais non. Mais ils vont par contre, ils bougent pas, ils vont gueuler là, c'est bon, là, t'es bon. Y'a que le mec qui dit trop fort, Julien. Viens. Quelle violence. Casse-toi, pédale. Voilà. Tout ça parce que à la base, c'est le gars l'a trompé quand même. C'est-à-dire que lui fait l'erreur et après allez, parti. Ah bah c'est bon, il est parti. Ah bah il est reparti, bon, c'était bien, un peu violent, voilà. Non? Ouais, il s'est un peu énervé, non? Un peu, je crois. Ouais, j'ai l'impression. Il y a Laetitia qui dit c'est hilarant. C'est tous les pervers qui sont de l'autre côté de la radio en train de mets-lui une patate. Vas-y, tue-le. Il y a Ophélia qui dit mort de rire, le gars il la trompe et il dit que c'est elle la salope. C'est monde à l'envers. Séverine qui dit un message de bienvenue, vous êtes géniaux, bisous à toute l'équipe. Fine. Bah salut Séverine, message de bienvenue bien sûr. Ferme-la, tu n'as même pas le droit de parler. Voilà. Bon, écoute Elodie, bienvenue dans le monde des célibataires alors. Hein. Bah ouais. Bah voilà, tu vas voir, c'est pas mal. Mais t'inquiète pas, tu trouveras vite un autre mec pour te tromper. Bah oui, très certainement, y'a aucun souci. Bon bah gros bisous à toi Elodie. Oui, est-ce que c'est possible de passer une dédicace? Bah alors, vas-y, évidemment, vas-y. Ouais, on pourrait passer une dédicace, hein. Attends, laisse faire d'abord Elodie, là, l'autre il arrive. Eh, je peux passer une dédicace? Ouais, bon alors, je veux faire ça. Allez Elodie, vas-y Elodie. Allez Elodie. Bah je voudrais passer une dédicace à tout Brive, à Eva et Angelina surtout. Très bien. Et à Morgane. Et Elsa aussi, Elsa François, franchement. Voilà, donc une fois sur dédicace, vous autres, la bonne soirée. Eh bah parfait. Salut à toi Elodie, gros bisous, à bientôt. Bon, eh bah oui, voilà. Eh bah vas-y. Et pas de la terre entière, vraiment c'est une personne. Vas-y. À Florian, à tous les gens de Varès, à tous ceux qui m'entendent, les gens de Brive, le Divine, Manon, Lancelot. Enfin tout le monde quoi. Elsa, enfin, au roi Arthur, à Genièvre. Salut Eric, et ceux du 42, ouais, Merlin, 42, ouais, ça roule, chevalier de la table ronde, ouais, ouais, tout le monde de Brive quoi. Bon, on a fait Morgane. Allez, salut les gars, bonne soirée à vous en tout cas. Bon bah très bien. Bon voilà. Au cœur de l'info. Complètement, il y a Mathilou aussi, je suis trop mort de rire là, il y a Rémi aussi, il y a un bigorage impossible de dormir, alors je vous écoute. En même temps, 21h50, je vais quand même pas dormir, Rémi, t'es dans quel coin là, où est-ce qu'il y a un bigorage là, dis-nous. Et Christopher qui dit, moi Mickaël, mon message de bienvenue, je t'écoute depuis août, et je suis fun depuis 10 ans, continue à donf, c'est Christopher de Camp, un petit message de bienvenue, il suffit de demander, c'est pas un problème, on va t'en mettre un. Fais ta chier comme il faut, moi. Voilà, bon alors on va terminer du coup avec la tromperie, là on va prendre Yanis quand même pour finir. Yanis, t'es là? Oui, salut. Ça va, Yanis de Perpignan? Oui, ça va. Bon, très bien, bienvenue à toi. Alors, toi, pour terminer sur le sujet, tu voulais réagir par rapport à la tromperie, puisqu'on a eu Bérangère qui s'est rendu compte que son mec avait une double vie et qu'elle était la maîtresse, alors qu'elle pensait être la meuf officielle, au final. Et toi, Yanis, vas-y, explique-nous ce qui s'est passé chez toi. Moi, je suis en couple depuis 8-9 ans. Je suis marié, bon. Et je l'ai trompé, une quarantaine, cinquantaine de fois. Quoi? Mais pourquoi tu restes avec elle si tu la trompes aussi souvent? Je reste avec elle parce que je l'aime et je la trompe. Attends, excuse-moi. Je la trompe mais je l'aime. Je la trompe mais je l'aime et j'ai été toujours comme ça avec depuis que j'étais jeune, j'ai ça. Tu l'aimes, tu la trompes pas, ça n'a pas de sens. Je l'aime mais bon, je la trompe et je l'assume et voilà. Et si t'apprends qu'elle te trompe? Je pense pas qu'elle me trompe. Non, ça bien sûr, mais si t'apprends, si j'apprends, peut-être, voilà. Peut-être, ça va changer quelque chose en moi, mais bon. Ah bon, en plus pas, hein. Ouais, peut-être, ouais. Quoi, tu vas pas l'accepter? Bah, je sais pas, hein. Parce que imagine Teuf débarque un jour et hop, il arrive à Perpignan. Bonjour, je vous ai trompé votre femme. Ça va pas être facile. Pourquoi? Parce qu'elle est moche. Avec... Non, c'est pas parce qu'elle est moche, c'est pas. Je pense pas que ça va être facile. D'accord. Moi, je sais comment il est, donc voilà. Bon, ok. Alors, c'est peut-être le mauvais exemple, mais qu'est-ce que tu vas dire? Elle est pas au courant, j'imagine, que tu as trompé milliards de fois. Et non. Moi, ce qui me facilite la chose, c'est que voilà, je suis souvent en déplacement, je dors dans les hôtels, je suis un peu partout. Donc, je dors une fois, deux fois la semaine, quoi, chez moi. Ah ouais, putain, je me mets à la place de toutes les filles qui sont en train d'écouter en disant « Quel enculé, alors ouais. Je suis là, je suis un salaud. » Ah ouais. Tous les mêmes, ces mecs. Ça, c'est sûr. Après, je la trempe pas avec des filles célibataires, hein. Je la trempe souvent avec des filles qui sont en couple, des femmes mariées, voilà, mais j'ai un peu de connaissances partout, bah oui. Ah ouais, après bon. Voilà. Bah écoute, c'est ton mode de vie après, hein, voilà, on respecte. Ben bah, mais... bah, voilà, j'ai essayé de m'empêcher, mais bon. T'arrives pas. Bon, j'arrive pas. J'étais depuis que j'étais jeune, j'étais comme ça. Après, je l'assume. Ça m'arrive des fois je le vis bien, des fois je le vis mal. Oui, j'imagine. Bah, en tout cas, je te souhaite de pas te faire griller, hein. Ah bah moi aussi. Bah ouais, je le souhaite pour moi-même. Bah merci Yanis d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux en tout cas. Salut, à bientôt. Hein. Salut. Ciao Yanis. On a Henri dans quelques minutes et puis on va surtout donner la réponse maintenant à la colle avec Miko. T'es toujours là, Miko? Ouais, toujours là, oui. Parfait. Allez hop, c'est parti. J'avais dit avant 22h, il est 21h53, on est bien. On appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond correctement à la colle, tu gagnes, il perd. L'inverse, il perd, tu... Merde, il gagne, tu perds. Pouh, je vais y arriver. Et si... Ouais, mais c'est parce que c'est la fin de la semaine, tout ça. Et si la personne qu'on appelle ne décroche pas ou donne la mauvaise réponse, c'est toi qui gagne. On y va, on appelle. Et puis on jouera aussi avec la SNCF, hein, si vous voulez vous inscrire. Là, je vous en parle dans quelques minutes pour partir où vous voulez pendant les grandes vacances, gratos en première classe, avec la personne de votre choix. On va jouer dans quelques minutes. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Fabien. C'est Fabien, c'est ça? Fabien, oui. C'est bon, ça. Bah salut Fabien, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Je t'appelle pour la colle. Eh oui, ouais. Fabien. Et il y a Miko qui a une colle à te poser là, vas-y Miko. Ouais. Non, t'entends mal. Miko? Qu'est-ce qui se remplit en même temps? Ah non, donc qu'est-ce qui se vide et se remplit en même temps? Un sablier. Ouais. Eh ben voilà! Eh ben c'est gagné. Bravo à toi, merci. Fabien, avec plaisir. Merci. Bon, Miko, malheureusement, bah dans le cul. Hein. Ah, c'est pas grave, en même temps, c'était logique. Hein. Bah non, pas forcément, tu sais qu'il y a plein de gens qui posent la colle et qui gagnent. Hein. Oui. S'il se peut que personne ne décroche pas, que la réponse soit mauvaise, que la personne se trompe, c'est déjà arrivé, non? Ah, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est au moins c'est des joueurs. On est bon, ou alors on n'est pas. Exactement, bah, c'est vrai, tout à fait, ouais. Bah merci Miko d'avoir appelé en tout cas, tu reviens quand tu veux. Dis-moi Mickaël, il y a moins de passer Flipper avec Rombat. Oui, mais je vais le mettre tout à l'heure, la promis, t'inquiète. Bah, on va le mettre maintenant. Tiens, ah, yes. Là, voilà. Tu l'as, on l'a calé là, Flippers. Il est là. Voilà, Flippers. Bon, on va le mettre maintenant, comme ça au moins t'auras gagné ça. Tu me l'avais demandé tout à l'heure, le son de Flippers. Avec plaisir, je t'en prie, pas de problème. Salut à toi, en tout cas, Fabien. Tu restes avec Sandro au standard, je te la repasse, d'accord? Ok, merci, okay. Bonne soirée. Salut, merci. Allez, à bientôt. Salut. Ciao, à bientôt, bye bye. Bon, Julien, qui est avec nous également là. Julien, t'es là? Oui. Oui, ça va, Julien? Oh, ouais. T'es un doux, toi? Oh. Ouais. Ah ouais, t'es un doux. Ah bah oui, ça sent doux, hein. Ça s'entend grave, hein, que t'es un doux. Bon, et tu nous appelles pourquoi, dis-moi du coup Julien? Bah c'était juste pour savoir si je pouvais être doux. Mais tu l'es? Bah oui, bah attends, non, il veut devenir un doux officiel. Bon, comment t'appelles-tu? Julien. Quel âge as-tu? 13 ans. Bon. J'adore. Jeune doux, tu veux rentrer dans l'armée des doux? Ouais. Très près. Mets-toi à genoux, je vais t'adouber. Et tu es à genoux. Insulte-toi! Je suis bête! Encore! Je suis un débile! Encore! Bah, je suis un gros connard! Encore! Il faut que j'aille me faire foutre! Voilà, parlez! As-tu ton téléphone dans la main, jeune doux? Oui! Tape-le-toi sur la tête! D'accord! Allez! Julien, il y a sa mère derrière. Par les pouvoirs qui me sont conférés par la merde, la confrérie des doux, tu es doux, tu fais partie de l'armée des doux. Ouais. Et ben voilà. Dans dorénavant, tu seras la crevette qui moisit au soleil. Très bien. C'est ton nouveau nom. Voilà la crevette qui moisit au soleil. Bienvenue dans l'armée. Bravo. Et Julien? Oui. Et tu embrasseras ta mère, hein, ou ta sœur, je sais pas qui a dit quelque chose derrière. Ma maman. Ah, c'est ta mère, très bien. Bon, tu l'embrasses pour nous, hein. D'accord. Salut la crevette qui crame au soleil. Ouais, salut. Tu peux faire de dédicaces. Ah oui, tu peux faire de dédicaces si tu veux, hein, t'as le droit. Ouais, je ferai une dédicace à mon tonton. Ouais. Et à ma maman. Oh, bravo, bah, très bien. Tata. Eh ben voilà, non. Salut Julien, à bientôt. À bientôt. Allez, ciao à toi. On aura Cindy dans quelques minutes. Et puis on va se mettre maintenant le son. On l'avait demandé là. C'était Miko qui l'avait demandé le son de. Alors comment ça s'appelle encore? Flippers, avec Flippers. Trombone. Avec trombone. Voilà, on écoute ça maintenant sur Fun Radio à 21h57. On est au cœur de 30 minutes sans plus. Pépère. Et on revient en direct juste après ça. Et voilà le son à l'instant donc de Flippers avec trombone, ça a été demandé par Miko. J'allais dire par Miko, c'est par habitude là, par Miko donc à l'instant sur Fun Radio. Alors restez bien là aussi puisque il va y avoir à suivre le son de Deoro, ce sera 5 Hours sur Fun Radio. Love in Fun est en vacances. Mickaël nos limites. Prends le contrôle de 20h à minuit sur Fun Radio. Bon, exactement, ouais, en direct sur Fun Radio là, 22h avec Henri qui est avec nous là. Salut Henri. Salut. Comment ça va Henri? Moyen. Bah t'es un doux toi Henri, non? Non, je suis pas du tout un doux. Bah si, t'as pas encore mué là, enfin pas complètement. Mais si, t'as mué toi? Oui. Oh, t'es sûr que t'as mué? On a un détecteur à mutation nous. Vas-y, dis, t'appelles pourquoi? Ouais, je t'appelle l'hygiène, c'est sûr. Non, t'as pas mué, le détecteur est en train de. Il va exploser là dans quelques instants. L'aiguille passe dans le rouge là, bah, Henri. Ouais. Hein. Non, pas du tout. Ah si, c'est, pas mué, ah non, Henri, là. C'est une machine précise inventée par moi. Bon, t'es un demi-doux alors. Ouais, si vous voulez. Voilà, t'es un demi-doux. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène, Henri? Alors, en fait, ce qui m'amène. Attends, déjà, je comprends pas parce que le problème, c'est que t'as le téléphone, soit t'as le kit manip, soit t'as le haut-parleur. Non, j'ai pas du tout, c'est mon téléphone qui bugue. Tu m'entends? Là, ça a l'air d'aller mieux. Je sais pas si t'as changé, mais c'est mieux. Bon, alors, vas-y, on t'écoute. Alors, je t'appelle parce qu'en fait, je t'avais appelé il y a 2-3 semaines. Ouais. Et t'as répondu ma fille sur un mal. Ah oui! Effectivement, tu nous avais appelé parce que t'osais plus aller aux toilettes. T'osais plus aller chier parce que ça te faisait mal, c'est ça? C'est ça. D'accord, bah oui, on veut des nouvelles. Bah oui, bien sûr qu'on veut des nouvelles. Il est. Voilà. Ah. Mais quoi? J'adore. Non, vas-y. Ouais, donc. En fait, j'ai un petit problème. Je me suis confié à mon meilleur ami. Ouais. Et je crois qu'il m'a balancé avec mes potes. Oh là là. Toujours se méfier. Ouais, alors qu'en fait, t'aurais mieux fait d'aller voir le médecin qui aurait pu en parler à personne, en fait. Non, voilà. Je suis allé voir le médecin. Mais en fait, le truc, c'est que en fait, j'ai eu des douleurs parce que j'avais mangé la harissa. Ouais. Et du coup, j'étais en ville avec lui et tout. Et du coup, il en a parlé à d'autres potes. Et du coup, mes potes, ils se foutent de ma gueule. Fallait lui dire que t'étais blessé parce que t'as fait du sport ou t'es battu. Jamais, jamais dire ça. Ou que t'as une blessure de guerre. Tu dis c'est un corse qui t'a mis une bombe dans le cul. Voilà. Tu peux être sûr que dès que t'as un problème comme ça au fion. Ah bah t'es mort. Hein. T'es mort, ouais, tu deviens la victime de tout le bahut pendant toute l'année, voire même plusieurs années. Hein, donc, ouais, oui. Non bah c'est sûr. C'est certain. Bon ouais. Bah du coup t'as toujours pas été chez le médecin en fait. Comment? T'as toujours pas été chez le médecin du coup? Si, depuis j'y suis allé, je prends le macro-gol comme je te l'avais dit. Ouais. Toujours, et tout va très bien là en ce moment. Tout va, ça va mieux là, t'arrives à. Beaucoup. Bon, désolé hein, pour ceux qui mangent, mais t'arrives à chier correctement. Oui, bon. Eh ben écoute, c'est le principal. Bon, ben nous voilà rassurés, alors très bien. Ben merci d'avoir appelé Henri, c'est bien de. Je prends une dédicace. Ouais, bah vas-y, ouais, Henri. Dédicace à. Oui, tout à l'heure. À qui? À Vincent M. Et ton téléphone, c'est dur, hein, je confie. À Vincent M. À Vincent M et... Ouais, voilà, c'est tout. D'accord, ok. Et à ben. Tout ce qui m'en. Et ouais. Bah, j'espère qu'ils ils auront certainement reconnu en tout cas ton téléphone, hein, ça c'est sûr. Bon, salut Henri, à bientôt. Allez, gros bisous. Ciao. Allez, c'est parti, on va jouer maintenant au jeu SNCF. Je vous le rappelle depuis cette semaine. On joue et vous avez la possibilité de gagner déjà vos cartes 18-27. Et puis en plus de ça, vous allez pouvoir repartir avec un petit voyage pépère, aller-retour en première classe, n'importe quand, pour aller en tout cas avant la fin du mois d'août, n'importe où en France. Voilà, ça veut dire que si vous êtes à Lille, vous voulez aller à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Biarritz, enfin bref, n'importe où. Où il y a du vous soleil. Oui, vous êtes dans le sud, vous voulez aller dans le nord, c'est peut-être un peu plus rare, mais c'est possible. Eh bien, vous allez pouvoir le faire. Pour gagner, c'est très simple. On a Travis avec nous de Clermont-Ferrand. Salut Travis. Salut Eric. Comment ça va? Impeccable. Toi aussi, t'as un téléphone dur, hein, ouais. Travis. Hein. Oh là là. Travis. Ah, sous la pluie. Ah oui, mais enfin, c'est pas ça qui fait que, hein, mais bon. Travis, t'as le kit main libre? Non. Ou le haut-parleur? Non plus. Ah bah, on n'est pas dans la merde. Tant pis, c'est pas grave. Bon, bah, Travis, on va jouer ensemble avec le jeu SNCF. Tu vas pouvoir repartir donc avec peut-être ta carte de 18-27, de toute façon, pour toi et pour ton pote ou ta copine. Et en plus de ça, tu vas pouvoir repartir avec tes deux billets pour aller où tu veux avant la fin du mois d'août et en première classe. Le principe est très simple. On va appeler qui là maintenant? On appelle Julie. C'est qui Julie? C'est une copine à toi? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Bon, donc on va donc l'appeler maintenant. Tu vas lui dire, écoute, on part demain. Voilà, on part demain matin. Tu lui inventes n'importe quelle destination, on s'en fout. Et si elle est ok, si elle te dit, ok, bah c'est bon, on s'en va. Tu repars avec tes deux billets pour toi et peut-être pour elle ou pour n'importe qui l'autre. Hein, peu importe, t'es pas obligé de partir avec elle, hein, quand même. Pas déconner. Oui, voilà. Et donc du coup, si elle est OP à partir immédiatement, enfin même demain matin, je veux dire, tu repars avec le voyage en première classe, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Et pour tous les autres, rassurez-vous, il y a encore un putain d'autre cadeau qui va tomber la semaine prochaine avec un hashtag. Je vous en parle juste après, restez là. Allez, c'est parti. Puis on écoutera Des Roses avec Five Hours. Allô? Allô, Julie? Oui, c'est très vite, tu vas bien? Oui, toi? Ouais, ça va. Ce téléphone est meilleur que le sien. Quoi? Ça dérange? Non, pas du tout. D'accord. T'as dit demain, tu fais ta valise, on part encore? Bah allez, c'est parti. Pas très encore. Mais quand tu dis qu'on y va, on y va. C'est que demain, je viens te chercher, on y va. Vas-y, ça marche. C'est sûr, à 100%. T'as la radio derrière. Allez, à 100%. Eh, hey, Josiane, avec la radio derrière, t'aurais pu faire un effort quand même, hein? Ah bah oui, peut-être. Ah bah oui, t'aurais au moins pu faire semblant de ne pas écouter, de ne pas mettre la radio à fond de balle que tu vas couper immédiatement, Julie, hein, parce que sinon on d'accord, l'entend rien. Je coupe. Voilà, moi je comprends pas les gens qui mettent la radio parce que c'est insupportable quand même. Bah oui. Quand t'es là, t'as l'écho derrière et tout là. Bon, c'est pas grave après, peu importe, hein, mais. On est à fond, ce soir. Travis, t'avais prévenu avant toi? Oui. Hein? T'avais prévenu Julie avant? Non, pas du tout. Oh là là, ce non pas du tout qui en dit très très long. Oui. Bon allez, c'est pas grave, de toute façon on s'en fout, on en a d'autres encore. Bon, et du coup, vous allez pouvoir partir. Alors, en tout cas, Travis, toi tu repars avec tes deux billets en première classe pour partir quand tu veux avec la SNCF. Tu partiras avec qui, Travis, du coup? Avec moi. Je sais pas. Bah, pourquoi t'as envie de lui casser les pattes, non? Travis? Allô? Bon, t'as envie de la pécho? Ah, non, pas du tout. Non, oui, c'est ça, oui, t'as raison. Je suis un petit coquin, moi. Oui, tu m'étonnes. Bah, visiblement, ça a l'air d'être son cas, Julie. Hein. Bon, on va filer. J'écoute toujours une radio. C'est très bien. Continue comme ça aussi. De toute façon, tu ne partiras pas. Bon, Julie, en tout cas, et Travis, vous partez où vous voulez, donc il n'y a pas de problème. Et puis, Travis, reste avec nous. Quoi qu'il en soit, on va vous offrir aussi à tous les deux votre carte 18-27, d'accord? Merci, c'est gentil. Salut, à bientôt, ciao. Salut, allez, à bientôt Travis, ciao à toi. On va récupérer Cindy aussi. Comme je vous le disais, il va y avoir un jeu qui déchire. C'est dès maintenant, vous allez pouvoir le faire. Le but, faire une photo en mode selfie happy. Je vais vous montrer un exemple dans quelques instants sur le Twitter de l'émission avec le hashtag HappyFunSNCF. Et puis vous postez ça sur le Twitter et on fera un tirage au sort. Celui qui sera tiré au sort la semaine prochaine entre 6h et 9h avec Bruno repartira tout simplement avec aussi le voyage première classe, mais pour 5. Ah oui, quand même. Ah oui. Donc, vous ça faites fait quasiment wagon privatif. Oui, quasiment, ouais. Donc vous faites une photo de vous en mode selfie, vous la postez, la plus drôle sera tirée au sort, et puis il ou elle repartira tout simplement avec le séjour pépère, la tranquille, le voyage en première classe, mais pour 5 personnes. Voilà, le hashtag c'est HappyFunSNCF. Allez-y dès maintenant, si vous voulez partir en vacances pas cher, c'est justement l'occasion. Il y a Lali aussi, ça fait 5 mois que je vous écoute, je vous adore trop. Un petit message de bienvenue, si tu veux, Lali, avec plaisir. Attends, je vais t'en mettre un petit là. Il reste quoi, c'est lui. Enculé de tarasse. Ah voilà, c'est ça, je préfère. Et la friterie Alba chez qui on était dimanche, qui dit Mickaël, la semaine prochaine, je te balance le tube de l'été, la danse de la frite. Ça tombe bien, la semaine prochaine, on n'est pas là. Il y a Byron aussi, dire que j'ai vu naître l'armée des doux, que c'est beau. Ah oui, Byron. Et fan de fun qui dit coucou Mickaël, je ne peux pas tweeter ce soir, désolé, c'est triste, dédicace à ma Jojo. Alors, fan de fun qui dit ça en tweetant. Hein, oui. Je peux pas tweeter ce soir, mais elle envoie un message sur Twitter. Et ça, c'est beau. Allez, on aura Cindy aussi dans quelques minutes, là, dans les Vosges. Salut Cindy, on parle de quoi dans un instant avec toi, dis-moi. Salut Mickaël. Ça va? Oui, ça va. Bon, alors, on parle de quoi dans un instant avec toi? Alors, moi, en fait, j'ai un besoin que j'ai donc tous les jours. C'est un besoin de faire au moins 5 fois l'amour avec mon homme. Ah, avec mon homme. Il doit être content. Il doit être quoi? Bah, on en parle dans un instant. Tiens, si vous aussi vous avez des tendances comme Cindy, restez avec nous. Hein, à avoir besoin de faire l'amour super souvent, bah, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0. Dans quelques minutes, je vous cale le son de Deoro comme promis avec 5 Hours sur Fun Radio. Et puis on est en direct évidemment jusqu'à minuit. Bonne soirée tout le monde. Pendant que le Doc, Karima et Karen sont en vacances, Mickaël s'occupe de vous tous les soirs de 20h à minuit. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël de 20h à minuit sur Fun Radio. Exact, 22h12 sur Fun. Il y a Laetitia qui a envoyé son message aussi. Je comprends pas les mecs qui restent en couple alors qu'ils trompent leur nana. Non, oui, j'avoue, je comprends pas très bien non plus. Julie aussi, vous êtes trop fort. Je vous fais des gros bisous à toute l'équipe. Merci Juju. Et Wrecking Ball également. Les hommes, ils aiment trop tromper les meufs, mais pour assumer, il n'y a plus personne. À tous des lâches. Mais arrête de dire tous. Il y a vraiment, évidemment, il y a des gros lâches. Mickaël, moi, je suis à Castres dans le 80 et il y a un gros orage. Ah bah voilà, c'est là qu'il y a eu le gros orage. Merci Maëva. Et il y a Tom aussi, je vous kiffe, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Bah si tu veux. Ferme-la, t'as même pas le droit de parler. On va peut-être en avoir du nouveau avec les nouveaux appels de Toff qu'on fera dans un petit quart d'heure, donc restez avec nous. Et alors dame aussi, et pourquoi vous restez pas tout le temps de 20h à minuit? Je trouve que c'est mieux. Ah bah c'est genre, oui c'est plutôt, t'as remarqué. Hein. Mais après c'est parce que c'est pas chez nous là, on est venu en mode location de vacances. Ouais. Voilà, on a loué le 20h minuit, c'est comme tu pars en vacances pendant une semaine, tu loues, on est en mode location de vacances, là, voilà, c'est ça. Et puis après, on rentre chez nous, quoi, tu vois, après, on a fait la loc. Et Aline qui dit très dure journée aujourd'hui, mais depuis que je vous écoute, tout va mieux, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Bah oui, Aline, là, histoire de te redonner la patate, voilà. Petit-fils d'enculé, voilà, fils de putain même. Je ne connais même pas ta mère, hein, ça n'a rien à voir avec elle, évidemment. Allez, restez sur Fun, 22h14, on est au cœur de 30 minutes sans pub, en mode à la cool jusqu'à minuit avec le retour de Cindy dans quelques minutes. Ah ouais, il faut que je vous fasse écouter un truc aussi dans un instant. Elle est assez surréaliste. Je vous mets ça juste après. Deoro, 5 Hours, c'est maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée. Préparez-vous à passer des vacances de ouf Fun Radio. Mickaël No Limit. Mickaël de 20h à minuit sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio. Allez, 22h17, il y a Romain qui dit jeudi de ouf, fête du lycée, plus Mickaël de 20h à minuit. Ah bah Romain, c'est cool ça, j'espère que t'as prévenu tout le lycée également qu'on était là de 20h à minuit, que la semaine prochaine ce sera 23h-2h. Il y a Laura qui dit dispute au téléphone la première fois. J'ai pas très bien compris Laura, c'était par rapport à tout à l'heure, mais je sais pas pourquoi il y a marqué une première fois. Nadia aussi, trop bon de vivre ça, oui c'était par rapport à l'embrouille tout à l'heure. Et Hervé qui dit en Afrique on dit le couteau qui dégorgera, c'est tes proches amis qui l'aiguiseront. Ah c'est beau ça. Et la friterie Alba qui dit maintenant c'est radio amour, gloire et beauté. Ah bah oui c'était tout à l'heure ça surtout. Hein. Et alors Marie également, Marie-Lucie qui dit mon ex m'a trompé avec la mère de son meilleur ami, une cougar donc, et elle est tombée enceinte. Bon. Waouh. Ça c'est bon. La violence. Et Rachid aussi qui envoie son message, puisqu'il est continué comme ça déchire, et petite dédicace au rugby Visil. Voilà, continuez avec tous vos messages, hein. N'oubliez pas, hashtag et Mickaël 20h minuit sur le Twitter de l'émission. On fera le top tweetos tout à l'heure. On offrira tout simplement un cadeau à celui qui sera le plus influent sur le Twitter de l'émission, celui qui aura posté le plus de messages avec le hashtag MIKL20H00H. Voilà, et Mickaël 20h minuit. Oui. Et on peut faire un petit point maintenant puisqu'il est 22h18. On voit maintenant où en est le classement. S'il était déjà minuit, ben qui terminerait numéro 5? X9 Robo 6. Très bien, qui terminerait numéro 4? Extra Gornax. Numéro 3. Brandon. Numéro 2. Benjamin. Numéro 1. Nadia Le Prince. Très bien. Bon, à part Nadia, c'est que des nouveaux là. C'est très bien. Bon, bah, du coup, il vous reste encore un peu moins de 2 heures pour balancer un max de messages pour tenter de prendre la place de Nadia en numéro 1 là. Et bah, hashtag et Mickaël, 20h minuit. Et n'oubliez pas d'ailleurs, hein, si vous me faites un petit follow sur le Twitter ou sur Instagram, eh bien, je vous followerai également avec grand plaisir. Hein, une bonne poignée de main pour les garçons et followé par derrière pour les filles, évidemment. Little Frimousse qui dit dédicace à Lisa qui me manque et coup de pelatoff. Ça le rendra un peu plus moche. Bisous à l'équipe. Merci, Little Frimousse. Bah tiens, hop là, je vais le mettre, tiens. Voilà, ça au moins, c'est fait. Et alors, fallait que je vous parle d'un truc, là. Je vous en avais parlé juste avant, 10 euros. Un truc est arrivé à un animateur de radio en République Dominicaine. Il fait une émission où on peut choisir les disques. Et puis là, il y a un mec qui arrive. Un peu les Didifone, tu vois. Ouais, le concept, c'est un peu ça. T'arrives, tu demandes ton disque, on le passe. Bon, alors évidemment, c'est facile. Si quelqu'un arrive en disant, bah tiens, tu peux passer Katy Perry, hop. Facile. Bon, facile. Mais. Bah oui. Bah oui. Mais quand il y a un mec qui arrive et qui te demande ça. Si, si. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Son Ribu o Son Nai. Eso son Ribu o Son Nai. ¿Será esta? This is the rhythm of the night. Esta misma, ve, esta misma es. This is the rhythm of the night. Cuídate, mi hermano. Bon, alors pour résumer, en gros, le mec il arrive, donc il dit bon, alors qu'est-ce que tu veux écouter, machin, etc. Et le mec il dit je vais écouter son Reebok ou son Nike. Ah bah oui. Donc son Reebok ou son Nike, en gros. Hein. Et donc il a voulu dire snap avec the rhythm of. C'était quoi? This is the rhythm of the night. Ouais. Et bah, le mec il a dit Reebok ou son Nike. C'est quand même assez exceptionnel. Non, quand mais, même. Ce qui est balèze, c'est que le mec il a trouvé. Ah oui, oui, oui. L'animateur, il a trouvé ce que le mec voulait. Non, mais c'est bon, attends, on va le remettre. Si, si. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Son Reebok o Son Nike. Eso son Reebok o Son Nike. Et mieux quand même un peu d'accordéon en dessous, hein. Será esta. This is the rhythm of the night. Esta misma, ve, esta misma es. This is the rhythm of the night. Cuídate, mi hermano. Non, mais c'est ouf, quoi. Le mec, il a découvert l'animateur. Bah, très fort, hein, l'animateur, hein, vraiment. Non, non, bravo, il est balèze, il est balèze. Ah, ouais, parce que bon, moi, j'aurais pas trouvé. Mais hein. Non, mais non, mais clairement. Donc, si vous avez d'autres idées de titres qu'on peut détourner comme ça, envoyez-le nous. Hein. Donc là, il a dit son Reebok ou son Nike. Hein, This is the rhythm of the night. Un très très bon anglais, le mec en République Dominicaine. Ah bah, hein. Pourtant, il est à côté des US. Hein, mais... On sent que le mec, il a parlé anglais toute sa vie. Hein. Ah, toute sa vie, hein, ça c'est clair. Bon, bah, donc, du coup, vous nous le dites. Hein, hashtag Mickaël, 20h minuit sur le Twitter. Vous nous rejoignez sur le Facebook également. N'oubliez pas, vous tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. On est presque 400 000 là, depuis quelques jours, hein, depuis qu'on fait 20h minuit. Donc continuez avec vos messages, vous les balancez, vous prévenez vos potes qui viennent faire un like sur Mickaël officiel. J'aurai d'ailleurs encore des sous-vêtements Playboy à vous offrir tout à l'heure et les photos sont sur le Facebook des sous-vêtements, comme ça vous allez pouvoir le voir. Devers45 qui dit salut à vous, le canular était grave bien tout à l'heure avec les petits bruitages de ouf qui font trop délirer là, c'est trop kiffant. Merci Devers45 et Tatiana qui dit une dédicace à ma meilleure amie Doriane. Ben merci Tatiana, le message est donc passé. Retour avec Cindy. Cindy, t'es là? Oui, oui, oui. Est-ce que t'aurais deviné ce que le mec voulait là avec son Reebok ou son Nike? Non, pas du tout. Putain, c'est ouf quand même. Attends, je le remets. Oui. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Son Reebok ou Son Nike. Son Reebok ou Son Nike. Son Reebok ou Son Nike. Le mec, il dit quoi? Attends, et là, il cherche, il dit, est-ce que c'est ça? Ah, il est content, hein. Non, mais c'est ouf, c'est vraiment ouf, c'est vraiment ouf. Enfin bon. Cindy, t'as envie d'écouter un son, toi, ou pas, toi? Attends, parce que moi, j'ai mon son préféré pour l'instant, tu vas me dire si t'aimes bien. Hein. C'est le morceau qui passe sur Fun, celui que je préfère, c'est celui-là. Avec Avicii et Lay Me Down, le nouveau, j'adore. T'aimes bien ou pas? Tu connais déjà? Oui, oui, oui, je connais, oui. Et t'aimes bien? Oui, ça va. Ah, je croyais que t'as dit, oh non, j'ai de la merde, t'as vu. Merde. Non. Bon, puis il y aura aussi le nouveau Shakira, là. Voilà, je vous le calerai tout à l'heure là avant minuit, donc restez bien là. Bon, alors Cindy, toi tu nous avais appelé pour un sujet très intéressant, puisque tu as besoin de faire l'amour 5 fois par jour. Oh, c'est bon ça. Mais Cindy, combien mesures-tu? Alors, 1m67. Combien pèses-tu? 58 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui, si ton mec parfois est un peu fatigué, je suis désolé. Bonne. Ouais, mais je pense que son mec justement, il est pas disponible. C'est ça, j'imagine. Tu nous appelles pourquoi d'abord? Juste pour le dire ou parce que ton mec il en peut plus là, il est sur les genoux? Non, c'est pour en parler parce que bon bah voilà, moi j'ai besoin de ça donc tous les jours et il n'arrive pas à me donner ce que j'ai besoin. Est-ce que un godmi, est-ce que si tu te utilises un god, c'est pas bien aussi? Non, j'aime pas trop. Je préfère le réel. Oui, bah d'accord. Ça oui, bah c'est toujours c'est mieux. Dommage parce qu'on aurait pu t'aider. Hein. Ah oui, on aurait pu t'envoyer un petit sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment. Je dirais pas non. Hein. Ah bah non, t'as dit que tu préférais l'original. Ah oui, mais bon. Ah bah oui, mais voilà. Sinon, bon. On peut t'envoyer un œuf, comme ça, c'est lui qui a la télécommande, mais... Ah oui, c'est pas mal, ça, et comme ça, il doit pas trop se fatiguer. Enfin, un œuf, il faut expliquer ce que un c'est. Un œuf vibrant, bah c'est un œuf que... Je connais. Ouais, non, mais pour les autres, pour ceux qui n'écoutent pas, et pour ceux qui n'écoutent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou même les doux, par exemple, c'est un... Non, les doux, en fait, c'est un œuf qui vient de la poule, que c'est vous mettez ça. Dans une casserole, pour voilà. Faire une omelette, les exactement, doux. Exactement, tout à fait. Voilà, et il y a une télécommande pour qu'ils cuisent plus vite. Exactement, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Que les doux mettent leurs doigts dans leurs oreilles, voilà. Ils font là, entendre. Et donc là, comme ça, on peut leur dire, c'est un espèce d'œuf que vous mettez dans le vagin, et donc le monsieur, il a une petite télécommande, et ça fait au resto, c'est très pratique, c'est très rigolo. Bon, alors Cindy, bon, et donc du coup, donc ton mec, il est sur les genoux ou pas? Je me souviens plus ce que tu m'as dit. Voilà, c'est ça. Ah merde, attends. Je fais de la merde, au fait, attends. Les doux, vous pouvez enlever vos doigts. Ouais, oui, oui. Hein. Hey, enlevez les doigts des oreilles. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon, donc du coup, il est sur les genoux. Bah oui, mais bon, comment ça fait que t'as besoin de 5 fois par jour? Il y a un moment. Il y a un moment. Alors, je t'explique. Je prends l'exemple de nouveau je prends de la bouffe. Tu vois, imagine, t'es fan de. Je sais pas moi. T'es fan du Giant chez Quick. Voilà. T'es fan du Giant. Bon, moi, j'aime bien, par exemple. Ben, je vais en manger une fois avec plaisir. 2 fois. 3 fois. Mais il y a un moment, si je bouffe ça tous les jours, si tu veux, bon, hormis que c'est mauvais, etc. Mais il y a un moment, t'en as plein. Ouais, quoi. Tu vas faire une overdose. Ouais, t'as un moment, t'en peux plus, quoi, de bouffer la même chose. Donc c'est pareil, quand même. Faire l'amour, c'est bien, c'est agréable, tout ce que tu veux. Mais il y a un moment, quand ça devient une usine, 5 fois par jour, il y a un moment, tu te dis. En plus, ça demande une organisation monstrueuse. Ouais, grave. Sauf si c'est un petit one shot et que ça va vite. Et encore, même si. Ça veut dire 5 douches, ça veut dire. Non, parce qu'il y en a qui font. Il y en a qui disent, Gartoff, il met une cartouche, puis après il se ravit, il s'en va. Hein. Ah, bah oui. Bah non, généralement, je la raccompagne jusqu'en bas pour qu'elle puisse appeler un taxi. Ah, quand même. Oui, oui. Bon, t'appelles pas de taxi, ça démonte le forfait. Ah, bah oui. Ah, bah oui, c'est ah bah ça. Oui. Ça. Non, c'est, en fait, si je descends, c'est juste parce qu'il faut lui ouvrir la porte et qu'elle peut pas sortir toute seule. Hein, d'accord, ouais, je comprends, évidemment. Sinon, je descendrai pas. Quel gentleman. Bah d'ailleurs, j'avais vu un article. Merci. L'année 2014 est l'année des gentlemen. Ça rend pas bien compte avec Toff, là. Mais si, je suis un vrai gentleman. Oui, bah tu parles. Bon, et donc, du coup, Cindy. Du coup, ton mec, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, il est sur les genoux, ok, mais quoi, il en veut plus, et voilà. Pour lui, une fois tous les 2 jours, c'est assez. Ah ouais. Bon, bah, et tu sais que déjà une fois tous les 2 jours, quand on est un couple, c'est déjà pas mal parce qu'il faut avoir le temps, faut avoir les possibilités, faut savoir si vous habitez ensemble, si vous voyez, enfin tu vois. Oui, on habite ensemble, on se voit tous les jours. Mais peut-être qu'il est fatigué, mais il devrait prendre de la vitamine et puis des. Comment ça s'appelle le petit truc, Toff? Je crois que c'est pas légal en plus. Ah, le quoi, le. Pas le Viagra, l'autre. Ciel. C'est... Putain, il en parlait, il y avait un mec qui en parlait là. Il devait nous envoyer une boîte. Cialis? Cialis, ouais. Non. Cialis? Ouais, c'est un petit médoc en fait que tu prends et en fait ça te fait bander pendant des heures. Ah ouais. Et des heures. Des heures et des heures. Ah bon, d'accord. Bah, après, c'est pas le tout de bander, il faut avoir envie aussi. Parce que même si tu prends un cacheton même si tu prends un cacheton et que t'as de la gaule. Eh bien, messieurs, ananas, jus de. Ouais, ouais. De l'ananas tous les jours et du jus de citron et tu vas voir s'il va avoir la pêche ouais. Et après on va défroyer la dame là. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé, tiens justement là. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique et surtout, bah dites-nous si vous avez déjà eu des meufs comme ça qui étaient hyper demandeuses sexuellement ou des mecs hyper demandeurs et comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu ou comment vous le vivez. Voilà, on va en parler. Ben oui, parlons-en. Et non, je voulais dire que dans une de multiples études qu'on aime beaucoup, il disait que jusqu'à 30 ans, c'est, en moyenne, c'était une fois par jour. Entre 30 et 50, c'était 2 fois par semaine. Et au-delà de 50 ans, c'était une fois par semaine. Ah oui, d'accord. La moyenne. Oui, la moyenne, ouais. Bon, ben reste avec nous, Cindy. Il y aura Cédric dans un instant de Marseille qui voulait réagir. On va appeler également un gagnant Playboy. On en a déjà eu un ou deux tout à l'heure. Et puis, ben, je vous le rappelle également que nous allons faire les appels de Toff dans quelques secondes. Ah oui, juste après le son de Shakira. Darlalala. Je voulais vous mettre une photo, Cédric. Rigolote envoyé par Drakit. C'est un mec, tu sais, c'est un mec qui se la ramène en faisant des photos en genre mode gangsta. Ouais, genre gangsta, etc. Mais tu sais, il fait pitié. Donc allez voir facebook.com, tapez Mickaël officiel et puis on en parle juste après. Shakira, Darlalala, c'est maintenant sur Fun. Lego. Préparez-vous à passer des vacances de ouf. Fun Radio. Mickaël No Limit. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Oui, 22h31, on va d'ailleurs récupérer Cindy hein, qui a besoin de 5 fois par jour. Elle est, voilà, elle doit faire l'amour 5 fois par jour, sinon ça va pas. Il y a Cédric et Douglas qui veulent réagir dans quelques minutes. Il y a Club Med qui dit les amis, il y a également le Camagra. Tu montes comme un cheval et ta tige est tellement dure que si tu te la tapes sur la table, c'est la table qui casse. Mais moi je l'ai essayé ce truc là et c'est véridique. Ah ouais? Camagra, ouais, c'est un truc à base de plantes. Ça doit être hyper mauvais en plus. Ouais, ça doit être, c'est archi mauvais, il faut pas le faire souvent. Mais moi je l'ai fait une fois pour essayer parce que c'était dans un sex shop et le mec il me dit ouais vas-y essaye ça, tu vas voir, c'est génial et tout. Effectivement je l'ai essayé, c'est-à-dire que la meuf je l'ai limée toute la nuit et bah le matin je bandais encore. Okay, ça alors, fait pas mal. Ah si parce qu'en fait fin, c'est ouais. t'es en fait c'est-à-dire que tu, même quand t'éjacules tu restes dur quoi. Oh, putain mais attends juste une question, ça m'intéresse, t'achètes ça où? Bah, si tu veux je connais un sex shop à Bruxelles qui en a. D'accord, ouais, merci, ramène moi une boîte. Bon et message cher. Mickaël, c'est mon anniversaire aujourd'hui, tu peux me mettre la musique s'il te plaît, c'est Cathy. Bah bien sûr Cathy, tu as musique d'anniversaire. Oh, voilà. Allez, bon anniversaire à toi. Voilà. Voilà, jusqu'à la finale. Bah, bon anniversaire à toi et Stéphanie sur l'application Mickaël No Limit. Oh, moi j'avais une chanson quand j'avais 6 ou 7 ans que je détournais et je suis quasi sûr que jamais vous trouverez le refrain. Je disais la Nathalie elle est malade. La Nathalie elle est malade. Non. Bah, je vois pas là, Steph. Bah, faudrait savoir quel âge est là, on pourrait chercher, tu vois. Dans le... Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Et Wrecking Ball qui dit je vous écoute en même temps que je joue à The Rolex Proratrice, d'accord. Et de Richard qui dit Mickaël, prends-nous pas pour des cons, merci, c'est pas parce qu'on est doux qu'on est un culte. Ah, pour l'œuf. Ouais, d'accord, mais il y en a qui sont peut-être pas encore au courant et on va préserver leur. Leur innocence. Le doux se rebiffe là. Ouais, exactement, oui. Fabrice qui dit moi ma mère c'était la sardine était malade pour Last Night at DJ Save My Life. Véridique. Oh putain. Et Free89 qui dit respect à l'animateur, perso j'aurais jamais trouvé. Bah oui, bah tu m'étonnes évidemment. Mais lui, je sais pas comment il a fait. Mais hein. C'est clair. Bon allez, 22h33 sur Fun Radio. En gros on parlait d'un animateur en République Dominicaine qui faisait un style comme les Daddy Fun hein, sur sa radio là-bas. Étant un mec qui arrive qui dit ouais moi je vais écouter sans Reebok ou sans Nike. Donc Reebok ou Nike hein, en gros hein. Sans Reebok ou sans Nike. Et le mec l'animateur a trouvé qu'il voulait en fait écouter The Rhythm of the Night de Snap. C'est quand même violent. Et ça, c'est beau. C'est quand même beau, c'est très beau. Bon en attendant, ce qui est peut-être un petit peu moins beau, c'est les appels de Toff qu'on va faire maintenant, puisqu'on s'est rendu compte que 47% des Français eh bien, ont tenté déjà de reproduire des scènes de films de boules. À la maison. Et ça c'est beau. Évidemment. Donc du coup on appelle des gens hein, grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On les appelle donc maintenant afin de vérifier si effectivement ils ont déjà tenté ou pas. On y va ? Mmh. Allez, termine ton bonbon là. C'est bon, c'est fait ? C'est de l'ananas pour mon régime. Oui, bon, bah peu importe, allez, vas-y, c'est parti. La dernière fois que je bouffais l'ananas, mec, j'ai chié comme un truc de ouf. Oh ! J'ai failli finir à l'étage en dessous de la radio. C'était violent. Allez. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà essayé de reproduire des scènes de films porno avec votre femme. Ah, tous les jours, connard. Bah, pourquoi vous me dites ça monsieur, c'est pas gentil. Ouais. Ça, t'as envie de t'exciter en fait, c'est ça, t'as envie que je baise en même temps que tu t'as envie d'écouter, c'est ça, gros PD. Hein. Mais pas du tout monsieur, mais enfin arrêtez d'être désagréable comme ça, moi je vous appelle gentiment monsieur. Ouais, gentiment, tu me casses les couilles, je bosse là, tu me fais chier là. Bah oui, mais enfin monsieur, vous pouvez juste répondre à ma question. Ouais, quoi, qu'est-ce que tu veux, vas-y répète là. Bah je voulais savoir si vous les avez déjà essayé de faire comme dans les films de cul avec votre femme. Ah tout le temps, bah ouais, bien sûr. Hein. Toujours. D'accord. La traite de salope, de hyène, grosse hyène et tout, tu verras. Tu te demandes à ta mère, elle va t'en parler, tu vas voir. Ah oui, parce que vous connaissez ma mère. Ah ouais. Ah, d'accord. Et elle est Ouais. Elle est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Belle actrice, hein. Belle actrice, hein. C'est vrai ? Franchement, ouais. Ah, vous avez fait des trucs de ouf avec elle ? Ah ouais. Des bonnes faciales, hein. Tu vois, ma mère, elle aime ça, hein. Oh là là. D'accord. Ah putain. Voilà, ça te va, là, c'est bon ? Ouais, c'est pas mal. Ouais, bon, ça va, j'ai pas été trop désagréable. Hein? Bah, si, un peu, mais bon, je vais faire avec. Ah ouais bon, tu veux que je sois plus gentil? Bah oui, j'aimerais bien. Ah ouais. Bon, bah je te fais plein de gros bisous alors. Ah bah vous voyez que vous êtes sympa, monsieur. Et par la même occasion, une bonne sodomie. Hein? Ah oui, c'est moins sympa ça par contre. Ah, tu dois aimer ça toi quand même, hein? Non, pas trop. Hein? C'est pas, tu m'appelles, donc c'est pas, on dirait que tu cherches. Hein. Ah non, pas du tout, monsieur. Tu veux faire du porno avec moi? Bah si vous voulez monsieur, on peut le faire avec votre femme à deux. Je suis célibataire mon pauvre. Ah merde. Ouais. Bon, bah tant pis alors, monsieur. Hein. Bon, moi, bah, c'est moi, c'est la branlette, moi, tu vois. Bon, et eh ben bonne branlette alors, monsieur. Ouais, merci, toi aussi. Au revoir. Ciao, connard. Ah, le ciao connard était sympa, hein. Toujours, ah, curé, c'est pas mal. Ah ouais. Il y a Camille qui dit, moi, sur la route de Memphis, d'Eddie Mitchell, c'est devenu sous la croûte de tes cuisses. Oh, ouais, grande classe, ça. Oh, ouais. Et alors, il y a Laetitia qui dit, j'ai demandé à ma pote de venir écouter Fun avec Mickaël. Bah, merci, Laetitia, c'est une bonne idée, ça. Et Anthony aussi, salut, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Bien sûr, avec plaisir. Attends, on va mettre un des nouveaux, là, qu'on a eu cette semaine. Quelqu'un de super gentil, voilà. Je jure devant Dieu que je te donne face à toi. Je t'encule toi et toute ta famille. Voilà, il était tellement sympa. Il y a Lydie aussi, mort de rire le délire, et Erin aussi. Eh, hey, Mickaël, je découvre Mickaël ce soir. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Je vous adore. Et Fun rythme toutes mes journées depuis plusieurs années. Eh ben, merci Erin. Et bien, bah, du coup, toi aussi, je vais t'en mettre un petit message. Hop là. Allez, tous vous faire enculer. Voilà, tout simplement. Bah voilà, comme ça, au moins, le message est passé. Cindy qui est de retour, qui couche avec son mec 5 fois par jour et qui en a besoin. Sauf que son mec n'en peut plus. Il est sur les genoux, il n'en peut plus. Il est mort, il est décédé. Mais bah, c'est ça le pauvre. Il est en train. Là, bah oui. Il manque d'endurance. Mais tu m'étonnes, il y a Cédric. Mais oui, il y a Cédric de Marseille qui est là. Tu dis quoi, Cindy ? Il devrait pas pour toi les militaires. Bah oui, mais enfin justement, c'est-à-dire qu'il doit il doit se dépenser à mort dans son boulot et après toi tu le tues encore en plus toi. Bon, Cédric de Marseille, t'es là ? Oui, bonsoir Mickaël. Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien, Cédric, sois le bienvenu. Alors, tu voulais réagir à Cindy, toi, est-ce que t'es déjà tombé sur une meuf qui te demandait 5 fois par jour ? Ou est-ce que c'est toi qui demande 5 fois par jour ? En gros, est-ce que tu es n'info comme elle ? L'info, ouais, l'homme et la femme sont des êtres humains, de toute façon, si je veux faire. Non, t'es sûr de ça ou pas ? Oui, non, mais ça, d'accord. Ça, mais c'est pour te dire qu'ils sont conçus pour faire l'amour. Non, à la base, ils sont conçus pour reproduire. Et pour reproduire, t'es pas obligé de niquer 5 fois par jour. Hein. Bon, ouais, mais bon, après, comme j'ai écouté tout à l'heure, ce qu'elle disait, c'est qu'ils étaient souvent ensemble, si j'ai compris. Tout le temps, ouais, ils vivent ensemble. Voilà, le problème, c'est ça. Si son copain est seul, c'est parce qu'ils se voient trop. Bah oui, mais c'est ça. Si après, elle en a envie, c'est normal, après, elle en a envie, ça, c'est ses autres. Son corps, il a envie, mais bon, le problème qu'il y a, c'est qu'il se voit trop. S'il se verrait moins, genre, il se voit, je sais pas, 3-4 fois par semaine. Pas les raies. Je pense que son mec, il se laisserait pas faire et je pense qu'il coucherait comme ils veulent. Peut-être que vous voyez trop. En même temps, vous habitez ensemble, donc c'est compliqué de... Voilà, ils habitent ensemble, c'est sûr, c'est compliqué. Après, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait combien de temps? Combien? 7 ans. Ah, 7 ans, ah, oui. Ça fait 7 ans que le mec il doit 5 fois par jour. Ah oui, mais tu le tues là, tu vas tuer le... Ah bah oui, mais ça fait combien de temps qu'il se lasse? Mais c'est pas qu'il se lasse, hein. Il se lasse pas, Cédric, c'est juste qu'il est fatigué 5 fois par jour, plus le boulot et tout. Fatigué, et... ça va, tu es un homme, non? Ah non, franchement, moi ça me saoulerait, hein, 5 fois par jour. Oui, mais pourquoi la femme y arriverait, l'homme y arriverait pas? Parce que c'est pas le même truc, c'est pas fou, la meuf elle... Oui, c'est sûr que l'homme il fait plus d'efforts physiques. Mais oui, bah oui. Mais la femme elle peut recevoir. Non, ça dépend. Mais moi par exemple, c'est même pas une question de fatigue, mais bon, après quand t'es en vacances, quand t'es, voilà, tu le fais plus souvent et tout, c'est bien. Mais 5 fois par jour, tout le temps, bon, franchement ça me ferait chier. Hein. Tu sais ce qu'il devrait faire, la technique du tuteur? Il prend un préservatif, à l'intérieur il met un petit bâton, il scotche le membre mou, et puis il lui dit allez vas-y, et puis en Amazon, et puis elle se débrouille. Ou alors tu mets avec un petit coton-tige comme avec les chacs, sans chaleur. Quelle horreur. Oh, c'est clair. Et elle peut pas se soulager des fois toute seule, de temps en temps? Elle aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas pareil, c'est pas... Oui, c'est vrai que c'est sûr que c'est différent, mais après, si, je sais pas, toucher, si vous faites au moyen. J'ai besoin de toucher, en fait, lui. Et t'as essayé un robot? Un robot? Ouais, non, un robot. Bah, mais là, tu vas loin. Hein. Bah, un robot en taille adulte, c'est un peu chaud. C'est pas faux. Bon, attends, on va quand même prendre l'avis de Cassandra qui est avec nous, là. T'es là, Cassandra? Oui, je suis là, bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Bah très bien, sois la bienvenue Cassandra, t'appelles de Brive toi justement. Et donc est-ce que toi aussi t'es une grosse demandeuse sexuellement ou t'es déjà tombée sur un mec qui était hyper demandeur? Un peu des deux. Ah alors vas-y explique. En fait bon il y a plusieurs mecs, ceux qui aiment pas beaucoup et ceux qui aiment. Oui moi je suis très demandeuse, c'est vrai. Aussi. Mais genre combien de fois par jour? Parce qu'il y a demandeur et demandeur, tu vois. Oui, tu peux être demandeur et avoir envie de très souvent une fois par jour, par exemple. Moi 3 fois par jour. Ah oui, oui quand même. Ah oui, combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 E. Quoi? Hein? Ah oui, E comme énorme. Oui, étage, comme énorme. Étage. Et la taille des pantalons que tu as acheté? Éléphant. Équerre. La taille du dernier pantalon que tu as acheté? Comment? C'est quoi la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 42. Hein? Trop, c'est... Ah oui, trop, c'est trop. Là, c'est, ah ouais, c'est trop picoteuf. Ah là, c'est énorme, c'est énorme. Si tu es un peu en galère, je suis disponible. Voilà, pour sa petite musique, parce que j'ai envie de chanter. Ah oui, là. Bien, pardon. Merci. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Voilà. Merci. Bon bah très bien. Et donc allô, Mickaël. Ouais. Oui, qu'est-ce que je te dis? Voilà, comme elle dit Cassandra, là c'est raisonnable, trois fois par jour. Oui, non mais non, ah, c'est pas raisonnable. Ça va, trois fois par jour. Tu te lèves le matin, tu fais l'amour avec ta femme, tu rentres le midi, tu fais l'amour avec ta femme. T'es un ouf, tu rentres du travail le soir. Non, mais ça va, trois fois par jour. Non, une quel fois. Homme ne peut ne rester pas. Non mais franchement c'est pas que je ne peux pas. Moi je pourrais, comme je te dis, pendant les vacances ou pendant tu vois une tu fais pas le matin avant d'aller travailler. Tu te fais, je sais pas, ta copine elle te fait une mais tu couches avec elle. Mais si c'est tous les jours, franchement ça devient chiant quoi. C'est la bombe, mais le sexe c'est 70% du couple. Non mais je dis pas, je dis juste que si tu fais ça tout le temps, il y a un moment ça devient emmerdant. Et puis ça fait mal quoi. Et puis voilà. Ah, tu es pas porté sur le sexe alors. Mais si, mais c'est pas ça le problème. C'est juste que c'est trop. Et même Toff dit que c'est trop. T'es pour te dire, tu vois. Parce que moi je veux bien le faire, tu vois, genre un week-end, tu vas le faire 10 fois sur le voilà, week-end. Oui, parce, voilà. Que, parce que soit c'est une nouvelle meuf, ou parce que voilà, vous êtes dans un délire, ah oui, ou ce week-end là. Vous... C'est plus rigolo, c'est plus rigolo. Vous êtes chaud, mais 3 fois par jour, tous les jours, à la fin t'en as marre. Parce que de toute façon c'est toujours la même chose. Tu la baisses le matin sous la douche ou sur le lit. À midi tu reviens, tu la baisses sur la table de la cuisine. Le soir tu rentres, tu la baisses dans le salon. Parfois tu peux inverser, tu peux la baisser sous la douche. Midi. Ouais, mais enfin, ça fait voilà, bizarre. Moi, imagine, tu te réveilles le matin, tu fais l'amour, tu rentres à midi, tu fais l'amour, tu vas travailler, tu es heureux. Non, t'es fatigué. Tu rentres, tu vas au travail, tu es content. Ouais, je sais pas. Écoute, en tout cas, voilà, c'est ton avis, Cédric. Hein, cela dit, tu t'entendras bien avec Cassandra et Cindy. Oui, bah, merci beaucoup, en tout cas, Cédric. Tu peux passer une petite dédicace? Bah, vas-y, profites-en, puisque t'as là une seule personne choisie la bonne. À la pizzeria Ninou, à mes collègues Enzo, Julien, Nelly. Très bien. Une seule personne. Hey, Cédric. Oui. Ça te branche des dessous Playboy? Bah avec plaisir. Bon, on va te filer ça, tiens, on en a encore, tiens, pas de problème. Tu peux d'avoir un pack Lovin' Fun? Lovin' Fun, non, parce qu'il faut demander dans Lovin' Fun. Ah bah ça va. Ah bah voilà. Allez, vas-y, c'est en affaire. Normal. Mais on va quand même te filer le pack Playboy, y'a pas de problème. Salut, Cédric. Allez, ciao à toi. À bientôt, bye. Cindy, reste avec nous. Cassandra aussi, on aura Morgan et Douglas dans quelques minutes pour réagir par rapport à toi, Cindy, justement. Et puis bah restez bien là, hein, tous en direct sur Fun Radio, puisque dans quelques minutes, je vous cale le son de. Et Black Pearl Rebel avec Sydney House. Et il y aura aussi mon son préféré, Avicii, Lay Me Down. J'adore, j'ai envie de faire des abdos là. Voilà, bah tant mieux, tiens. Bah, c'est ce qui va arriver dans un instant. C'est Mickaël No Limit en mode 20h minuit toute la semaine sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 Samy. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors que Mickaël No Limit dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exact, et il y a Chanel qui nous envoie un petit message là. Coucou, je vous écoute souvent, vous êtes très drôle. La Guyane kiffe Fun Radio. Bisous de la Guyane française. Oh là là. Ah, on serait tellement bien à faire une petite émission en direct de chez Chanel là, de en la Guyane. Jungle. Oh putain, on serait au top là. Bon, Chanel, si tu nous invites, on vient. Quentin qui dit aussi salut l'équipe, trop fort, on est à 5, on va vous écouter. Ce serait possible d'avoir un spécial message de bienvenue. Bah oui, Quentin, évidemment, en plus d'être en groupe là. Alors attends. Alors, qu'est-ce que je peux te mettre comme petit message de bienvenue? Je vais te. Ah bah celui-là est pas mal déjà, c'est pour l'un d'entre vous là. Et je vous emmerde, je vous exècre. Voilà, qu'est-ce que je peux te mettre aussi ça? Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre puisse porter, t'as compris, enculé? Voilà, il y a ça. T'as commencé à fêter les plans là, va toi faire enculer toi, et je sais pas avec qui t'es, à tous faire enculer maintenant, vous commencez à me bander là. Voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a aussi? Parce qu'il en faut encore deux, hein, vous étiez cinq là. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Voilà, et enfin le dernier. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Voilà, hop là, comme ça je pense qu'on a fait le tour de... On a fait le tour, hein. Oui, là ouais, je pense qu'ils ont été mis bien. On s'est mis pas trop mal. Bon, il y a un message aussi qui est arrivé. Hey, de retour, Attends, c'est Ewi Toli qui dit hey, de retour, je promets de consacrer mes tweets à Mickaël, le seul et l'unique boss, et mon petit off. Oh bah dis donc, oh, tu parles. Merci. N'oubliez pas avec le hashtag Mickaël 20h minuit, hein, n'oubliez pas, on va appeler un gagnant Playboy maintenant là, ou une gagnante, je sais pas, on va voir. Celui ou celle qui décroche maintenant, bah, repart avec les tenues, les sous-vêtements Playboy qu'on vous offre depuis le début de la semaine, enfin depuis hier en l'occurrence. Puisque Playboy est passé nous voir lundi avec plein de cadeaux. Ah oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Ouais, c'est Guillaume. Ça va, Guillaume? Ouais, ça va. Bon, tu veux les sous-vêtements Playboy? Ouais. T'es sûr? Ouais, sûr, 100%. Bon, eh ben, très bien. Tu les as vus sur le Facebook, là? Ouais, j'ai vu depuis hier. Ah bah depuis hier, bah voilà, fidélité récompensée. Bravo ouais, Guillaume. Ouais, eh bah, je suis fidèle là. Eh bah sous-vêtements Playboy pour toi, il y a un rouge et un noir, tu vas être top classe avec toi. Ah merci, en plus c'est moi sur Twitter à qui tu parles. Ah c'est toi. Bah voilà, ouais. Putain, t'as été tiré au sort, t'as vu un peu? Ouais, ah, c'est cool. Pas mal. Bon bah très bien Guillaume. Maintenant je vais rester fidèle tout le temps. Eh bah voilà. Voilà, tu vois finalement, on est bien ici, on est à la maison, on est en famille. Mais ouais. On est en famille. Eh ouais. Bon bah salut Guillaume, allez à bientôt. Hein. Salut, à bientôt. Ciao à toi Guillaume. Bon bah les autres, il en reste encore hein, des sous-vêtements là. Si vous voulez jusqu'à minuit là, vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Surtout n'hésitez pas. Bon, avant de récupérer Cindy, Douglas, Morgan, il y a Jean-François qui est de retour. Ah. Comment va Jean-François? Merde. Et tu regardes un péplum ou quoi? Jean-François m'assiste contre les... Hercule 300. Jean-François, il est dans une gare. Mais il est où? C'est improbable. Jean-François, il regarde un peu. Mais il est en son au cinéma ou il fait quoi là? À moi qui suis au ciné. Jean-François. Merde, attends. Je crois qu'il doit regarder Star Wars. Tu m'imagines à arriver pour l'armée des doux comme ça, ouais, on arrive à Vador. Ah putain, ce serait bon ça. Les doux. Je m'en vais écouter. Oh le Dark Vador du pauvre. On ne devrait pas un us. C'est déjoué. Dark François. Je suis pervers. Ah, je suis... Jean-François. Bon, Jean-François, t'es là ou pas là? Jean-François. Oh là là, il est sourd. Il est sourd. Bon, c'est pas grave. On va le reprendre après, hein, le temps de lui dire là qu'il est en direct à la radio là. Bon, Cindy, en attendant, on va te récupérer là, qui couche avec ton mec 5 fois par jour. Cindy, ton mec en peut plus. Il y a également Douglas de Toulouse. Salut Douglas de Toulouse. Ouais, salut Mika. Eh, hey, salut Douglas à la fraise ou au chocolat? C'est drôle ça. Merci voilà. Michael pour ce coup de poing. Avec plaisir. Ah, bon Douglas, tu voulais réagir à Cindy. Est-ce que toi aussi t'es un chaud lapin comme elle ou est-ce que t'es comme son mec, tu n'en peux plus? Ah non, nous on est des chauds lapins. Ah oui. Ouais, le toi tu peux baiser 10 000 fois par jour. Ouais. Non, en fait, nous ce qu'on fait c'est que souvent le week-end avec une bande de copains on part en Espagne dans les maisons closes. Oh là. Et comme, on passe, des putes. Comme on passe toute la nuit, toute la soirée là-bas, on est obligé de prendre du... Bah moi je prends du Camagra, vous en avez parlé tout à l'heure. Ah ouais, mais attends, mais c'est dégueulasse, comment tu peux prendre ça? C'est quand même super mauvais quoi. Ah, il y a tous les parfums, fraises, bananes, chocolat. Ouais, non, mais je parle pas du goût. Je parle pour la santé, tu vois, il y a vraiment... Non, mais il faut pas en prendre tout le temps, voilà. Non, il faut pas. Un petit délire de temps en temps, voilà. Moi j'ai connu ça en Thaïlande et voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, oui, bon, bah pourquoi pas. Hein. Et alors, du coup, tu vas dans la maison close, mais tu baisses combien de fois par jour alors? Bah, des fois, ça dépend, 3, 4, 5. Voilà, ça dépend la soirée qu'on fait. T'as vu, après aussi, je vais dans les clubs échangistes, tout ça, donc faut être en forme, quoi. Ah ouais, non, bah ça c'est sûr, hein, faut être en forme, ça c'est évident. Mais du coup, t'as pas de meuf, toi? Non. Bah non, il peut pas tout avoir non plus. Ah hein. Bah on sait pas, attends. T'imagines, tu vas dans les maisons close, il doit revenir à la maison et lui remettre une cartouche. Je te rappelle qu'il y a un mec tout à l'heure, il a déjà trompé sa meuf 40 fois hein, qu'on a eu au téléphone là. Ouais, mais c'est pas. Ah bah il sait pas. Non mais je veux dire, c'était pas l'une derrière l'autre. C'était pas l'une derrière l'autre. Non, c'est vrai. Ah ouais, bon. C'est vrai, 40 fois c'est chaud. Donc du coup, à la limite, t'aimerais bien être à la place du mec de Cindy quoi en fait en gros. Ah ouais, bah moi je peux le remplacer s'il veut. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Ah mais t'inquiète pas, qu'il y a plein de gens hein, Cindy hein, qui peuvent remplacer ton mec si tu veux hein. Mais je m'inquiète. Ah oui, il suffit de demander hein. Ah bah oui, moi je suis disponible hein, s'il faut mettre un petit coup. Juste pour Douglas, en fait, t'es pas un vrai mec qui défonce en fait, si tu prends des produits dopants. T'es pas un vrai sportif. Ouais, mais bah, c'est... Si, quand même. Ah bah non, t'es dopé, ah bah non, mec. C'est comme les mecs qui se dopent, c'est pas les vrais... Bah attends, les cyclistes, on dit que c'est des sportifs, alors que bon, y en a pas un qui est pas sous quelque chose, quoi. Tout ce que tu viens de dire n'engage que toi, Toff. Non, bah ça n'engage que moi. Ouh là là, oui, monsieur Toff. Eh oui. Alors attends, il y a aussi Morgane qui est avec nous, là, de Sifour, dans le Var. Salut, Morgane. Allô. Ça va bien, Sifour? Ouais, bah depuis le temps que j'attends, je suis à Marseille, maintenant. Ah. Ah bah oui, mais enfin bon, bah, écoute. Attends, t'attends depuis combien de temps? 3 minutes, t'es pas sérieux Morgane? Bah non, c'est pas vrai, ça fait je veux dire, je t'ai appelé, j'étais à Toulon, j'ai eu le temps d'aller jusqu'à Marseille. Mais oui, mais oh oui, là. Mais oui, l'exagération marseillaise, va dire. Elle est là l'exagération marseillaise, tiens. Bon, alors ouais, Morgane, toi tu nous appelais aussi par rapport à Cindy, est-ce que toi aussi t'es un chaud lapin? Est-ce que t'es demandeur ou est-ce que bah comme son mec bah 5 fois par jour, à un moment tu peux plus quoi? À la base, c'est un demandeur, je suis un mec, j'aime le cul, c'est normal. Bon, ok. Mais une fois, je tombais sur une meuf, elle en demandait trop. Ouais. Mais trop, vraiment trop, c'était une dalleuse. D'accord. Genre à coup de... Mais Cindy, ça devait être un jeu d'enfant à côté. Ah elle ouais. a tenu 3 semaines après, elle a giclé. Quand elle on a baisé, giclé, oui, il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. C'est même pas moi qui l'a baisé, c'est elle qui me baisait. Ah ouais, non, elle te violait à partir d'un certain moment. Ah ouais, ouais, elle avait un espèce de clic-clac là, parce qu'elle avait un petit studio. Ouais. Genre, on dépliait le clic-clac, on se calait et tout, elle et moi. Elle me sautait dessus. Le clic-clac, il était genre au bord de la terrasse. On finissait dans le couloir quand même. Avec le clic-clac. Putain, mais attends, mais la meuf, mais ça devait être, c'était une dingue. Non, mais la meuf, elle avait un problème dans sa tête, non? Bah, c'était une dalleuse, elle avait faim. Enfin, c'est plus que faim, là. Oui. Bah, c'est ça, mec, hein. Des fois, tu tombes sur des folles, il y a de tout, hein. Elle avait pas faim, elle avait surfaim, là. Ah ouais, effectivement, t'es une petite joueuse à côté, Cindy, hein. Donc bon, pas qu'elle s'inquiète non plus. Après, moi, je veux dire, maintenant, j'ai une gonzesse. Comme elle disait, je sais plus qui, il est à tout à l'heure de Marseille, 3 fois par jour, quand on habitait ensemble, ouais, on faisait 3 fois par jour, matin, midi et soir. C'est correct. Moi, je trouve, bah écoute, peut-être que je dois être, fois par j'en jour, sais rien, moi, je trouve ça beaucoup, ça beaucoup, moi. Ouais. Ouais, je dis pas encore une fois, je me répète pour ceux qui arrivent, si c'est en mode c'est une nouvelle meuf, c'est en vacances, c'est pour un week-end, enfin j'en sais rien. Vous avez des gonzesses, vous habitez avec? Bah oui, enfin oui, moi c'est pas particulier parce qu'on est pas dans le même pays, mais je veux dire. Mais si t'habites avec elle, enfin tu vois, avec tous les jours, 3 fois par jour, il y a un moment tu te lasses quoi. Bah, après il y a peut-être un jour où tu te loupes, mais ouais, je sais pas, moi ça me paraît bizarre quoi. Même si c'est un jour où tu te loupes, à la limite, mais non, t'es mais presque y a peut-être un jour où tu sautes, mais ouais, tu la sautes. Ouais, tu la sautes. Mais c'est mais... les plaques vaseuses. Attends, glace doux. Parce que je préfère le mettre le glace doux. Doux non, parce que c'est un doux donc. Ouais. Dis-moi, t'as quel âge? 24 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais peut-être, ouais. Non mais peut-être, dites-nous les autres, combien de fois, alors on va faire un truc, c'est pas plus compliqué que ça, sur le Twitter, sur le Facebook, et vous appelez avec le hashtag Mickaël 20h minuit, dites-nous pour vous, quelle est la moyenne par semaine où vous trouvez raisonnable de faire, ou c'est bien, c'est pas trop, c'est pas trop peu, c'est quoi pour vous la moyenne? Voilà, où vous vous dites, ah, c'est pas mal là, comme ça c'est une bonne moyenne. Une moyenne par jour et une moyenne par semaine. Non, je veux une moyenne par semaine, démerdez-vous, si c'est trop par jour, 14, là, vous avez qu'à calculer. 14 fois par semaine. Ouais. 14 fois par semaine. À raison de 2 fois par jour, ça va. Tu nous dis que 3 fois c'est énorme, c'est trop, et 2 bon, fois, deux ça, fois va. Ça va. Alors 2 fois c'est bien. Matin et soir, comme un médicament. Comme un médicament. Le matin, soir, matin tu te lèves, t'as une trique pas possible, mais tu oui, lui mets une cartouche. D'accord. Et le soir avant de dormir, voilà, une autre petite cartouche pour bien dormir. D'accord. Ça je suis d'accord. La petite cartouche pour bien dormir, je suis d'accord. Oui, oui, ça je dis pas le contraire. Et toi Morgane, tu dirais combien? Bah ça fait 7 et 7, 14, ouais c'est ça, parfait. 14, d'accord, ok, très bien. Bon bah dites-nous les autres, hashtag Mickaël, vous nous appelez. Et puis sinon, vous nous appelez. Vous écrivez sur le Twitter et sur le Facebook en tapant Mickaël officiel également pour nous rejoindre. Et puis sinon avec le standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon bah Morgane et Douglas, merci d'avoir appelé en tout cas. Je vais devoir vous laisser, attends juste un truc Mickaël. Ouais, j'adore votre Morgane. Radio, vous avez fait de la patate. Par contre, juste un truc Mickaël, sur dis-moi. Tes photos. À chaque fois, tu fais genre un petit signe de la main avec une tête bizarre. Juste, essaye d'être un peu plus naturel sur tes photos. Voilà. Bah, tu sais, quand je suis naturel, on me dit, ah, t'es toujours naturel. Quand je fais des grimaces, on me dit, ah, tu fais toujours des grimaces. Quand je fais un sourire, tu fais toujours un sourire. Donc, tu vois, au final, je fais toujours le mec avec la petite grimace en pointant du doigt. À chaque fois, je suis mort de rire. Bah, non, c'est faux, je fais pas toujours ça, figure-toi. Mais non, c'est pas vrai. Non, non, sérieux, hein, vraiment. C'est peut-être parce qu'à mon avis, tu fais une fixette là-dessus. Ouais. Et du coup, dès que t'en vois une, tu te dis, putain, c'est toujours les mêmes. Il est amoureux de toi. Ouais, ça doit moi pas. Bon, ben en tout cas, merci Morgane, merci Douglas. À bientôt. Salut à toi, ciao. Ouais, salut. Et Cindy, bah, gros bisous à toi. Merci aussi d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. Je peux juste dire une chose. Non, pas du tout. Non, je plaisante. Dernière chose. Voilà. Dis-moi. Donc en fait, je trouve donc Toff beau gosse. Ah, donc t'as de la merde dans les yeux alors. Mais non. Cindy, moi je te kiffe. D'ailleurs, je lui ai envoyé une photo donc sur sa boîte mail. Mail. Et d'ailleurs, donc je pense que vous allez me reconnaître parce que je suis donc Cindy, la barman du temple de Épinal. Ah oui, là on vient au mois de juin. Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Et donc, tu trouves Toff beau gosse. Alors là, par contre, là. Moi aussi, Cindy, je te trouve beau gosse. Ça, c'est gosse. Improbable. Mais c'est ça se trouve, elle confond avec. Et si, vous êtes trop méchant avec lui. Merci, Cindy. Mais on n'est pas méchant, et encore, tu te rends même pas compte. Tu on dit même pas le quart de la moitié du millième de la vérité. Cindy, on fera un gros câlin quand on se verra. Oh, génial. Ah, j'ai hâte. Mais quelle horreur. Oh, quelle horreur. Je t'embrasse fort, Cindy. Quelle horreur. Oh, quelle horreur. Enfin bon. Oh, écoute, t'as le droit d'avoir mauvais goût, c'est pas grave, hein, ouais. Cindy, je t'en veux pas, on viendra quand même au temple. Ouais, moi, je t'aime, bah, voilà. Cindy. Bah voilà. Bon, bah salut, Cindy. D'accord, je peux faire une dédicace? Bon, bah vas-y, il y a une seule personne, je dis la bonne. Voilà, donc je fais une dédicace à ma cousine qui va se marier donc, au mois de juin. Très bien, et bah, voilà. Tous ceux qui m'écoutent. Et bah le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut, Cindy, à bientôt. À bientôt. Ciao. Et on va également prendre... où est-ce qu'il est? C'est... Je l'ai perdu, dis donc. Bon, mais c'est pas grave. Il y avait une fille qui était là pour parler des sextapes. C'est pas grave, on l'a perdu. C'est pas grave. Il y a Sophie qui dit, moi, pour moi, deux fois par semaine, ça suffit. Laura qui dit trois fois par jour. Ah ouais, quand même. Il y a Ewe Toulier aussi qui dit, par semaine, je dirais 5 à 7 fois au moins. Mais on ne vit pas ensemble. Oui, voilà. Après, c'est peut-être aussi des trucs différents. Eric qui dit une fois par jour, c'est l'idéal. Il y a quoi aussi? Steph qui dit, moi, je suis petite joueuse. Mais je pense que 4 ou 5 fois par semaine c'est bien. Mais c'est pas petite joueuse non plus. Non, 4-5 fois par semaine c'est pas mal. Hein, et vous rendez pas compte que la moyenne n'est. Mais alors vous êtes hyper loin de la vérité. Hein. Hyper loin de la réalité. Ça c'est les films de cul qu'on a mis ça dans la tête des gens. Il faut défoncer, il faut se faire. La moyenne, c'est ce que je te disais. Une fois par jour avant 30 ans, deux fois par semaine après de 30 à 50, et au-delà de 50, c'est une fois par semaine. Voilà, donc vous êtes quand même vachement loin de la réalité. Benjamin qui dit, Mickaël, je sais pas, je suis doux. Ah oui, bah forcément, tu vas pas savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Nicolas qui dit 4 fois. Il y a Jordan qui dit, je dirais peut-être 9 fois par semaine quand même. Putain. Wrecking Ball qui dit 2 fois par semaine. La Fratrie Alba qui dit 2 fois c'est bien. Et une petite pipe entre les deux. Ouais, je suis d'accord. Ouais, voilà, là, pourquoi pas. Jordan qui dit, vous êtes ma deuxième famille, je vous aime trop. Pour ne plus vous écouter, vous êtes comme une drogue. Bref, je vous aime. Gros bisous l'équipe. Merci Jordan. C'est très gentil des messages comme ça. Continuez avec le Facebook à taper vos messages et Mickaël officiel évidemment. Et puis on devrait récupérer Jean-François. Jean-François! Oui, Mike. Ah! Eh ben, on était... Eh ben, très bien, mais on était inquiets, Jean-François, là. Plaisir de t'entendre. Comment? Je t'écoute tous les jours, je t'écoute. Ah, bah oui, parce qu'on a essayé de te prendre à l'antenne, là, on a eu un son de film. Oui, t'es où? Oui, c'est une longue histoire. Je suis allé faire pipi et. Ah, bah oui, grosse histoire. Et le téléphone est resté en haut? Le téléphone était rassemblé en scène, t'as regardé le film. Jean-François, tu regardais quoi? C'est sur c'est un film intéressant. C'est sur la 17. C'est sur Penthouse TV. Mais c'est quoi? C'est un film sur quoi? C'est un péplum. Un péplum. Ouais. Oui, si tu veux. Bah non, je veux pas. Je veux savoir ce que quoi, c'est. Sur, c'est un film de cul. Non. Ah le cul, moi ça m'intéresse. Hein, le cul. Comment ça va? Attends. On est en train de regarder ce que c'est comme film. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, il a déjà tué. Il devrait y avoir un Shazam pour le Mike, télé. Mike. Ouais, attends une seconde, Jean-François. Mais non, n'y va pas, tu vas te faire buter, pauvre con, là, ouvre pas la porte. Oh, qu'il est con. Oh, mais qu'il est con. Oh, qu'il est con. Bon, je sais pas ce que c'est comme film. Bah, en même temps, c'est programme de nuit, donc. Ah, c'est programme de nuit, déjà, 23h, ils vont dormir bientôt. Attends. Ah, bah ouais. Bon, alors. Bon, Jean-François. Oui. Bon, tout va bien? Mec. Ah ben tant mieux alors. Bon, c'est wanted, recherché mort ou vif. Ah génial. Ça peut pas aller mieux. Ah bah tant mieux. Eh si ça peut aller mieux parce que dans un instant il y a Crystal et Vanessa qui vont arriver là. C'est vrai? Oui, ouais. Elles viennent pour toi, là. On vient de les avoir au standard, le temps de les rappeler, on te reprend après. Tu me reprends après, hein? Oui, je te reprends dans 4 minutes, tu restes là? Oui, tu me rappelles? Non, reste là, on et arrive. Dans 4 minutes, je te reprends l'antenne. D'accord. Ne bouge pas, ne bouge Mike. Pas, ne bouge pas, Jean-François, reste avec nous. On va se mettre le son de Black Pearl aussi dans quelques minutes avec Rebel, Sydney House. Et puis on aura aussi, bah, comme promis, le son d'Avicii, Lay Me Down. Ça c'est du lourd et ça va arriver sur Fun Radio, restez là. Et puis Jean-François aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, bah bougez pas vraiment parce que bougez pas. C'est voilà. Du lourd. Vous êtes du très lourd. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit sur Fun Radio. Préparez-vous à passer des vacances de ouf. Téléphone radio. Mickaël No Limit. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, continuez, restez là. On est sur Fun Radio jusqu'à minuit. Il y a Christopher qui dit, et lui je pense qu'il a bien résumé, il n'y a pas besoin de compter, le principal est d'avoir envie au moment où on le désire. Ouais, donc c'est... pas besoin de compter, c'est selon l'envie. C'est vrai Christopher, et ben effectivement je suis plutôt d'accord avec toi. Restez avec nous, dites-nous bah, pour les autres, combien de fois pour vous c'est l'idéal en termes de par semaine hein, combien de fois pour vous c'est l'idéal de faire l'amour par semaine. Vous nous dites ça, hashtag Mickaël 20h minuit. Vous nous appelez aussi au 01 42 48 5000 et au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et restez bien sur Fun Radio, 23h08, le retour de Jean-François. Dans quelques minutes, il y aura Vanessa, il y aura également Crystal, il y aura vous toutes et vous tous. On est là jusqu'à minuit. Vous nous appelez, n'hésitez pas si vous écoutez Fun Radio pour la première fois. Évidemment, vous êtes peut-être là par hasard, mais quoi qu'il en soit, vous avez bien fait. On est là de 20h à minuit toute la semaine sur Fun. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit sur Fun Radio. En direct, c'est 23h12 sur Fun Radio. Allez hop, bienvenue si vous venez débarquer. Il y a Wrecking Ball qui a envoyé un message qui dit est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Bah oui, si tu veux, on fera encore deux appels d'ailleurs avec Toff tout à l'heure. Alors, un petit message de bienvenue, qu'est-ce qu'on va mettre? Pas mal. Faites chier la femme. Oh. Bon. Non mais alors qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Mais oui, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ferme-la, tu as même pas le droit de parler. Voilà. Et Sabrine aussi, je viens de tomber sur votre programme. Sympa l'équipe. Gros bisous à tous. Ben merci Sabrine. Et puis alors d'habitude on est là de 23h à 2h la semaine et le week-end, enfin le dimanche de 20h à minuit. Hein. Là on fait, là on a loué la tranche. Là. comme des vacances, comme une maison de vacances. Tu vois, on a loué la semaine. C'est cher. Mais, hein. Voilà. Ah ouais, bon, je te confirme. Bah 23h 2h c'est notre horaire normal Sabrine, comme tu viens de débarquer, comme ça tu pourras nous suivre et 20h minuit le dimanche. Mais on doit rendre les clés ce soir. Ah ouais, on doit rendre les clés, puis il faut nettoyer en plus, hein. Fait chier, hein. Mais c'est pour Toff. Ouais. Voilà, il passera la balayette. Avec sa brosse sur la tête. Exactement. Léo Bill qui dit putain de sa race, vous êtes trop fort, vous tuez tout le monde. Bah c'est gentil Léo Bill. Et encore, t'as pas entendu Jean-François. Bon, Jean-François, t'es là? Oui. Ah très bien. Bon, tu vas bien Jean-François alors, hein? Impeccable. Bon bah tant mieux. Eh, ça tombe bien, on je a. Peux pas aller mieux. Tant mieux. Eh bah tant mieux parce qu'en plus il y a Crystal qui est avec nous là. Bonjour. Allô Crystal. Oh. Quelle cochonne cette Crystal. Bonjour, chérie. Mais oui, je parlais de toi hier justement. Qu'est-ce que tu me manquais? T'en as de la chance. Ça faisait longtemps là. Hein. Ah bah oui. J'avais tellement envie de toi. Bah, moi aussi j'avais envie de toi. Oh mais j'avais envie que tu me démontes le cul. Tu te prends en oreille? Ah oui, prends-moi par le cul. Je te prends par le cul. Ah oui. En oreille. Ah oui. Ah ce serait trop bien, Jean-François. Ça m'excite. Ah oui, ça m'excite complètement, je mouille déjà. Tu mouilles là? Ah oui. Oh ma chérie. Ah oui, oh Jean-François, comment dis ton nom. Comment t'as appelé aujourd'hui? Oh ça a été. Ça a été, mais je rêvais de ta grosse bite horreur. Qui me défonçait. Elle mesure combien? Combien elle fait? Combien elle fait ta bite? Jean-François. 18 centimètres. Ah oui, ah, je me souvenais bien. 18 centimètres. Ah oh là là, qu'est-ce que j'aimerais la sentir. Ah, oh, dans mes petites fesses. Ah, oh, dis-moi ton nom. Jean-François. Ah, oh, ça m'excite. Ah, dis-le encore. Je vais baisser mon pantalon. Ah oui, baisse ton pantalon, baisse ton caleçon. Je baisse mon caleçon. Ah oui, sors-moi ton engin. Je sortir un engin. Ah oui, que tu me la bouges. Ah, ça y est, dis. Oh, est-ce qu'elle est dure? Elle commence. Ah, oh, branle-toi, Jean-François. Mais je me branle. Ah, branle-toi mieux. Et dis ton nom. Dis ton nom, ça m'excite tellement. Passe-moi la caméra, passe-moi Vanessa. Oui, je te passe Vanessa, elle est là. Vanessa! Oui! Ah, viens Jean-François au téléphone, viens vite! Oh, pourquoi m'a rien dit? Ah, mais il est là! Allô? Allô? Oui, salut. Vanessa? Ça va? Et toi? Bah très bien, tu m'as manqué, tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est plus eu au téléphone. Oui. Mais oui. Là, je suis en train de me branler. Là. Non. Déjà oui, comme ça, là, à sec. À sec. À sec, d'accord, ok, très bien. Elle est grosse, hein, elle est ah grosse. Oui, elle est énorme. Tu veux que je te prenne en levrette? Oui, ah bah bien sûr, deux fois. Ah oh, oui, pour nous toutes les deux. Mais donne ton prénom, d'abord, ça nous excite, donne ton prénom. Jean-François. Encore. Plus fort. Jean-François. Encore. Oh oui, plus fort. Jean-François. Encore. Oh oui. Jean-François. Oh Jean-François, j'en peux plus, vas-y. Vas-y. Si tu avais dans la bouche. Oh oui, mets-la dans ma bouche, fais-moi écouter. Oui, vas-y, fais-nous écouter. Fais-nous écouter ta bite. Tu veux, t'avales tout. Oui, j'avale tout, mais fais-moi écouter ta bite. Oui, ça fait écouter. Ah, c'est dégueu. Ça t'excite. Oh, oh, oh oui, là, tu n'imagines pas. Oh là là, j'ai le cri tout dur. Ah oui, on est magnifique. Oh, c'est magnifique. Tu devrais voir Crystal, elle est comme une faune. Oh, je suis chaude. Je suis toute nue, je me caresse les tétons. Tes tétons sont durs. Oh oui, ils sont tout durs. Mon clito est tout dur. Tout est dur. On est seins nus, là, Jean-François. J'ai plus le cas où prendre toutes les deux. Oh oui. Oui. Tu nous fourres chacune à notre tour. Qu'est-ce que tu veux nous faire? Moi, d'abord, je fais missionnaire. Ah oui, on va se faire chier. Alors d'accord, mais vite fait alors. Hein. Vite fait le missionnaire, mais après tu nous bourres en levrette. Après te bourre en levrette. Oh oui, tu me démontres le cul. Oh oui. Mais non, faut mes fesses. Encore, mais donne ton prénom, Jean-François. Et plus fort. Jean-François. Plus fort, continue. Jean-François. Encore continue. Plus fort. Jean-François. Oh, oui. Continue. Jean-François. Oh, encore. Oh oui. Jean-François. Encore. J'ai joué Jean-François. Encore. Jean-François. Jean-François. Oh oui. J'ai joué Jouissez les filles. Oh, déjà. Jouissez. Oh oui. Oh putain, on avait Alexandra là, qui est arrivée là. J'en devrais dans ton anus. Ah bah oui, mais si t'as fini, t'as déjà joué. Ouais, j'ai joué là, ça y est. Love in Fun est en vacances. Mickaël nos limites. Mickaël prend le contrôle de 20h à minuit sur Fun Radio. Bon bah Alexandra, désolé, hein, t'es arrivé trop tard. T'es arrivé trop tard, ma chaîne. C'est pas grave. Et il a... ce que j'adore, attends, je t'interromps comme... Alexandra, mais ce que j'adore avec Jean-François, c'est qu'une fois qu'il a fini de se branler, il raccroche et on l'a plus jusqu'au lendemain. Oh, il est bon lui. Non mais je vous adore, déjà parce que je voulais aussi dire que je suis pas là que pour Jean-François. Des fois j'aimerais prendre aussi la parole auprès de vous. Et oui, mais on préfère quand t'es là pour voilà. Jean-François. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, il y a Cali qui dit mort de rire, moi je suis plié, bon sang. Il y a Antonin qui dit putain, je suis plié, faut arrêter là. Dites-le à Jean-François, il ressemble à quoi en vrai? Bon, on sait pas, on préfère pas savoir. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, il y a Valou qui dit aussi, il démarre en quart de tour, Jean-François, c'est incroyable. Et Nadia qui dit ah bon, bah Jean-François, le cul ça t'intéresse? Je pensais que tu étais passionné de philosophie. Et oui, peut-être. Et effectivement, oui, c'est possible. Bon, Alexandra, tiens, c'est je vous adore. Bah, c'est gentil, et Alexandra. Pour c'est toi, toujours là, c'est toujours à l'écoute parce que je suis un peu seule. Si j'ai mon compagnon, mais et j'ai reçu votre pack fun. Et ben tu vois, et lequel est le plus beau, Alexandra? Lequel est le plus beau? Alexandra, Alexandra. Oui. Oh là là, putain, moulin de parole, Alexandra, on peut pas en placer une là. Oui, écoute, je disais lequel est le plus beau. Toi. Oh, ouais. Merci Alexandra. Évidemment, Mickaël, tout le monde le sait. Oui, merci. Mais putain, t'es un putain de beau gosse. Non, mais je te remercie. Moi-même, parfois, tu veux, je me branle en me regardant sur des cartes postales. Mais oui. Les autocollants, j'en ai collé un sur ma petite lampe à côté. Ah ouais, Toff, il en colle un sur sa bite. Oui, tous les matins. Exactement, non, oui. Toff, je l'adore aussi. Oh, quelle horreur. Il adore Polo. Mais Polo, c'est une autre histoire. Oh oui, c'est sexuel. Pour d'autres choses. Pourquoi? Je sais pas. Il a un rire que j'aime, qui me ressemble. T'es amoureuse. Tu t'aurais pu dire que j'étais beau gosse là. L'autre, elle me trouve bien. Mais parce que j'ai un Polo, il est gentil. C'est vrai que ça, il a une tête un peu bizarre. Mais je l'aime aussi. Ouais, il a une tête un peu bizarre. Mais toi, Mike, je peux me permettre de te demander quelque chose? Bah vas-y toujours, hein. Quel âge tu as? Oh, j'ai 23 ans là depuis non, depuis samedi dernier. Non, si, 23 mais si. J'ai 23 ans. Sérieux? Mais bah, oui. Wow. Je suis en 91. Putain. Moi, je suis en 76. Non, bah là, on n'est pas du même âge, là, on peut pas, là. Bah, j'ai 37 ans. Hein. Ah, bah, alors, Toff, il est plutôt dans le même âge que toi, ouais, genre. Voilà, moi, c'est pas 33, voilà. 34. Et Polo, il a quel âge? Lui, il a 23 et demi. C'est comme sur Fun Radio. Mais on s'en connaît depuis l'école. Mais non, mais 23. Quelques années. Mais non, mais c'est faux, 23, et lui, 23 et demi, et Toff, il a 33. C'est le grand-père, Toff. Bah oui, moi je suis le doyen de l'émission. Le doyen, ouais, exactement. Du plein de gros bisous. Bon, ben ça marche. Aussi, mais... gros bisous aussi, Alexandra. Non, je sais pas. Tu sais que t'as un air de cavalier sans les cheveux. De Kay Valence. Kay Valence. De Kay Valence. Ah, j'ai dit Kay Valence. De Kay Valence, très bien. Bon, écoute, merci. On m'avait déjà comparé à George Clooney, mais tant pis, je prendrai Kay Valence. Ouais, mais il est mimi comme tout. Non, par contre, on m'avait comparé déjà à Leonardo DiCaprio. Ouais. Ah putain, temps. Hein. Ouais, mais sinon, il y avait Mario de la Starac aussi. Ouais, mais va te faire enculer. Voilà. Bon, Alexandra, ben, je te repasse son mot parce que vous avez beaucoup de trucs à vous dire. Oui, mais je vous fais plein de gros bisous, les garçons. Martin, ça bonnes vacances. Ça roule. Merci beaucoup, Alexandra. Je te repasse Sandro maintenant. Gros bisous. Oui, il y avait Ricky Martin aussi. Bah, je préfère ça que Mario de la Starac. Hein. Ah ouais. En termes de ressemblance. Bah oui, clairement, évidemment. Attends. Bon, dos, allez. Stress. On passe. Maria. Bon, allez, Avicii, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. C'est un de mes sons préférés pour l'instant sur Fun. Écoutez, si c'est la première fois que vous l'entendez, et ben donnez-nous votre avis. On l'écoute. C'est Lay Me Down sur Fun Radio. Qu'il est énorme le son d'Avicii, Lay Me Down. Ah putain, il fait plaisir celui-là. Oh, on a dansé, on a fait de la gym. Non mais j'adore, franchement j'adore, il est vraiment au top. Bon, il y a Maïté qui dit vous êtes une bande de ouf, mais qu'est-ce que ça fait du bien, longue route à vous les Jones. Je suis curieux de voir ton âge, Maïté, là, pour dire Jones. Il y a Wrecking Ball qui dit moi je préfère écouter Mickaël que de regarder la télé ou de tirer mon coup. Alors, c'est bien ça. Sabrine qui est née aussi en 91. Très bien Sabrine. Et DJ Mickey avec Christelle et Jean-François, c'est que du cul tous les soirs. Non, c'est une fois par semaine en général. Hein. Une fois oui, par semaine. Oui, pas plus, sinon après on se lasse. Voilà, il y a Xavier aussi. Oh non, Jean-François qui va encore se branler en live, trop dégueu. Bah il l'a fait. Hein. Et Jordan qui dit je vous écoute depuis quelques temps avec des potes, on se pète des barres avec vous, vous êtes juste énorme. Merci Jordan et salut tes potes également. Et Coralie, moi je dis 10 fois par semaine c'est très bien avec des petites gâteries à côté. Ouais, c'est pas mal. Ouais, 10 pas fois c'est déjà beaucoup. Mais hein. C'est déjà pas mal 10 fois par semaine, hein. C'est déjà pas mal du tout même. Bon, puisqu'on en a eu un, autant prendre l'autre. Hein. Gilou. Gilou. Allô Gilou. Comment ça va Gilou? Oh, comme un jeune homme. Oh, bah dis donc, ça faisait longtemps qu'on t'avait plus, Gilou, on est content de t'avoir, là. Bah oui, mais tu sais, on fait pas toujours comme on veut. Hein. Ah bah je sais bien, alors pour ceux qui connaissent pas Gilou, alors Gilou, c'est celui-là. Hein. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de... Voilà, c'est ça. Quand on historique, on va jouer tous les deux, la marelle. Voilà, voilà, etc, etc. Eh, voilà. Gilou, est-ce que tu peux me faire un baiser à la coque? T'as vu ce que je t'ai dit? Demande Alexandra. Ah bah attends. Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Bon, alors Gilou, je te présente Alexandra, du coup, comme JF a été un peu rapide là. Alexandra, Gilou, Alexandra. Salut Gilou. Bonsoir Alexandra. Comment vas-tu? Oh, comme un jeune, en pleine forme. Eh ben, c'est bien. Tu pourrais me faire un gros bisou à la coque? Ah, mais moi je te fais plein de gros bisous partout si tu veux. Oui, mais à la coque. Bah, à la coque, il n'y a pas de souci, je te le fais aussi. Tu sais le faire? Oui, je sais le faire. Comment tu t'y prends? Ah, bah, il y a plusieurs façons de le faire. Tout le monde ne connaît pas. Hein. C'est pas la même. Voilà, tout le monde ne fait pas la même façon. Alors, comment ça te plaît à toi? Ah, ben moi, j'aime bien tout partout. Moi, tu sais, je suis pas délicat, moi. Ah, ben moi non plus. Qu'est-ce que tu aimes chez les hommes? Moi j'aime tout chez les hommes. J'aime quand on me prend le vrai. J'aime quand c'est bien dur. J'aime... Bien, on continue. Oh putain, on a les deux d'affilée là. Heureusement qu'il m'a dit au standard court, hein, parce que ouais, je dois y aller. J'ai toujours envie, moi. Mais comme moi, hein, c'est bien tombé, oui. Alors. J'ai entendu tout à l'heure que tu étais seule. Ben oui, mais j'ai un compagnon, mais je me sens seule sur le point sexuel. Voilà, ah bon, et, ah bon voilà. Non, moi, ce qu'ils font, là. Compagnon, là, attends. Oh, il est dans la télé. Pff, oh, et moi je suis toute mouillée. Ben moi aussi je mouille. Voilà. Tu aimes le sperme, non? Pardon? Tu aimes le sperme? Oui, j'adore ça. J'aime l'éjaculation faciale, j'aime tout. Oh mais quelle horreur! Quelles sont tes mensurations? À peu près, et pour que je devine comment tu es. Ils volent les... Ouais, ouais. À peu près, quoi. Tu les connais pas? Pardon? Les mensurations. Alors, c'est 90 B? B ou C? Ah oui, c'est intéressant. Mais, ah bah alors, moi qui aime, je vais te souffler dans les seins. Il y a Maëva qui dit n'oublie pas qu'il y a des doux qui écoutent. Coupez la radio, revenez dans 5 minutes les doux. Ouais. Allez, prendre une douche. Tu allez, vous lavez, brossez-vous les dents. Allez. Les Espagnols aussi. Bien sûr. Ils sont poires, sympas. Et la taille, c'est combien? La taille, 38. Ouais. Ah, c'est petit, c'est gentil, ça, c'est mignon. C'est petit, c'est gentil. Et oui. Oh, j'ai des belles hanches, bien. Tu pourras ouais. bien me prendre par les hanches. J'ai les os qui. J'aime bien qu'on prenne en levrette. Tu t'es déjà fait poser le gaz? Non. Tu me suis déjà fait quoi? Poser le gaz. Ah oui, bien sûr. Ouais. Tu connais l'expression aussi, hein? Mais t'as beaucoup d'expressions qu'il faut un peu analyser, hein. Particulière. Bah c'est fait pour ça, hein. Ben oui. Des fois, va droit au but, c'est plus facile. Droit au but, c'est aller dans la turbine à chocolat, hein. Alors. oui. T'inquiète pas, je me suis fait poser le gaz, l'électricité et tout ce qui va avec. Alors, t'as un compte. T'as le compte en bleu maintenant. Ouais, j'ai heureusement qu'il a dit en antenne. Bon, je vous dis juste bonjour vite fait, j'ai pas le temps. Oui. Comme il faut. Bon, ben tu pourrais me rappeler, tu dis à Mika ou à Sandro que tu lui dis qu'elle te donne mon numéro. Hein? Et puis moi, là, tu veux pas un peu te. Non, là, non. Non, bah sinon, après, on vous rappelle, hein, Alexandra et Gilou. Hein. Ouais, non, moi, je voudrais faire l'amour en dehors de. Je sais bien que c'est les meilleurs qui passent sur Fun Radio. Ah, hein. Bah, bien sûr, bah, c'est pour ça que t'es là, Gilou. Hein. Et après nous, il n'y a plus personne. Hein. Ah, bah, c'est ça, évidemment. Hein. Ah, bah, non, bah, ça, c'est sûr. Hein. Mika et toute l'équipe, c'est les meilleurs. Eh bah, ben oui. Et il y a Devers45 qui dit oh, ce petit Gilou demande à toutes les filles de faire un bisou à la coque, mort de rire. Oui, et Lucas Kli, je suis tombé par hasard sur vous à la radio. Je vous écoute depuis quelques jours. Franchement, vous êtes au top. Ah, bah, merci beaucoup, Lucas. Et alors, Free89 qui dit je découvre Gilou en direct. Eh, bah, il est là. Et alors, Abdou qui dit ah, le taulier Gilou est là. C'est moi. Eh oui, c'est toi. Et voilà, c'est toi le taulier, Gilou, évidemment. Ouais, le vrai, le seul, l'unique. Totalement. Le taulier, c'est toi, Mika. Non, c'est Gilou. Bon, c'est Alexandra. Bon, ouais, tout le monde va se faire la politesse. Ouais. Gilou et Alexandra, bah, passez un bon week-end. Hein. Ouais. Ben, vous aussi, et puis toute l'équipe, passez de bonnes vacances. Merci beaucoup, merci Alexandra. Alex. Gros bisous à toi. Bon, ben voilà, comme ça, vous avez rencontré Gilou, notre star. Je te sucerai le sang et tout. Eh oui. Oh, arrête, tu me fais manger. Eh oui. Oh, tu aimes le sperme? Voilà, c'est tous ces petites. Il n'y a pas de verre au cul, non? Non, bah, il n'y a pas de verre au cul, non. Ouais, moi, comme j'ai branlé 3-4 fois, c'est tout. Hein. Bah, c'est tout. Et puis le célèbre. Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque? Il y a le gaz, il y a le gaz. Eh bien, bien sûr. Tu aimes te faire poser le gaz? Voilà, exactement. J'avais celle-là aussi. Je ne vais pas te serrer trop fort. Si je te serrai aussi fort que je t'aime, puis je te ferai chier comme une vache. Toute la grande classe. Bon, allez, restons dans la classe. On va donc faire les derniers appels de Toff, hein, du jour, hein, et même de la semaine d'ailleurs. Oh. Eh oui. Bon, on y va donc, puisqu'on s'est rendu compte que 47% des Français ont déclaré donc avoir déjà tenté de reproduire une scène de film de cul. Voilà, à la maison, à la tranquille. Maison. Donc on appelle les numéros que vous nous avez envoyés depuis tout à l'heure, hein, sur le mail de Toff, toph@fanradio.fr. Et on y va, c'est parti, on appelle maintenant et on prendra. Ah bah maintenant juste après il y aura aussi Benjamin, Dimitri, Kevin pour parler du nombre de fois où vous faites l'amour par semaine. Oui allô. Oui bonsoir madame. Bonsoir. Oui bonsoir, voilà en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà essayé de reproduire une scène d'un film porno. Ah, c'était rapide. N'a pas l'air très ouverte à la discussion ni au dialogue. On rappelle donc des fois qu'il a fait une mauvaise manipulation, bien sûr. C'est possible. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Et alors? Ben, en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà essayé de reproduire des scènes d'un film de cul, monsieur. Et ta mère, elle me suce des bites? Je vois pas le rapport avec ma mère, monsieur. Ta mère, elle suce des bites. Oui. Bon, on va le rappeler, hein. Oui. Oh là, c'est quoi ce truc? C'est un fax. Oui. Ta mais... Oui, allô. Ah bah voilà, ça n'ira pas plus loin. Bon, bah très bien. Juste amer, c'était pas mal. Je pensais que c'était un fax, c'est bizarre. Bon, bah tant pis, hein, malheureusement, on ne saura pas si ces gens font encore aussi des reproductions de films X chez eux. Je ne sais pas, c'est dommage. Il y a Kali qui dit, oh putain, sa mère, c'était la totale ce soir. Gilou plus JF, mort de rire. Il mouille, il vole les paroles de Toff. Moi, je suis plié, il va souffler dans les seins, mort de rire. Oui, c'était la totale. Gilou plus JF, c'est ce qu'on appelle le double fun. Voilà. Et il y a Stéphanie qui dit, un jour, je parlerai à Gilou, c'est mon rêve. Bah oui, bien sûr, il faut y croire. Et Sabrine aussi, Mickaël, vu que je suis tombé en retard sur votre programme, faut rattraper, vous pouvez pas rester plus longtemps ce soir. Ah bah non, on peut pas, Sabrine, parce qu'après, tu vois, on a loué que de 20h à minuit. Ah bah oui, on peut pas. C'est un petit peu comme location de vacances, tu vois. Ah bah, c'est ça. L'heure, c'est l'heure, hein, c'est, ah bah voilà. Après, c'est en sus. Parce que le problème, c'est que, comprendra qui peut, ouais, si on déborde jusqu'à minuit 30, l'année prochaine, le morning démarra à 18h. Ah voilà, bah oui. Dédicace. Voilà, dédicace aux bronzés. Et il y a Otto qui dit, oh my god, les doux vont être traumatisés, les pauvres, ils vont pas dormir, pauvres doux. Non, normalement, ils sont censés avoir été se brosser les dents pendant ce temps-là. Hein. Et Valo qui dit, l'armée des doux me fait rêver, dommage que je sois trop vieille. Et Balom qui dit, ce soir, j'ai ramené deux nouvelles personnes pour Mickaël 20h minuit. Ah, ça c'est bon ça, Balou. Ça c'est une bonne, très très bonne idée. Bon, on va prendre maintenant Benjamin avec nous de Dijon. Salut Benji. Salut. Comment vas-tu? Bien et vous? Bon, écoute, ma foi, plutôt pas mal. Il y a Apollo contre le reste du monde aussi, hein, pour terminer en fanfare. En fanfare. Ah oui, en fanfare cette semaine de 20h minuit. Benjamin, toi, t'appelles de Dijon, tu voulais nous donner ton avis par rapport, eh ben, par rapport au nombre de fois, idéalement pour toi en tout cas, où il faut faire l'amour par semaine. Ouais, voilà. Alors, on t'écoute. Bah, moi, je pense plutôt, genre, ouais, 4-5 fois par semaine, ouais, c'est bien. 4-5 fois par semaine, pour toi, c'est bien? Ouais, ça va, ouais. D'accord. Ouais, bah, c'est pour un couple, ouais, pour un couple, je pense que c'est bien. Mais tu sais que c'est déjà beaucoup, hein? Bah, par rapport à la moyenne, oui. Par rapport à la moyenne, c'est, bah, c'est beaucoup. Bon, après, toi, t'as 16 ans, Benjamin, donc à la limite, toi, c'est normal. Voilà, bah, mais quand, après, mais quand t'es un peu plus vieux comme Toff, 4-5 fois par semaine, c'est déjà... Il faut les tenir, hein. Il faut déjà les tenir, évidemment, ouais. Bon, attends, il y a Dimitri aussi qui est avec nous de Vendée, là. Salut, Dimitri. Bonjour. Ça va, Dimitri? Oui, vous? Bon, tu voulais réagir au nombre de fois idéalement où il fallait faire l'amour par semaine, toi, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est combien? Ça dépend, en fait, c'est... Attends, comme... Attends, mais t'es un doux, toi? Il y a le détecteur, là, qui est en train de hurler, là. Dimitri, t'es un doux? Ouais. Et toi, tu veux déjà donner ton avis sur le nombre de fois idéalement pour faire l'amour par semaine? Eh ouais. Mais t'as déjà pratiqué? Plus de deux fois dans la même journée? Ah, pas encore. Bah oui, bah oui. Alors du coup, c'est combien, toi? Ça dépend, c'est selon nos vœux, nos choix. Nos vœux. Oui, oui, parce que moi, j'ai fait vœux de 10 fois par jour. Ouais, et tu as raison. Et tu as totalement raison. Bon, oui, non, ça dépend de ce qu'on souhaite, c'est clair. Ouais. Mais toi, t'aimerais bien essayer, toi? Ouais. Bah ouais, bah ça va venir. Il faut muer d'abord un peu, là, hein. C'est vrai. Non mais ça va venir. Un de ces quatre matins, tu vas arriver comme ça, tu vas faire j'ai bien dormi. Tu vas pas comprendre ce qui va se passer. Mais ça peut arriver à tout moment. Ça pourrait même arriver demain matin. Et tu vas avoir de la barbe et tout. Et là, ouais, ça va être chouette. Bon, le problème, c'est que normalement, il y a toujours la période de transition, ouais, où ça fait ouais, ça va. T'as les cordes vocales qui partent en sucette. On sait pas très bien si t'as la voix cassée ou quoi. Donc c'est le côté un petit peu négatif. Mais bon. Bon, donc toi, t'as bien raison, Dimitri. Il faut avoir envie, tout simplement. Comme disait Christopher tout à l'heure sur Internet, là, sur Facebook ou Twitter, je me souviens plus. Il avait dit, il fallait juste laisser le temps et avoir envie, tout simplement. Ben, merci, Dimitri. Merci, Benji. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je peux juste passer une dédicace? Ben, vas-y, Benjamin, là. Profites-en, t'es là. À une seule personne, choisis la bonne. Ça marche. Ben, une grosse dédicace à Noémie et puis j'aime très, très, très fort. Eh ben très bien, salut Benji, salut Dimitri. Moi aussi je peux passer une dédicace? Bon bah vas-y, il y a une seule personne aussi. Je voudrais passer une dédicace à Louise. D'accord, le message est passé, pas de problème. Salut Dimitri. Salut. Allez, ciao à toi. Bon ben restez bien sur Fun Radio, il y a Polo contre le reste du monde qui va arriver dans quelques minutes. J'avais une info aussi sur la star qui était la plus influente du monde, à votre avis c'est laquelle? Moi j'aurais dit Lady Gaga. Mais Lady Gaga, ça pourrait. Mais je pense qu'elle a perdu un peu. Elle George a perdu Clooney. Un peu. George Clooney, ouais, non. Ouais, c'est pas non, Jay-Z. Non, pas George Clooney. Jay-Z, ça pourrait, effectivement. Brad Pitt. Ça pourrait. Toff. Bon, selon le magazine Time, je vais vous donner. Donc ils ont fait une étude, hein, et donc c'est une personnalité donc qui serait la plus influente du monde, devant Hillary Clinton et devant Pharrell Williams. Mais à votre avis, c'est laquelle? Ah ouais, Pharrell Williams, j'aurais pas pensé. Ah ouais, Pharrell Williams, mais c'est pas le plus influent ou la plus influente forcément. Dites-nous juste après la pub, dans quelques secondes là, je vous dirai laquelle c'est. À votre avis, quelle est la personnalité la plus influente du monde? Hashtag Mickaël, 20h minuit sur le Twitter de l'émission, et puis on revient dernière ligne droite de l'émission. Eh oui, bah oui. Bah. Bah c'est la dernière ligne droite, mais c'est pas grave. Mais non, on reviendra. Bah évidemment qu'on va revenir. Il y a surtout Polo contre le reste du monde, ouais, qui arrive dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Pendant que le Doc, Karima et Karen sont en vacances, Mickaël s'occupe de vous tous les soirs de 20h à minuit. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01-42-48-5000. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et je vous avais demandé, à votre avis, quelle était la personne la plus influente. Il y a Valou qui proposait Oprah Winfrey. C'est pas ça. Maxime qui proposait, c'est Toff, la personnalité la plus. Oh non. Justin Bieber pour Guillaume, non. La friterie Alba qui dit, c'est Mickaël, la personne la plus influente. Non plus. Il y a Anto aussi, la personnalité la plus influente, c'est Mickaël, le dieu. Oh là là, bande de susbites alors, c'est dingue ça. Et Pépère aussi, pour moi, ce serait le président des États-Unis, Barack Obama. Eh ben non, même pas. Alan qui proposait moi aussi. Il y a Wrecking Ball qui proposait la bonne réponse. Wrecking Ball, ben, je donne la bonne réponse dans quelques minutes. En attendant, pour les autres, allez-y, vous balancez vos messages, hashtag et Mickaël, 20h minuit. Et puis ben, ce que je propose, c'est qu'on se mette le son de Dimitri Vegas sur Fun Radio avec Tremor. Et on revient juste après, il y aura Polo contre le reste du monde sur Fun Radio. Pendant que le Doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit sur Fun Radio. Ouais, et il y a d'ailleurs dans quelques minutes Party Fun qui va débarquer aussi. Ce sera avec Miko Se, bien évidemment, à partir de minuit. Party Fun, et puis nous, on sera évidemment de retour la semaine prochaine, juste après Love in Fun, entre 23h et 2h du mat sur Fun Radio. Et ben voilà, Dimitri Vegas à l'instant avec Martin Garrix, hein, c'était Tremor, son que vous avez découvert sur Fun, évidemment, c'était il y a 2 semaines, je crois, dans l'émission, ou 3, je sais plus. Arnaud également qui dit, la personne la plus influente, c'est pas le président du Brésil ou un truc comme ça, mais pas du tout. Ah non. La personne la plus influente n'est autre que Beyoncé. Ah oui, c'est... Ouais, comme quoi, hein, Beyoncé qui est donc la personne la plus influente du monde, selon le magazine Time, voilà. Dingue, donc loin de Toff, tout ça. Oui, ah bah oui. Voilà. Il y a Andrés qui proposait quand même Mickey Mouse. Hein. Oui, bah non. Roméo qui dit vive Fun et mort à mes potes qui n'aiment pas Fun. Et bah oui, exactement. Et Maxence qui dit moi perso, je trouverais Toff plus beau après être passé au bourreau. Mais qu'est-ce que le. Ah oui, bah, d'accord. La tête, ah hein, oui, voilà. D'accord, ok. Et Aria également qui dit la plus influente, Justin Bieber. Bah non, Shakira non plus pour Romain. Mickaël, c'est quoi ton bled au Portugal? Moi, c'est Lisbonne pour la fête. Excellent, Filou de Brive. Alors, moi, c'est à 80 km au nord de Lisbonne, à Santarém. Voilà, comme ça vous l'écrivez correctement. Et alors, Lorien aussi qui dit la claque dans la gueule de Toff. Ça, c'était drôle. Bah oui, on va leur mettre une, tiens. Ah bah voilà. Voilà, comme ça, on s'est mis bien. Bon, avant de faire pour le contrôle reste du monde, on a Kevin avec nous, là, d'Antibes, l'habitué. Kevin, t'es là? Ouais, ça va, et vous, les gars? Ça va très bien. Bon, puisqu'on termine là-dessus, là, pour toi, quel est donc le nombre de fois idéal de faire l'amour pendant la semaine? 7 fois par semaine, une fois par jour. Une fois par jour? Bon. Non, ça peut aller, là. Ouais, une fois par jour, ça va, oui, bien sûr. Maintenant, tu pratiques ou pas, toi? J'ai pratiqué, ouais. Ah, fut enfin, un temps. Je suis célibataire. Ouais. Fut un temps lointain. Tu as perdu la main. Ouais, il y a des années maintenant. Ouais, il y a une lointaine époque. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, et donc du coup, donc toi une fois par semaine. Bon, ok, d'accord. Une fois par jour, pardon, c'est ça. Ouais, voilà, ouais, tranquille. Bah après, pour les plus vieux, c'est plus galère, mais... Oui, bah au plus tu vieillis, au moins ça marche. Hein. Enfin, au moins tu... Ouais, voilà. En moyenne, après, en tout cas. Ouais. Enfin, même pour Toff, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Ah oui, mais c'est fini, il a arrêté là maintenant. Il ouais, arrive, non, il est en forme, mais il est pas. Enfin, je sais pas si les meufs elles le kiffent, t'as vu. Bah, c'est-à-dire que là, c'est dans le déclin hein, maintenant. Ouais, c'est là, c'est de plus en plus dur. Hein. Ouais, à part Alexandra ou. Oui, ouais, voilà. Bah, déjà, Alexandra, c'est bien, hein, écoute. Bah, elle a son âge, hein. Bah, elle a son âge, elle a ses kilomètres au compteur, mais une fois de temps en temps. Mais bon, c'est le déclin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Enfin. Ouais, bon, merci, Kevin, d'avoir appelé, hein. Bah, dis-moi, je passe une petite dédicace, Nicolas. Eh ben, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Ouais, bon, je vais faire Cécile et Sandro, je vous aime trop, je vous kiffe. Voilà. Bah, très bien, bah, je te renvoie chez Sandro au standard, y a pas de problème. Allez, salut Kevin. Ciao, Kevin, à bientôt, bye. Bon, et puis avant de terminer avec Polo contre le reste du monde, on va quand même faire les teubés de la télé, hein. Ah oui, bah évidemment. Bon, est-ce que quelqu'un se souvient d'Afida Turner? Bah oui. Ah, la psycho là. Exactement, ouais. C'est pour ça que vous me demandiez pourquoi j'étais partie aux États-Unis. Je suis partie aux États-Unis également parce que j'avais vraiment envie de monter d'un niveau. C'est-à-dire que en France, j'étais assez catalogué, je sais pas. Et quand vous partez aux États-Unis ou à New York et vous essayez d'enregistrer un album anglais, le niveau est une fois. Je veux dire, les Américains, ça ne rigole pas. Ouais, ça rigole pas les Américains, effectivement. Ouais. Bon, finalement, la biffe est de partir. Voici le plus beau râteau de la télé, c'est dans les 12 coups de midi. Je suis célibataire. Oui. Donc j'espère trouver un garçon qui adore la musique comme moi. Vous venez de jeter un œil à Paul Antoine. Qu'est-ce qu'il y a, Paul Antoine? Elle peut toujours courir. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Paul Antoine? Ben, je n'aime pas trop les filles, donc. Forcément. Va falloir qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Écoutez, au moins c'est dit. Ah oui, là c'est dit, effectivement. Et c'est dommage. Tu vois, c'est toujours comme ça que ça marche. Dès qu'il y a une meuf un peu bonne, elle va toujours voir un mec qui est soit pas dispo, soit gay. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et c'est gâché. Bon, qu'est-ce que je vous dis. Bon, c'est dommage. Et puis, bah oui. Et puis on alors va que moi j'étais disponible. Ouais, bah toujours. Mais enfin bon, en même temps, c'est physique à un moment. Hein. Bon, on va rester dans l'amour et la tendresse avec les amours. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ma femme n'est vraiment pas faite pour ça. Ben moi j'aurais dit l'informatique. Pour l'informatique? Eh ben voilà. Non, ben c'était ça notre révélation. Mais il nous a pas parlé de cet ustensile-là. C'est malin. C'est vrai aussi? C'est vrai? C'est vrai? Oui. Ça vous n'avez pas dit. Ça? Non? Ça vous a jamais trop intéressé? Pas du tout. Ouais. Bon, on a deviné qu'il parlait du sexe, hein, bien entendu. Hein. C'était pas dit ouvertement, mais... Oh, quand même. Bah, bon, on l'a deviné, on l'a plus deviné qu'autre chose. Bon, allez, avant Polo contre le reste du monde, on va appeler le gagnant, le dernier gagnant de Playboy, avec les sous-vêtements Playboy qu'on offre depuis hier soir. Je rappelle qu'il y a toujours la vidéo hein, de la venue de Playboy dans l'émission, là, sur YouTube. Allô, comment tu t'appelles? Je m'appelle Denis. Ouais, Denis, tu coupes ta radio, Denis? Ok, essayez. Voilà, nickel. Bon, Denis, tu veux les sous-vêtements Playboy? Oui. Ouais, eh ben on va te les filer. Hop, le dernier paquet qui va partir chez toi. Tu t'habites où, Denis? J'habite sur Limoges, à 25 km de Nexon. D'accord, ok. Eh ben voilà, ça part sur Limoges, sans problème. Alors, salut à toi, Denis. Passe une bonne soirée, un bon week-end. Ok, à vous aussi. À bientôt. Salut. À bientôt. Allez. Énorme. Eh ben merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup. Et merci à Playboy d'ailleurs de nous avoir filé les sous-vêtements. Il y a là encore les photos si jamais vous voulez en acheter. Après, c'est possible. Hein. N'hésitez pas non plus. Et puis, donc la vidéo, comme je le disais, de la venue de Playboy. C'était lundi dans l'émission. Ils sont venus déposer les œufs en chocolat et tout. C'était cool. Eh ben, vous pouvez évidemment aller voir cette vidéo. Surtout si vous êtes jeune et si vous êtes une âme sensible, abstenez-vous. N'allez évidemment pas la voir. Je compte sur vous. Ouais. Tapez Mickaël officiel pour les autres sur YouTube et sur Facebook pour aller la voir. C'est parti pour le dernier Polo Against the Rest of the World. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Grâce à vous, je suis numéro 1 tous les soirs et ça, c'est magnifique. 15 millions de personnes me suivent sur Facebook et c'est grâce à vous. Un milliard, on était à 1 milliard. Ah oui, 1 milliard, pardon, mais on l'en perd parce que bon, faut ah acheter. Oui, c'est normal. Faut acheter tout ça. On y commence avec Kevin. Kevin, je t'écoute. Wesh Polo, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu t'es enrichi depuis hier soir? Que je me suis engraissé? Non, enrichi, pas engraissé comme ça. Pas du tout, pas du tout. Maëva! Ouais. Je t'écoute. Eh, t'es tellement petite qu'elle fait la taille d'un tic-tac. Oh, c'est pas drôle ça. Oh, ma pauvre. Oh. Oh, t'es pas drôle, Maëva. Oh, là là, c'est triste, c'est triste. Marvin! Ouais, Remets-nous dans le contexte. Pas de bonjour pour toi. On y va. Bon, ça fait un mois que j'appelle justement pour le Polo contre le reste. Et tu en es très heureux d'ailleurs. Ah, super heureux, moi bon. Ça m'amuse justement. Vas-y, et ensuite? Donc, moi, c'est le gay van. Ouais. Comme d'hab. Hein. Ouais. Et justement, ça fait un mois que j'appelle pour balancer des vannes pourries. Ouais, mais tu ne le feras pas ce soir non plus. Brandon, je t'écoute. Oui, salut Polo. Salut là, Brandon. En fait, je voulais te dire que je kiffais ton émission en fait. Bah, je te remercie en fait. C'est tout? Et il y a Maëva qui kiffe. On s'en fout, casse-toi. Thomas! Salut. Salut Thomas. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette petite voix, Thomas? Serais-tu un doux? Oui. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce qu'une ligne jaune sur l'autoroute? Quoi? Qu'est-ce qu'une ligne jaune sur l'autoroute? Je sais pas. Un chinois écrasé. Non, c'est pas... Thomas, pas ce genre de vanne, c'est pas drôle. Thomas, voyons. D'accord. Bon, trouve-en une autre plus drôle, d'accord? Ouais, bah, parce que tu es... Parce que tu es un doux, tu mérites une seconde chance. Momo! Ouais, Polo! Salut, Momo! Ouais, salut! Hey, j'ai un petit jeu pour toi. Je t'écoute. Vas-y, tourne la tête à droite. Ça y est. À gauche. Ça y est. Monte là en haut. Ça y est. Descends là. Ça y est. Ça y est, t'as pas eu l'impression de passer pour un con? C'est pas mal, ça, Momo. Waïd! Oui, salut. Je suis en train de vous observer, là. Ouais. Ouais, bah, sur l'application. Ouais. Sur ma tablette. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Rien. Bon, bah alors casse-toi, Waïd. Gagik. Comment ça va, bon ami? Et attention, le standard est full blindé. Donc, essayez d'appeler. Je sais pas s'il y a une place qui se dégage, mais c'est full. Vas-y, Gagik. Ouais. Comment ça va? Ça va très bien. Et pourquoi hier, j'ai pas été là? Non. Parce que je me suis endormi. Bah, c'est... Mais pourquoi tu me racontes ta vie, Gagik? Je m'en fous un peu, en fait. Ouais, je sais. Viens avec des choses, viens avec du matériel. Kevin, le retour. Abdou et Mohamed sont dans une voiture. Qui conduit? Je sais pas. Hey, Kevin, calme-toi. Fais attention à ce que tu vas dire. La police. Ah, c'est vraiment une blague de rachot. Et rigole ce con de Kevin. Bah, t'es vraiment un con. Quel bande de connard, alors. Enfin, quel connard. Bah, Eva. Oh, Polo. Ouais. C'est respirant par ta langue. Quoi? C'est respirant par ta langue. Mais et articule quand tu parles, Maëva, putain. C'est respirant en sortant la langue. On comprend pas ce que tu dis. Tu sais respirer en sortant la langue. Non, je sais pas faire ça. Il y a que toi qui sais le faire. Marvin, le retour. Ouais, non, mais tu vois, là, j'ai un peu l'air... j'ai l'impression de faire... d'imiter Sarkozy. Ouais, mais tu vas pas le faire ici, ok? Ouais, non, mais parce que là, j'ai la tête de côté, j'ai le téléphone sur l'épaule. Eh ben alors, eh ben, quoi, il y a que Sarkozy qui a un téléphone et qui penche sur l'épaule, c'est ça? Oui, non, mais Marvin, tu vois, Marvin, c'est pour ça depuis un mois je te fais revenir. Parce que tu vois, c'est ça. Non, c'est parce que c'est ce genre de remarques ridicules, tu vois. Est-ce que tu comprends, Marvin? Oui, je comprends. Excuse-toi. Je m'excuse, bon. Voilà, bouffon. Ouais, Polo, j'ai une blague. C'est vas-y. Quel est le plus petit filet de pêche au monde? Je sais pas. Le string, parce qu'il peut contenir des raies et des moules. Bon, c'est pas drôle, raccroche-toi au nez tout de suite avant que je m'énerve. Raccroche-toi. Merci beaucoup. Thomas. Qu'est-ce qui est mouillé et qui reste toujours à l'abri? Je sais pas. La langue. Super. Momo? Ouais, me revoilà. Bon, super. Waïd, on conclut là, on a terminé là. Ouais, quelles sont les deux premières personnes sur Terre? Eh non mais attends, Waïd, je vais juste vous expliquer à tous un truc, c'est pas ici, c'est pas le festival de la vanne quoi, donc vas-y Waïd. Quelles sont les deux premières personnes sur Terre? Adam et Ève. Ouais. Eh ben, c'est une blague ça? Non. Waïd, c'était juste pour regarder si t'as la mémoire. Ouais, si j'ai la mémoire, ouais. Waïd? Oui. Raccroche-toi au nez tout de suite avant que je m'énerve. T'es méchant. Raccroche-toi au nez. Merci beaucoup. Gagui, conclusion s'il te plaît. Polo. Conclusion, je t'ai dit tu conclues, tu reviens la prochaine. Un kilo de plomb ou un kilo de plomb? Personne, dégage d'ici. Momo, conclusion s'il te plaît. Ouais, tu peux pas m'offrir un petit truc? Non, fous-moi le camp. Kevin. Qu'est-ce qu'un arabe sans bras? Oh putain, Kevin, non. Hey, je vraiment un ratio là. Hey Kevin, je peux pas. Noir dans un sac de couchage. Kevin. Kevin. Qu'est-ce qu'il va arriver? Casse-toi d'ici. Hey, le mec il mange. Maëva. Oh Polo. Allez dégage toi, tu m'as saoulé. Thomas. Qu'est-ce qu'un BG qui a 20 de moyenne? Je sais pas. Toi. Un quoi? Toi. J'ai pas compris, Thomas. Qu'est-ce qui est un BG et qui a 20 de moyenne? Qu'est-ce qui est un baiser? Un BG. Un beau gosse et qui a 20 de moyenne? Toi. Oh, c'est mignon ça, Thomas. Tu vas rester. Ouais, tu peux rester. Bah, tu vas rester. Tu peux revenir quand tu veux. D'accord, Thomas? Ok. Allez, fous le camp. Marvin, conclusion, mon grand. Ouais, tu connais la blague de la porte? Ouais, mais tu la feras pas là, Marvin, ok? Elle claque. Hop là. Marvin? Oui. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Une blague de merde. Est-ce que je t'ai autorisé à le faire? Non. Excuse-toi. Je m'excuse, Polo. Fous le camp d'ici, hein, c'est terminé. Polo contre le reste du monde. Polo against the rest of the world. Exactement. In English. Et grâce à vous, je suis numéro 1 tous les soirs. Et ça, c'est magnifique. Voilà. 1 milliard, hein, 1 milliard 500 000. Oui, ah bah oui, on vient de gagner 500 millions. 1 milliard 500 millions. 1 milliard 500 000. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau de fan. Ça, en 5 sur minutes. Sur cette page inexistante, c'est parfait. C'est beau. C'est ça qui est beau. Oh là là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Allez, je m'en vais. Bah oui. Bon, top tweetos. Avant de terminer, il y aura le générique de fin dans quelques secondes également. Et puis, bah, le top tweetos, on voit donc là maintenant lequel va repartir avec le magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Allez, c'est parti. On y va. Quel est le numéro 5? Je n'en sais rien. Bah oui, bon, enfin regarde. Oui, oh, bah une seconde, faut que ça charge. Oh là là, mais si tu fermais pas tout à chaque fois là. Mais c'est pas que je ferme, c'est qu'il faut le temps que ça charge. Oui, oui, c'est tu ça. Tu prends le polo chaud, tu crois qu'il n'y a pas de tweet. Eh oui, c'est ça. N'importe quoi. L'autre, il essaie de nous le faire à l'envers là. Il ferme tout parce qu'il a peur qu'on regarde dans ces trucs là. Mais rien à voir, il est ouvert l'ordinateur. Il a peur que Polo aille fouiller. Je fouille pas, je dessine des bits sur ses feuilles. Voilà, c'est ce que je fais. Bon, allez, numéro 5. Extra Gornax. Numéro 4. Oui. Enfin, Poupée Lola. D'accord. Numéro 3. C'est illisible. Noah. Numéro 2. Benjamin. Numéro 1. Le Prince Nadia. Ah bah voilà, elle a déjà gagné, donc ce sera Benjamin. Oui. Voilà, Benjamin qui repart avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, et on se quitte avec le générique de fin, c'est parti. C'est parti. C'est hein, tu vois, si tu rangeais tes affaires. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. La gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, que t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton nom toute la journée. Eh hey, mine, t'es mort, gros pédé, je vais t'enculer, fils de putain de bâtard, t'es mort. Bah. Merci pour ce florilège, j'adore. Ta mère, gros bâtard que tu es. Ça nous fera plaisir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Il t'a pété une à travers les deux yeux, moi, tu vas voir. Je vais te demander que c'est qu'elle est à la lumière, connard, va. Si tu veux, face de sodomie, ça. Enculé, enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Et on salue les amis Toff. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, Toff, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà, et ben très bien, une bonne qui se termine là. On est au top, on est plus qu'au top. Bon, on va remercier Alexandre, il y avait Kali, il y avait Sarah, il y avait Coralie, Eric, Gaëtan et tous les autres évidemment qui étaient connectés ce soir. Il y en avait plein, le Prince Nadia notamment, il y avait Benjamin qui a gagné évidemment, et puis tous les autres bien sûr, tous les nouveaux qui nous ont découvert cette semaine puisqu'on était en mode 20h minuit. J'espère que vous serez là hein, d'ailleurs hein. Bon, la semaine prochaine c'est en mode replay, on va se mettre les meilleurs moments de l'année dans l'émission entre 23h et 2h du mat. Mais oui, ouais. Exactement, avec les meilleurs canulars, les meilleurs chéris, je peux te faire cocu, avec les passages de Jean-François, de Gilou, bref, ça va être la folie totale. Régal. Et on sera de retour à partir de 23h, mais la semaine d'après, voilà, en pleine forme aussi. Hein. Donc j'espère que vous nous écouterez encore de 23h à 2h et tous les dimanches, rassurez-vous, est là, exactement, on est là de 20h à minuit. Voilà, tous les dimanches, j'espère que c'est bien noté dans l'esprit de tout le monde ça. Et puis voilà, bah, bonnes vacances tout le monde pour ceux qui sont encore en vacances évidemment. Et puis bah, bonne reprise pour ceux qui reprennent. Et vous pourrez nous évidemment suivre toutes les photos, toute l'évolution des vacances, surtout celle de Toff, sur le Facebook de l'émission. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh Mickaël, no limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, c'est parti pour les fins. Ouais. Et oui. Et oui, pour les fins maintenant, donc avec Miko en pleine forme. Oui. Ah bah oui, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ah non, mais je suis fan de Polo à chaque fois. Ah bah tant mieux, écoute, alors ça va. Tu veux qu'il co-anime avec toi, Party Fun? Mais pourquoi pas? Ouais, mais je pense que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Polo voudrait devenir un grand DJ en plus. Ouais, donc, exactement, ouais. Il faudrait que tu lui apprennes à mixer. On va le faire co-animer déjà, on va faire les choses étape par étape. Étapons, ouais. C'est mieux. Tu peux au moins lui apprendre le play aujourd'hui, tu vois comment lancer le disque. Ouais. Ça c'est faisable. Déjà si tu peux m'apprendre comment allumer les platines, c'est déjà pas mal. Ça aussi c'est pas mal non plus. Ça nous laisse 10 jours, on a 10 jours avant la fin ouais. Pour le mettre. On a de quoi faire. Bon, Miko, Party Fun spécial quelque chose ce soir? Party Fun spécial vacances déjà. Bah oui, bah évidemment. À signaler avec deux DJ qui étaient présents avec nous à Madrid, DJ Hardway qui est le protégé de Martin Garrix. Et c'est Martin Garrix qui va ouvrir la première heure. C'est parfait. Bah voilà, Party Fun, Martin Garrix et Miko C. Enfin, parce que Martin Garrix c'est un petit, mais Miko C est là. C'est le grand Miko C. Il est là pour sauver les meubles. Mais il y a déjà des micros qui faisaient des disques à l'antenne en tant qu'auditeur, si tu veux. C'est vrai. Le flipper Stromone est très bon d'ailleurs, je le précise. On l'a passé tout à l'heure à 22h, exactement. Bon, bah bon week-end à toi, et puis bah rendez-vous dans une semaine. Hein. Bah, pas dimanche, malheureusement. Bah, non, bah non, mais pas dimanche, mais l'après, on sera là. Oh, ça nous manque. C'est, oui, bah oui. Salut tout le monde, oui. Et puis retour de Levin Fun, hein, donc c'est lundi à partir de 20h, et puis en mode replay juste après à partir de 23h. Voilà, amusez-vous bien, bonnes vacances tout le monde, et puis bah, on se suit, on se follow encore, Facebook, Twitter, comme d'hab toute la semaine. Salut, salut! Salut! DJ.